Alors, donc c'est bon, ça enregistre de ton côté ? Ah, moi, ouais, je suis en train d'enregistrer. Bon, de toute façon, ça va être bien, plein de miasmes, de tout, de reniflage, parce que moi, en ce moment, je suis dans ma période saignage de nez. Et. Ouais. J'ai la crève. Ouais. Voilà, et si je renifle. Je suis obligé de renifler parce que si je me mets à me remoucher, ça va repisser le sang. Donc ça va être chiant. Bon, alors, hop, ça enregistre, c'est bon, on y va. 1, 2, 3. Bienvenue dans Brocast, le podcast gaming dont les deux hosts sont des bros passionnés de jeux vidéo et besognant dans ce milieu aussi fabuleux qu'hostile. Le premier bro, c'est moi, Bruno, chez Bruno sur Twitter, ancien journaliste JV et travaillant désormais pour Storybird Games, studio cofondé par le deuxième bro, Julien, alias Forza Pedro, sur le réseau social du Piaf Bleu qui aime chier des messages de 140 signes sur la tête des gens. Alors Juju, comment ça va ? Bah ça va, ça va. Alors c'est quel épisode là ? C'est le 11, non ? C'est le 11e. 11e c'est épisode. Le 11. Bah ça fait 11 épisodes que je vais encore dire bah j'ai la crève, donc je suis désolé. Parce qu'à chaque fois, mais les gens ils vont penser que j'ai un cancer quoi. Franchement. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on enregistre, je sais pas, c'est un hasard assez dingue, c'est les moments où j'ai le nez qui coule et que j'ai la gorge défoncée quoi. Donc voilà, ça risque de renifler. Bah de toute façon j'ai la crève aussi. Voilà, comme ça. Donc ça va être. Dans la famille nez qui coule. Ça va être un épisode spécial nez qui coule. Alors c'est un épisode. Donc on rappelle rapidement le principe de Robocast, on vous invite à vous asseoir autour de notre table virtuelle pour discuter jeux vidéo avec nous, comme si vous entendiez des potes, des amis parler jeux vidéo en toute simplicité. Et donc aujourd'hui on va aborder deux jeux hyper importants, vraiment qui étaient très attendus depuis au moins 156 ans. On va parler de Final Fantasy XV et de The Last Guardians. Et donc on va faire une structure... un petit peu original, une fois de plus, pour cet épisode. C'est qu'en fait, moi, j'ai terminé Final Fantasy XV. Je n'ai pas commencé Last Guardian. Je commencerai après les fêtes, donc début janvier. Et Julien, lui, n'a pas fait Final Fantasy XV, mais a fini Last Guardian. Donc, c'est deux jeux majeurs. Et donc, on a nommé cette émission L'Éclopé et le Miraculé. Ouais. J'ai eu l'idée de ce titre, parce que vraiment, c'est comme ça que je me représente FF15. C'est un jeu éclopé, malade, complètement. Et donc on en parlera avec Julien dans la deuxième partie d'émission. Visiblement, The Last Guardian a surpris en bien, sachant que, bizarrement, beaucoup étaient défaitistes à son sujet. Donc on en reparlera. Donc voilà, on va vite fait... comme mon avis va te surprendre pour The Last Guardian. Voilà, il faut préciser qu'on... Bon, alors, Final Fantasy XV, tu sais à peu près ce que j'en pense, parce que j'ai tellement spammé ma timeline Twitter et Facebook, tellement je pétais un câble, bon, que tu sais à peu près ce que j'en pense, mais c'est vrai que The Last Guardian, tu m'as pas du tout donné ton avis depuis, et je lis des avis sur le jeu, assez contraire, non, pas du tout, mais disons que les qualités du jeu reviennent tout le temps. Après, c'est la tolérance des défauts, selon certains qui l'ont testé, qui font la différence, quoi. Donc on en reparlera. Bah, en fait, il suffit de voir, c'est comme Final Fantasy XV, hein, tu vas sur Metacritic, tu regardes la note, c'est de la presse, les moyennes. C'est le nombre de notes positives, après je sais plus comment ils appellent ça, variables ou mauvaises. Tu regardes la presse, c'est quasiment que des notes positives, majoritairement. Par contre, tu regardes les notes des joueurs et tu vois que dans les positives et les mitigés, ça se touche, quoi. Ça se touche beaucoup plus vers les joueurs que vers la presse, quoi. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui fait la différence, puisque les défauts, bon, que ce soit qui soit remonté sur le jeu du EDA, que ce soit la caméra, le gameplay, les défauts qu'on retrouve depuis toujours, n'empêche pas que le propos garde une certaine cohérence du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que ah bah oui, ça... voilà, il y a eu un cap, il y a eu un capitaine. Et il a mené sa barque là où il voulait, avec des défauts qui sont assumés. Au contraire des FF15, on va y venir très vite, où il n'y a pas eu de vision, il n'y a pas eu de capitaine, et c'est complètement incohérent d'un bout à l'autre. Donc ça, je pense que c'est ça qui fait la différence, en fait, entre les jeux, c'est qu'entre guillemets, les défauts de Guardian, ont l'air assumés. Non, c'est une fausse excuse, mais on en reparlera. Alors on en reparlera, donc on va rapidement, donc ouais. la section un peu conseil, news, ce à quoi on a joué, va être exceptionnellement, ça fait 11 numéros qu'on vous le promet, mais là ça va être vraiment très rapide, parce que... On a vraiment deux gros morceaux là à traiter. Ouais. Bah c'est pareil, moi, mes coups de cœur et mes coups de gueule, je les garde pour le prochain. On enregistre donc le 15 décembre. Oh là, on enregistre le 15 décembre, donc c'est quand même une journée historique puisque c'est la sortie de Super Mario Run sur système iOS. Et je crois que c'est dans 15 jours sur Android, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est possible. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que visiblement, on s'écarte. Du run classique, et Miyamoto a vraiment bossé, s'est chargé du game design du jeu pour faire vraiment quelque chose de nouveau, donc on a vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je crois pas qu'il est dispo encore, hein, parce que j'aurais reçu la notif, je pense. Tu sais, ça va être dans la journée. Ce qui est sûr, c'est que c'est aujourd'hui. Ça va être dans la journée, quoi. Voilà, ça va être dans la journée. Donc hâte d'essayer ça. vraiment hâte de voir quelle offre Nintendo va proposer. Voilà, sur smartphone. Moi, j'ai attaqué Dishonored 2, que j'attendais vraiment depuis très longtemps. Voilà, je vous ai déjà fait part de l'amour que j'avais pour le premier épisode. Donc là, j'ai juste quelques heures de jeu. Au compteur, voilà, juste pour dire que, comme prévu, c'est absolument génial. Donc j'ai hâte de continuer. Et puis voilà, je garde aussi mes autres coups de cœur, coups de gueule pour le prochain numéro. Donc toi, Julien, je crois que t'es quasiment à la fin de... Enfin, t'es à la fin de Dragon Quest 7. Ce qui est très drôle, ouais, de Dragon Quest 7, ce qui est très drôle, c'est que pendant qu'on se parle, je spam le bouton A contre le boss de fin en ce moment même. pour essayer de le buter, bon, je vais mettre la console en veille au bout d'un moment. Hein, là, c'est ah oui, parce qu'après, on va parler sérieux, attention. Non, mais c'est là, je joue sans conviction, voilà, histoire de... Parce que voilà, comme dans tous les Dragon Quest, le boss de fin est en à peu près 14 parties, tu vois. C'est à la DBZ, quoi. Ah, en fait, je suis plus fort que ça. Ah, bah, en fait, j'étais pas à mon plein potentiel. Ah, bah, en fait, nanana, c'est Dragon Ball, tu sais. Donc, voilà. Donc je suis presque du coup à la fin, et, comme je disais, étant donné que je suis au boss de fin. Ceci étant dit, c'est pareil, j'aurai des choses à dire, je pense, au prochain podcast du jeu, de Broadcast. Moi, je suis, j'ai adoré hein, Dragon Quest 7, l'histoire est assez dingue. Enfin, bon, bref, c'est pas le souci, je vais pas revenir là-dessus. Par contre, il est interminable, quoi. Mais dans le mauvais sens du terme, il est interminable. Il est vraiment, mais alors vraiment trop long, quoi. Ils ont rajouté beaucoup de choses. Bah, en fait, Ori avait expliqué qu'avec le format CD de la PlayStation, en fait, il avait pas pu tout mettre. Ouais. Et si, justement. Si. En fait, quand ils avaient quasiment terminé le jeu, c'est pour ça qu'il était repoussé aussi beaucoup de fois. Anecdote de développement, c'est que. En gros, c'est les développeurs qui ont été le voir en disant « Mais putain, il nous reste de la place, quoi. Il nous reste beaucoup de place. » Donc en fait, c'était un peu la boîte de Pandore pour eux, tu vois. C'est « Oh, putain, on a encore de la place. Bah vas-y, on va rajouter. » Résultat, il y a 20 heures de jeu de trop, quoi. C'est vrai. C'est oui, c'est toujours pareil. Un jeu trop court, c'est pas très bien. Mais trop long, c'est pas forcément c'est bien pareil, non plus. C'est pareil. Parce que le rythme se dilue totalement. Et franchement, la toute dernière quête... pour arriver au boss de fin qui est sans spoiler hein, c'est une quête avec des éléments, bref faut les rassembler pour pouvoir accéder à un endroit où il y a le boss de fin quoi, voilà. Cette quête là déjà ça parle beaucoup trop pour rien et en fait on te demande de repasser dans des endroits que tu connais déjà que t'as déjà visité hein, donc tu fais plein d'allers-retours parce que tu peux plus te téléporter à partir de ce moment-là en fait parce que bref je vais pas sinon ça va spoiler le scénar mais tu peux plus. Il aurait fallu mettre une voiture comme dans FF15. Non mais voilà c'est j'adore les Dragon Quest mais c'est pour te donner une ordre d'idée en termes de longévité parce que en plus je l'ai rushé le jeu hein. Je le rush bon j'ai quand même fait des XP à un moment donné mais je l'ai quand même pas mal rushé. Je pense là tu vois je suis quasiment à 70 heures de jeu en le rushant. Ouais, non, c'est trop long, là. C'est moi, tu vois, là, déjà, tu me dis ça, c'est impossible, moi, je peux pas le faire. Non, tu pourras pas le faire. J'ai pas le temps, impossible. Non, moi, j'y joue tous les matins, et là, je t'avoue que ça fait 15 jours, hein, qu'à chaque fois que j'y joue, je me dis, putain, mais c'est quand la fin, quoi. Vraiment. Bah, écoute, je te propose qu'on revienne dessus sur la prochaine émission. On va attaquer Tu vas nous parler Final Fantasy XV, donc. Je vais te poser des questions sur FF15, parce que moi, je ne l'ai pas fait. Ouais. Et du coup, bah... C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Je t'ai vu en parler sur Facebook en mettant des trucs, genre il y a un bug ici. Faut dire qu'au niveau, au niveau boulot, t'as un emploi du temps très chargé, moi aussi, chacun de notre côté. Et à la limite, c'est bien parce que là, l'émission. C'est un peu la surprise là. On reste vraiment dans notre principe d'enregistrer une discussion quoi, complètement spontanée. Ouais. Ce qui est le principe de Brocast à la base. Et du coup, ouais, FF15, en fait, juste une. Petite réflexion avant d'attaquer, c'est que Final Fantasy, il y a deux sortes de fans. Il y a les fans comme nous, qui sont quand même assez tolérants, je pense, parce que nous, on est fans hardcore de la saga depuis, on va dire, depuis l'ère Super Famicom, voilà. Et c'est vrai que t'as une partie, une frange des fans qui ne supportent pas la critique, voilà. Comme je dis souvent, je me souviens quand j'avais fait ma vidéo où je critiquais FF9. Ah, je m'en souviens. Je me suis fait insulter de partout. Enfin, voilà, il y a une loi martiale gravée dans le marbre qui te dit que tu n'as pas le droit de critiquer Final Fantasy. Voilà, bon. En France. Il faut vraiment préciser en France parce que c'est pas pareil ailleurs quand même. Hein. Et du coup, FF15, là, vous pouvez réécouter les anciennes émissions. J'avais repris espoir, en fait. Voilà. Pour FF15, vraiment, de voir toute sa genèse complètement... mais hallucinante, quoi. Voilà. C'est le jeu accidenté par essence. Je vais me répéter, mais j'ai envie de dire, je l'avais dit, quoi. Tu vois, c'est... Ouais. Ça puait, ça se voyait ici... Un miracle ne pouvait pas arriver, c'était pas possible. Disons que, de voir un Tabata quasiment au bord des larmes te vendre son jeu, t'as envie de lui donner du crédit, parce que tu sais que le mec, comme je dis, il a dû perdre 10 ans d'espérance de vie voilà, en bossant dessus. Bon, même s'il a fait un peu du caca, mais bon, je vais revenir. Ouais, mais la réalité des choses, c'est que c'est des développeurs qui sont derrière des écrans et qui codent. C'est ça, la réalité des choses, c'est pas un mec qui dit que mon jeu, il est cool, etc. Si c'était que ça. Mais enfin, bref. Et du coup, ouais, en plus, ouais. Et du coup, je m'en suis pris plein la gueule quand je cassais FF15 dès le début, sachant qu'aucune review n'était sortie à ce moment-là. Hein. Voilà. Ouais. J'en ai vu certains sur Twitter ou Facebook qui, genre, me disaient « Mais non, mais t'exagères, machin », qui en sont vachement revenus aussi du jeu. Donc en fait, avant que qu'on en discute, juste dire que moi, je n'ai pas compris toutes ces reviews. Les trois quarts, on va dire, dithyrambiques sur le jeu, où vraiment j'avais l'impression d'être sur une autre planète, en me disant, mais les gens sont fous. Alors, soit ils sont complètement endoctrinés par Square Enix, soit ils ont touché des gros chèques, tu vois, je sais pas, soit ils ont peur de plus avoir de pub, d'être blacklistés, j'en sais rien. Ah, c'est le cas, hein, parce que t'as vu, si tu mettais en dessous de 7,5 sur 10, oui, t'étais blacklisté. Le site espagnol, là, c'est ça, qui a lâché, qui a poucavé, entre guillemets. Même si c'est quelque chose qui se fait beaucoup, alors attention, là on va dire, oh là là, Boost, Square Enix, c'est des connards, mais il y a plus la moitié des éditeurs qui font ça. Hein. Donc, oui, de toute façon, je suis ancien journaliste JV, j'ai vu des collègues, moi j'ai jamais eu de pression personnellement, et de toute façon je ne l'aurais pas accepté, j'ai vu ça dans certaines rédactions, oui, ça existe. Mais évidemment. Donc en fait... Final Fantasy XV, ce qui est hyper, avant d'aller dans le détail des choses, ce qui est hyper troublant, c'est que en fait, c'est un jeu aussi révoltant qu'attachant. Parce qu'en fait, tu vois ce que Nomura a voulu faire à la base, parce qu'à la base, c'est un projet de Nomura, d'accord, Tetsuya Nomura. Moi, comme je le vois, c'est que Tetsuya Nomura est parti trop loin et que à la base. Comme d'habitude, mais qu'à la base, ce qu'il voulait faire. Il y avait de belles, grandes idées dedans. Sauf qu'il a, c'est un mec qui a la folie des grandeurs. Il est parti trop loin, ça a pris trop de temps, ça n'avançait pas. Parce qu'il faut rappeler que si le jeu était annoncé il y a 10 ans, il a eu peut-être que 3-4 ans de développement, voire 3 ans. C'est-à-dire que pendant 6-7 ans, j'ai plus les dates en tête, ça n'a été que des... Que de la pré-prod, que des trailers, que des... Y avait que vraiment des prototypes. Ouais, il n'y avait pas de jeu, voilà, que des protos, il n'y avait pas de jeu derrière. Il n'y avait pas de jeu. Son idée à la base, parce que moi, ayant fini le jeu, ayant lu tous les espèces de post-mortem, les making-of autour du jeu, tu rassembles un peu les pièces du puzzle. Et tu vois que Nomura, à la base, Il avait des supers idées. Ouais, sauf ouais, que, comme on l'a dit la dernière fois, il fallait un mec derrière pour le canaliser. Il est parti un peu en vrille, un peu. Voilà, ça a pris des proportions pas possibles. Et du coup, Tabata, qui est le pompier, s'est retrouvé à assembler des pièces du puzzle en coupant, on va dire, à la tronçonneuse et en essayant de raccorder des petits bouts de puzzle avec des bouts de scotch complètement ridicules pour faire en sorte que ça tienne. Voilà. Sauf qu'en fait, ça tient pas du tout. Donc, c'est un jeu éco plus, quoi. C'est de la récup de partout. Ben, disons que, en fait... Alors, je sais pas si tu veux poser une question, mais... Bah oui. Oui, quand même. bon, moi, quand je te dis, j'ai pas joué au jeu. Moi, il y a des trucs, vraiment, j'aimerais avoir ton avis là-dessus et ce que tu me dises... Enfin, que tu me dises vraiment ce qu'il en est, parce que j'ai des sons de cloche quand même excessivement différents. Même si tout se regroupe, hein. Quand tu regardes tous les avis, je pense que tout le monde est assez clair. La presse a dit que c'était génial, les joueurs disent que c'est nul. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Et il suffit d'aller voir, pareil, une fois de plus, Metacritic, quand tu vois les notes des joueurs, t'hallucines, quoi. T'as l'impression que les joueurs et la presse n'ont pas joué au même jeu. Tu sais, dans la presse, en notes positives, c'est l'avalanche de notes positives. Et chez les joueurs, c'est l'avalanche de notes négatives. Tu remarqueras d'ailleurs que sur la note Metacritic, elle n'est pas spécialement... Oui, j'ai été voir, j'ai été revérifier encore. Voilà, elle n'est pas spécialement élevée non plus. Et sur Amazon Japon, ça se défoule bien aussi. Ouais, moi, ma question, c'est... au niveau de l'histoire, parce qu'un RPG, ok, c'est un système, etc., mais un RPG, c'est avant tout une histoire. Sinon, ce serait que des jeux. Non, mais sinon, ce serait un jeu d'action. Oui. Voilà, tu joues un RPG effectivement pour le game system, mais tu joues un RPG principalement pour l'histoire. Les deux sont importants, quoi. Sont importants, mais t'as plein d'RPG qui ont des game systems à chier, mais qui ont des histoires tellement belles que ça rattrape. C'est devenu des jeux cultes, genre Lost Odyssey, etc. Bon, le game system de Lost Odyssey, par exemple, il est à chier, tu vois. Mais l'histoire est tellement bien que même si le jeu n'est pas du tout plaisant à jouer, eh ben du coup, bah t'es dedans, quoi. Tu vois, t'es quand même dedans. Donc ma question est la suivante, est-ce que quand même l'histoire, ce qui m'intéresse le plus dans un FF, même si les derniers, les histoires ne sont pas terribles, mais est-ce que l'histoire au moins te tient en haleine et en dehors des quatre personnages jouables, est-ce que voilà, les persos sont... sont attachants, sont charismatiques, parce que moi, dans les trailers, j'ai vu qu'un seul personnage, en dehors du père, que je trouve très classe, du père de héros, j'ai vu qu'un seul personnage qui pète la classe, c'est une sorte de meuf en armure, bah, c'est une lanceur. C'est le meilleur perso du jeu. Bon, voilà. Mais sinon, entre l'acide qui sort tout droit d'un hentai, un mec, t'as l'impression que c'est Nicolas Sirkis, version japonais, là, avec ses plumes partout... Je sais pas qui c'est là, ça a l'air d'être un méchant apparemment. Oui, bah c'est le méchant, hein. C'est le méchant du jeu. C'est une blague, c'est lui le méchant? Le drag queen? Alors, là? Le mec avec son chapeau là? Ouais, le game design, n'importe quoi. En termes de character design, je trouve que c'est tout ce que Nomura peut faire de pire. Oui, bah c'est. C'est ah, le. Quel charisme! Bon. Wow, alors ouais, après, ouais. Je vais essayer de pas spoiler, mais ça c'est pas un spoil parce qu'on le comprend dans les trailers que c'est lui le méchant. De toute façon, hein, c'est pas moi, vraiment un spoil. Moi je crois que c'était un peu le bouffon du méchant. Je croyais que le méchant c'était genre le roi de la alors, faction. Je vais préciser, je laisse finir ta question et je vais te dire sans essayer de spoiler. Bref, est-ce que voilà, l'histoire elle est prenante quoi? En dehors du fait que les personnages soient attachants ou pas, est-ce que l'histoire est intéressante? C'est tout. Parce que je sais qu'il y a une histoire de meuf qui doit aller chercher je sais pas quoi. Parce qu'il doit se marier avec, je me souviens plus, ils disent ça dans les trailers. Oui, alors, eh ben, là tu touches du doigt la plus grande frustration du jeu. Ah d'accord. Et okay. Moi ce qui fait que, comme je dis, que c'est un jeu malade qui est autant attachant qu'exaspérant, parce que je suis pas dans le rejet total. Mais j'ai une haine viscérale envers Square Enix, en fait, parce que pour moi, ils ont gâché ce qui aurait pu être un excellent épisode. C'est-à-dire que le scénario, c'est vraiment... comment dire ça sans être vulgaire, c'est impossible. C'est une enculerie de la part de Square Enix. Mais vraiment, voilà. Une enculerie intersidérale. Parce qu'en fait, déjà de base, je sais pas si... Tu te rappelles tous les trailers qu'on a eus hyper émouvants avec Noctis, enfant, avec son père. Moi, c'est toute cette partie qui m'intéressait, en fait. Voilà, en fait, ça, je pense que Nomura, dans son esprit, il avait prévu vraiment de faire quelque chose, vraiment une saga shakespearienne, vraiment de l'enfance de Noctis jusqu'à jusqu'à son accession au trône en fait. Voilà, parce que on sait que le père meurt. Les idées qu'a eu Nomura, mais comme on le laisse en roue libre et que personne l'a canalisé, c'est parti en cacahuète. C'est que les idées, elles étaient super à la base. C'est que en fait. Ah puis le père en termes de character design. Alors justement. Classe. Oh là là. En fait le jeu, ça c'est pas un spoil. Hein. Que je vous dis, c'est que... Mais rien que d'en parler, j'ai la haine. En fait, ça se sent en ta voix, de toute façon. Ah oui, oui, c'est de la frustration, parce que je pense qu'on est passé à côté d'un très très grand FF. C'est ça qui fout les boules, quoi, en fait. En fait, tout ce qu'on voit dans les trailers, etc., Noctis, son père, machin, c'est balayé, c'est kické à coups de pompe dans le cul dès le début. C'est-à-dire que toutes ces séquences qu'on a vues, qui nous ont fait rêver, qui nous ont donné foi au jeu... les trois quarts. Tu le vois pas ça quand il est gamin avec son père et tout? Ah non, ça c'est pas dans le jeu ça. Y a rien de mais tout c'est... ça. Mais ces cinématiques elles servent à quoi alors? Alors je ne sais pas. En fait ce qui se passe c'est que ce qu'il faut savoir c'est que ce putain de système de projet transmédia complètement raté. Je suis obligé de. Après je réponds à ta question hein, parce que. Ça c'est un cache-misère ça. Hein. Mais je suis obligé de parler de ça en amont parce que un projet transmédia ça sert à quoi normalement? C'est-à-dire que t'as un jeu avec un scénario qui se tient. Un projet de transmédia, cross-média, enfin vous l'appelez comme vous voulez, normalement chaque œuvre doit être compréhensible, doit se tenir toute seule. Oui, bien et sûr. Et tu vas vers l'autre pour approfondir, pour avoir d'autres pans, tu as d'autres précisions, mais ça, elles ne doivent pas être interdépendantes. Tu vois ce mais que je veux dire. De toute manière, dans un projet transmédia, tu as quand même un main voilà. Média, entre guillemets. Là, ça devrait être le donc, jeu. Donc ce qui et se passe, c'est le que. Le reste qui gravite autour. Le transmédia. Moi qui. C'est ça, le cross-média. Donc il faut rappeler rapidement qu'il y a le film Kingsglaive que je me suis refusé de voir, parce que surtout après la fin du jeu, parce que... voilà, bref. Donc en fait, toute l'histoire de... En fait, ces deux empires qui se combattent, ces deux royaumes, etc. Le père de Noctis, ça on le sait, se fait tuer, ouais. Etc., machin. tout ça, c'est raconté dans le film. D'accord ? Ouais, okay. Ça, tu ne vois quasiment rien de ça dans le jeu. T'as quelques petites séquences du film... qui te mettent dans le jeu comme ça, mais vraiment, rapidement, alors sans les voix, parce qu'ils n'ont pas eu les droits des voix du film pour le mettre dans le jeu, donc c'est-à-dire que tu n'as pas de voix, c'est juste une petite musique dessus. Ils ont produit le truc, ils n'ont pas les droits quand même, non mais voilà. C'est une blague. Alors attends, laisse-moi finir, c'est qu'en fait, ils te mettent des petits extraits du film comme ça, à droite à gauche, ouais. Pas beaucoup, hein. Voilà. Histoire de dire, regarde, il se passe ça, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le jeu, ça démarre, t'as Noctis qui se barre avec ses potes, d'accord. Ouais, il est en voiture, non, c'est ça, et ils sont en panne. Oui, parce que t'as Kingsglaive, donc le film, et t'as aussi, dans leur projet transmédia, t'as la série animée Brotherhood, où là, qui est censé te raconter pourquoi il s'entend aussi bien avec ces mecs-là, etc. Bon. Ouais, le jeu, avec le cul, apparemment. Le jeu commence. Accroche-toi bien. Le jeu commence, on te demande si tu veux faire un tutoriel. Alors déjà ça, je me suis dit, on est en 2016. Ouais, je sais. Alors ça, je l'ai entendu, je crois que c'est chez GameCube. Hallucinant. Non, mais attends. C'est hallucinant. Tiens, Final Fantasy, une entame, et la série, a tout, même dans ses épisodes les moins bons, a toujours été très fort là-dessus. Et j'avais c'est hâte de voir. C'est très important. C'est très important. Au début, veux-tu faire le tuto? Déjà, je rage après deux patchs de 8 gigas déjà. Hein. Voilà, je précise ouais. Aussi. Et je veux dire, attends, même nous, à notre échelle, on fait pas de tuto comme ça, on fait des tutos voilà. In-game. Quoi. Et donc, je commence le tuto qui est chiant à mourir, donc je le coupe. Je fais non, c'est pas grave, de toute façon, je suis pas un kéké, le système de jeu, je vais le comprendre en jouant, quoi, tu vois. Donc, je passe au jeu. Donc, le jeu, ça commence. C'est au royaume donc, de Noctis et de son père. C'est Noctis qui s'en va. Il échange quelques mots avec son père. Noctis, genre enfant rebelle, un peu, tu vois, il parle mal à son père. Ouais. Non, mais faut que tu ailles, machin. Donc en fait, le jeu commence. Tu pars avec tes potes en voiture parce que t'as Luna Freya, donc, qui, comme les trois quarts des persos du jeu, a un potentiel de ouf, mais voilà, expédié en deux coups de cuillère à peau. Donc qui est la meuf qui t'attend, avec laquelle tu dois te marier pour sceller une alliance entre ces deux royaumes, pour mettre fin à un conflit. Voilà. Le jeu commence comme ça, tu te barres en voiture, t'as le thème Stand By Me, une reprise. Tu demandes ce que ça fout là d'ailleurs. Mais... Voilà, qui casse pour moi complètement l'ambiance, et tu tombes en panne en bagnole au début du jeu, et le jeu commence comme ça. C'est-à-dire que tout le background, moi j'aurais trouvé ça hallucinant de commencer avec nos petits enfants, de voir les relations qu'il a avec son père. Tout bah, ça, pour créer un lien quoi. Pour voilà, aller, tout ça c'est balayé. Le père, en fait. Alors, ça, pareil, c'est pas un gros spoil, parce que là, les seuls éléments de scénario dont je vais vous révéler, c'est les premières heures du jeu, donc c'est pas des spoils, hein, voilà. En fait, donc tu pars en bagnole avec tes potes, et à un moment donné, t'arrives à une autre destination, dans le jeu, quelques heures plus tard, hein, pas très long, et t'apprends dans le journal, dans cet hôtel-là, dans le journal, hein, que ton royaume s'est fait attaquer, que ton père, il est mort. Super. Et qu'en fait, le royaume donc ennemi, enfin, avec qui tu devais sceller une alliance via le mariage, ouais. En fait, n'a pas tenu engagements. Ses engagements, et dans la nuit, a attaqué le royaume et a tué ton père. Voilà. Bon, donc, super. En fait, oh putain, mon père est mort. Oh bon, puis on repart à l'aventure, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? On va aller voir ce qui s'est passé. Bon, le truc, c'est que le jeu commence comme ça, et en fait, déjà dès le début, t'y crois pas deux secondes. C'est-à-dire que pourquoi ils ont pas fait un début genre, c'est ultra épique où ça commence directement avec l'attaque et tu subis la mort du père. Eh ben non, tu vois, parce que pour ça, il faut que tu regardes le film. De quoi? Pour ça, il faut regarder le film. Tout ça, en fait, les événements épiques de FF15, ils sont dans le film. Tu vois. Et en fait, ce qui est hyper rageant, c'est que tu ne vois même pas... parce que le père se fait tuer, donc, par l'autre empereur, par l'autre roi. tu vois. Mais lui, tu le vois même pas. Tu le vois 5 secondes dans une cinématique. Le vrai, potentiellement... Attends, tu le vois pas dans le jeu ? Le vrai gros méchant du jeu. C'est-à-dire celui qui tue ton père, etc. Tu le vois... Tu es ton père en cinématique, 5 secondes. D'accord. D'accord. Toi, tu vas courir après le mec qui est habillé comme un clodo. Qui, ouais. on dirait un faux Seymour raté. On dirait le clodo de la poste de Bervilliers. Voilà. Seymour, qui était un super méchant dans FF10, je trouve qu'on dirait une version un peu ratée de Seymour. Je sais pas, parce que je trouve qu'il a, dans son regard, il a des airs à Seymour, voilà. Que j'ai jamais aimé, moi, déjà, de base. Donc... Ah, moi, Seymour, j'aime bien, mais bon. Donc, en fait, là, lui, tu le croises. Au début, on dirait un peu un. Ouais, on dirait une sorte de mec de clodo qui se balade, qui vient de parler, tu vois, à toi, à ton équipe, ok, bon. Et puis il te suit, puis à un moment donné, bon, bref, tu t'apercevras que c'est pas un gros spoil parce que ça, tout le monde le sait, c'est vu partout. Qu'en fait, c'est lui le. Il est lié en fait à l'Empire ennemi. D'accord. Voilà. Et sachant que tu sais que c'est lui qui est derrière la mort de ton père, je vais pas trop en révéler, mais bon, il est. Ouais. Il a les mains pleines de sang aussi, quoi. Tu le croises plein de fois, tu le tues jamais. T'attends de le combattre vers la fin, quoi. Tu vois. Et ouais, le truc, c'est que... En fait, c'est que des rendez-vous ratés. C'est-à-dire que le scénario, qu'est-ce qui marche en fait, pour rester sur l'action du scénario, parce qu'elle est vraiment centrale. La relation entre les gars, au début, tu te dis, c'est pas possible, je vais pas m'y attacher. C'est un des rares trucs qui est quand même bien fait dans le jeu. C'est que à un moment donné, ça prend. C'est-à-dire que les quatre mecs, leur relation, tout ça, franchement, c'est pas mal fait. Même si je trouve les tests là-dessus, les critiques sont un peu trop dithyrambiques aussi là-dessus, c'est que oui, ils se parlent tout le temps, tu vois, pendant les combats, pendant que tu te balades, pendant. Ouais. Mais ils répètent aussi beaucoup les mêmes phrases aussi. Il y en a notamment Prompto qui est le jeune de la bande. C'est Zelle d'Effet Fuite, lui. Hein. Ouais, voilà, exactement. Et quand il arrête pas de te dire 1000 fois, quand il chante la chanson des Chocobos, au bout d'un moment, t'as envie de dire, mais tais-toi. Il y a des dialogues qui reviennent tout le temps. À un moment donné, t'as vachement mal au crâne, un peu à la Cloud, tu vois, avec Noctis et tout. Et à un moment donné, tous les quarts d'heure, il y a un de tes potes qui va te dire... Attends, t'as encore mal au crâne, c'est pas normal. Il va te dire ça tous les quarts d'heure. Bon, il y a quand même des phrases qui tournent en boucle. Pareil, dans les villages, il y a un mec qui parlait de sa femme qui avait trouvé un nouveau job. Et en fait, t'entends parler de ça aux quatre coins de la même ville, avec des PNJ différents. Donc bon, c'est un... Voilà. C'est que... Pardon. Il n'y a pas de souci. On va dire, ça se tient quand même à peu près sur la relation entre les gars, parce qu'ils ont tous un rôle... t'as le gardien, t'as l'autre qui est plus majordome, t'as le jeune foufou derrière qui prend des photos. Bon, ça paraît un peu improbable, surtout vu le look de boys band qu'ils ont. Alors, en fait, c'est des clones de personnages que Nomura a déjà inventés, hein, au passage. Hein. Voilà, et alors ce qui est frustrant, c'est que Noctis a quand même un côté attachant. Ouais. Et en fait, alors là, je vais essayer de pas spoiler. C'est un scénario un peu moins con, quoi. Exactement, mais le scénario, c'est un gâchis absolu, puisqu'en fait, du début jusqu'à la fin du jeu. C'est complètement improbable. T'as des rebondissements. Je n'ai jamais vu ça dans un Final Fantasy. Là, je vais pas spoiler, mais je t'en avais parlé en off. Voilà. Ouais. Concernant une certaine voiture, la voiture que tu conduis, ouais. Concernant voilà certaines missions que tu dois faire, ça n'a aucun sens. Et surtout, t'as des ellipses qui sont gigantesques. Et ça veut dire qu'entre deux moments importants, tu ne sais pas du tout ce qui s'est passé. On te remet dans le bain. Et alors, vers la fin, c'est... On parlait de la structure après, hein, du monde ouvert, après qui se resserre. Mais là, vraiment, au niveau du scénario, vers la fin, ça s'enchaîne. Mais trop vite. Tu ne comprends pas ce que tu fous là. Tu ne comprends pas pourquoi tu vas faire ça. Tu ne comprends pas pourquoi tu agis comme ça. En fait, tu t'aperçois que tu passes à côté d'un scénario qui aurait pu être grandiose. Et comme je dis, le jeu, c'est FF15, c'est un making-of jouable. C'est-à-dire que quand tu joues, tu te rends compte de tout ce qui a sauté. Tu te rends compte de tout ce qui a été mis de côté et tu te rends compte à côté de quoi tu passes, en fait. Tu t'en rends compte. Et surtout, ce qui est vraiment tragique, c'est que donc, tu n'as que des ellipses comme ça, tu n'as que des rebondissements à deux balles. T'as pas l'impression d'être pris dans la quête. Parce que contrairement à FF12, où FF12, les héros étaient en marge de ce qui se passait. Ah oui, c'est ça qui était intéressant. C'était très explicite hein, dans FF12. Hein, ça, c'était intéressant dans FF12, c'est-à-dire que t'étais impuissant. Voilà, c'était très intéressant comme approche. C'est-à-dire que vous êtes les héros, mais enfin, que vous soyez là ou pas, presque, je veux dire, voilà. En fait, ça a surtout un rôle vers la fin. C'est un rôle vers la fin, mais sinon, t'es plus spectateur du conflit. Voilà, les héros ont les couilles d'aller entre guillemets, au combat, alors que les autres n'en peuvent plus et n'osent pas. Et mais à toi, côté de ça, tu vas à ta petite échelle. En fait, tu surprends entre guillemets l'empire par tes couilles. C'est, voilà. Ils s'attendent pas à ce que tu viennes. En fait, si je me souviens bien, tu les prends par surprise un peu quelque part. C'est ça qui est très intéressant dans. Mais c'est très intéressant d'effet. Tu contournes le conflit pour finalement arriver au bon endroit au bon moment. Mais à côté de ça, tu comprends tous les enjeux politiques, géopolitiques du jeu. Il est très bien écrit, le jeu. Il est très bien écrit. Bon, dans FF15, donc, tu ne comprends rien ce qui se passe, tu ne vois rien de ce qui se passe, et à la fin, ça devient super, extrêmement tragique, et moi, c'est la fin qui m'a fait dire qu'il est aussi attachant qu'exaspérant, en fait, le jeu, et que c'est définitivement un jeu, mais vraiment malade, c'est que la fin, c'est une des plus belles non seulement de toute la saga, pour moi, ouais. Mais tout jeu vidéo confondu, c'est une fin. Mais j'avais les larmes aux yeux à la fin. C'est dire, vu le ratage qu'est le jeu, hein, ouais. La fin est génialissime. Et elle te fait dire cette fin, elle te fait d'autant plus comprendre, elle met en exergue ce qu'aurait pu être le jeu. Parce qu'en fait, cette fin, à mon avis, qui a dû être décidée depuis bien longtemps, peut-être même par Nomura lui-même, te fait comprendre ce qu'aurait dû être le scénario du jeu. D'accord. Ce qui aurait dû se passer. Et en fait, tu dis, mais on m'a volé, je suis frustré. Tu ressens une frustration à la fin où tu te dis, putain, mais on est passé à côté de l'un des plus grands FF de l'histoire qui aurait pu facilement se hisser dans le top 5, tu vois, des meilleurs épisodes. Ouais. Tu comprends le scénario, quand tu te remets en mémoire les teasers, les trailers qu'ils ont montrés, quand tu vois les extraits de King's Lev, et tu vois la fin, tu te dis, mais putain, on s'est fait voler, quoi. On s'est fait voler ce Final Fantasy, puisque... Moi, je me suis dit la même chose avec le 13, sauf que je me suis fait voler mon argent. Mais c'est dégueulasse, parce qu'en fait, ça aurait été raconté vraiment de manière assez épique. On aurait vu tout ce côté shakespearien, tout ce côté conflit entre deux royaumes. Ça aurait été vraiment fait comme ça devait l'être à la base. Oh putain, mais ça aurait été fantastique. Et en fait, tu vois cette fin, et tu dis, mais merde. Et tu vois la fin, tu vois la communication autour du jeu, et tu sais ce à quoi, à côté de quoi tu es passé. Et c'est horrible. Et tu parlais des personnages, alors ça aussi c'est pareil, c'est qu'on retrouve un peu ce syndrome FF9. T'as répondu quand même à ma question. Du coup, ma deuxième, c'était, mais du coup, les persos, est-ce que les personnages rattrapent? Parce que tu peux très bien avoir une histoire un peu, basique. Non, ça rattrape pas. Mais les persos, ils déboîtent tellement que... Moi, j'appelle ça, pour ceux qui ont joué à pas mal de FF, j'appelle ça le syndrome Final Fantasy V. C'est-à-dire que dans FF5, l'histoire, elle est bon. Hein, voilà quoi. C'est très bateau, mais les persos sont tellement, tellement classe, ah, ils sont tellement tout, hein. attachants, que même si l'histoire est simple, finalement, une histoire simple peut être portée, tu vois, par la magie et la bonne écriture des personnages. Et c'est ce qui se passe, je trouve, dans FF5, et c'est ce qui se passe dans Final Fantasy X aussi. C'est que les personnages sont si bien écrits que bah, t'es dedans, quoi. Même si l'histoire FF10, je suis pas d'accord. L'histoire est tout sauf simple, justement. L'histoire est hyper profonde. Moi, c'est mon avis. Je la trouve assez... En fait, l'histoire, tout le long, je la trouve basique. Et à la fin, il se passe quelque chose dans Final Fantasy X où l'histoire prend de la profondeur. T'as quelque chose qui enrobe tout, tu vois. Et qui fait là, je suis pas du tout d'accord, ouais. Mais bon, là, c'est pas le débat. Mais je trouve que tout, voilà, dans FF10, tout le long, jusqu'à les 4-5 dernières heures, l'histoire reste relativement simple. C'est vrai que vers la fin, il se passe quelque chose où... Ah ouais. Ah moi je trouve justement qu'il y a des scènes dès le début pour moi qui font twister complètement la profondeur. Mais bon après ça c'est encore un autre débat si on parle là-dessus. Ouais. Mais là alors je vais pas dire que ça rattrape parce que ça rattrape pas dans FF15 les personnages. D'accord. Okay. C'est juste que c'est des compensations. C'est-à-dire que ça marche quand même bien même si eux aussi se prennent de ça plein. Ça fait avaler la pilule peut-être non? Parce que j'ai bien compris quand je vois quand même les tests. Non, ça fait pas avaler la pilule. Non, non c'est que apparemment la relation entre les persos ça fonctionne bien. Que oui, non, mais ça fonctionne bien. Mais tu vois, tout ce que je viens de te dire sur le scénario qui a été complètement massacré et rafistolé avec des crottes de nez, c'est vrai qu'à côté de ça, même si t'as une relation entre les personnages qui marche bien, ça ne peut pas rattraper tout ça, quoi. Enfin, je veux dire, c'est impossible. C'est-à-dire que le plancher est déjà pourri. Tu peux mettre les meilleurs personnages. Qui s'entendent vachement bien dessus, vu que leur background, leur histoire, tout est massacré, leur motivation, tout est massacré derrière. Donc fatalement, ça peut pas rattraper. Maintenant, oui, c'est quand même bien fait, c'est-à-dire que les personnages, ils sont quand même attachants, ce qui est un exploit, et c'est dire ce que ça aurait pu être si le scénario avait été mené comme il fallait. Parce que ça aurait été mille fois plus fort. C'est-à-dire que oui, ça fonctionne bien, ça fonctionne pas aussi bien que certains le disent, faut pas exagérer non plus. Ça fonctionne bien. Ils ont tous un rôle très. C'est très archétypé en fait, tu vois. C'est très caricatural. Tu trouves vraiment l'archétype de la brute protecteur, de l'autre majordome qui fait des recettes de cuisine et qui a un peu un avis un peu plus posé, qui est moins sanguin. T'as le jeune foufou, donc Prompto, et puis t'as Noctis au milieu qui est très taciturne, très attends, je suis rebelle, me faites pas chier. Ouais. Bon, c'est le héros japonais, je suis dark, et puis voilà. Voilà. mais bon, alors, si tu passes ces clichés-là, je finis juste là-dessus, si tu passes ces clichés-là. Ils sont quand même intéressants et surtout, je redis un mot sur les personnages secondaires. Ouais. Où là, mais pareil, c'est syndrome FF9. Frustration. C'est-à-dire que, je vais pas en dire plus, mais cette femme chevalier, chevalier dragon, c'est un des meilleurs persos qu'on ait croisé dans un FF. D'accord. Elle expédie à coup de pompe dans le cul assez rapidement. Comme Béatrix, j'imagine. Mais c'est la Béatrix du jeu. C'est la Béatrix. Mais c'est exactement ça. Elle t'accompagne à un moment donné dans une mission. Quand elle est là, t'as plus envie qu'elle s'en aille. Je dis putain, mais reste. Elle reste pas, bien sûr. Et après, tu lui reparles un petit peu, mais bon, voilà, comme Béatrix. T'as ça, t'as deux, trois. Béatrix, putain. T'as deux, trois autres personnages secondaires qui sont super chouettes et qui sont expédiés. Tu les revois plus. Que ce soit de façon côté antagoniste ou côté, on va dire, du bien, entre guillemets. T'as des personnages super intéressants qui sont expédiés, mais. Et puis tu sais pas pourquoi, tu les vois plus. Voilà. Ça disparaît comme par magie. Mon autre question, alors peut-être que ça va te saouler, je pense que tu diras quand même deux mots là-dessus, mais j'ai pas spécialement envie de revenir sur les bugs du jeu, pour la simple et unique raison que les mondes ouverts, un monde ouvert est générateur de bugs, je suis d'accord. Ouais, quel que soit le jeu, alors ça, moi, ça me fait un peu rire. Tu as les gens qui disent regardez, il y a plein de bugs dans Final Fantasy XV. C'est des gens qui n'ont joué qu'à FIFA et à Final Fantasy VII hein, qui disent ça. C'est pas possible parce que moi qui suis un grand fan de Skyrim, qui est pour moi et pour beaucoup et pour la presse et pour l'industrie un des meilleurs jeux jamais créés de tous les temps, est aussi un des jeux les plus buggés de l'histoire. GTA V est bourré de bugs, The Witcher est bourré de bugs. Voilà, monde ouvert égale bug, point. C'est tout, c'est comme ça, ça fait partie... Oui, mais moi aussi, j'ai râlé sur les bugs, parce que quand les trois quarts du reste est raté, bah voilà, les bugs par-dessus... Exactement. Moi, j'ai jamais pesté... contre un bug dans Witcher 3. Bon, j'en ai pas eu des gros, mais j'en aurais eu. Moi, j'en ai eu des gros quand même, qui m'ont demandé carrément de rebooter. Moi, j'ai même eu des bugs dans Zelda Ocarina of Time, tu vois, et j'avais pas pesté, parce que le jeu est tellement bon à côté. Voilà, voilà, quand tu crées un univers comme ça, grand, cohérent, sans chargement, bon, ça dépend pour qui, mais... Ah oui, il faut qu'on en parle chargement. De ça. Ouais, bon, c'est normal d'avoir des bugs, voilà, ça, faut... Tu peux pas... Les développeurs peuvent pas non plus... tout prévoir, bon. Mais alors, du coup, moi, la question des bugs, je la sors. La question de la technique, bon, j'ai vu assez de vidéos pour voir que le jeu est quand même joli. Voilà, ah, il est bon, beau, il y a beaucoup de panoramas qui sont vraiment très, voilà. Très beaux. Hein. Oh, oui, non, ça... Bon, c'est. Mais maintenant, j'aimerais juste que tu me dises si ce que j'avais prévu, avant que le jeu sorte, on en avait parlé. Si finalement c'est le cas, alors je vais aller jusqu'au bout et ensuite je vais te demander de me répondre. D'accord. Est-ce que le game system, donc je parle des systèmes, etc., blablabla, un, est-ce qu'il est un peu bordélique finalement et est-ce que il est, est-ce que finalement il est profond comme un RPG devrait l'être. Deux, est-ce que le jeu finalement ne se résume pas à je prends ma bagnole, je vais à une aire de repos ou un resto, je visite ce qu'il y a autour. J'ai fait ce qu'il y avait à faire ici, je reprends la bagnole, je vais à une autre aire de repos, je visite ce qui est autour, etc., etc., etc., jusqu'à la fin du jeu. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que le game system, il n'est pas finalement très simple et il n'y a finalement pas beaucoup de stratégie ? Et est-ce que le jeu, ce n'est pas finalement un faux monde ouvert ? C'est-à-dire que c'est juste des zones à visiter que tu boucles pour visiter d'autres zones ? En gros, pour terminer ma question, est-ce que vraiment il y a un univers comme dans un FS, c'est-à-dire un globe que tu peux visiter, ou est-ce que c'est uniquement juste royaume A, royaume B, je me fous sur la gueule, je vais du royaume A au royaume B en m'arrêtant dans des aires d'autoroute, dans des restaurants bidons, jusqu'à la fin du jeu. Est-ce que c'est ça, Final Fantasy XV, finalement ? Alors en fait, bah, t'as quasiment... En game system, en game design, c'est ce que j'avais prévu, moi, parce que ça se voyait, je trouve. Oui, bah, t'avais quasiment tout deviné, en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que... attends, ta première question, c'était quoi ? C'était sur, enfin, le début de ta question, le c'est sur les système, airs. C'est-à-dire ah, les le combats, système de combat, ouais. 90% des RPG, les combats, et ouais. Est-ce que finalement, en termes de game design, level design, c'est pas juste des hubs ouais. Avec des trucs à visiter, des monstres à buter, et tu te barres ? Alors en fait, le système de combat, t'as à peu près. C'est qu'il est effectivement très, très très dynamique. Ça c'est un des bons points du jeu. Ah ouais, ça a l'air classe. On reviendra sur la bande-son après, parce que, bon, qui sauve 90% de toutes les situations. Mais en ah fait, ouais, les elle combats... a l'air folle. Hein. Le peu que j'ai entendu, c'est fou. Hein. Bah écoute, juste je fais la parenthèse avant de répondre à ta question. La bande-son est fantastique. C'est ouais, l'une ouais, des plus belles. C'est l'une ça des plus belles de la saga. Et ils peuvent vraiment remercier Yoko Shimomura, qu'on la a nana, déjà entendu dans Parasite Eve, Legend of Mada, Kingdom Hearts, etc. Ah, c'est la meuf de Parasite Eve ? Ouais, ouais. Ouais, bah, je suis bon, alors, c'est bon. Les musiques sont fantastiques. Elles sont, mais waouh ! Elles sont. Enfin, voilà. Il n'y a pas d'autre mot. La bande-son est extraordinaire. Et en fait, et ça sauve beaucoup de moments dans le jeu. C'est ce qui rend épique parfois des scènes, des séquences qui n'auraient pas pu l'être. Enfin bref, donc je vais répondre à ta question. Et en fait, donc le système de combat et donc les musiques de les musiques aidant, sachant que tu as plusieurs musiques de combat selon les situations. Les combats sont vraiment plaisants en fait. Le problème, c'est que ils sont hyper bordéliques. La caméra, elle pète les plombs très souvent. C'est-à-dire que moi, très souvent, je commence en me disant bon, j'aime la jouer stratégique, et en fait, tu te retrouves à la fin, tu bourrines parce que la caméra elle part dans tous les sens. Alors, ouais. Je précise qu'effectivement, moi, j'ai joué avec le jeu toujours en actif, c'est-à-dire que tu peux, t'as une option où tu peux faire comme des sortes de pauses à l'ancienne. Pour ouais, choisir quel ennemi tu vas viser, etc. Moi, je jouais en fait. C'est comme dans Mass Effect, apparemment. Voilà. Moi, je jouais vraiment comme le jeu me le propose de base. Ouais, donc, ouais, ouais. Je voulais vraiment jouer dans la proposition dynamique, en fait. Ouais. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, donc, t'as Noctis sur lequel tu peux équiper 4 armes différentes. Et tu changes d'arme à la volée avec la croix directionnelle. Ça, c'est vraiment sympa. Ouais, tu c'est genre comme Devil May Cry 3, quoi. Ouais, tu peux enchaîner des combos de folie. Donc, t'as sa fameuse attaque à distance avec laquelle il peut soit s'accrocher sur des spots prévus à cet effet. L'éclipse, et là, si j'ai bien compris, ils appellent voilà, ça. Voilà, l'attaque éclipse. Et ça, ouais, ça fait souvent perdre la tête à la caméra. Ouais. Moi, une fois, je me suis même retrouvé. J'ai traversé une montagne, je suis revenu, mais mes compagnons avaient disparu. C'était n'importe quoi. Ouais, donc, et puis après, tu peux reviser un ennemi. Donc, ça, c'est vrai que ça donne un dynamisme au combat qui est assez inédit et c'est super jouissif. Sauf ouais, que la caméra, elle part souvent en vrille. Mais bon, donc, t'as pas ce... Alors, au niveau de la profondeur, pour continuer à répondre à tes questions, c'est que il est profond, mais pour un action RPG. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que t'as des choses à voir. T'as un système de sphériés qui est alors light. On est à des années-lumière de celui des FF10. C'est-à-dire oui, que là, t'as un petit sphérier par catégorie de compétences en fait. Voilà. En fait, je fais un peu l'idiot, mais parce que c'est le podcast, tu vois. Mais effectivement, j'ai un peu regardé le game system, hein, un peu comment ça fonctionnait. Voilà, donc en fait, c'est le système de sphérier, le fait qu'on puisse jouer que un personnage, que les invoques, si j'ai bien compris, tu peux même pas les utiliser. Alors ça, ça pareil, ça juste, tant que t'en parles, parce que comme on va fatalement oublier plein de détails, les mais invoques... Mais je pense qu'on n'est pas obligé de vraiment rentrer dans les détails. Non, non, mais c'est important. Non, non, non, non, mais... ce que ça a à dire. Si, si, justement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Quand je dis non, c'est sur pas... le game system. Ah oui, system, ah, oui, sur... ah oui, sur le game system, oui, bien voilà, sûr. Le plus intéressant, c'est plus ton avis, ton ressenti, parce non, que je les... pense que depuis, les gens ont vu toutes les news, tous les tests. Les moi, invoques... je te demande si toi, ça t'a plu, toi. Est-ce que toi, ça t'a plu, le game system est-ce ouais, que ça ouais, plu, le game system, il m'a plu. Les invoques, non, alors, par contre, les invoques, c'est hyper frustrant, par contre. C'est totalement raté. C'est que, pareil, les invoques, c'est bon, les plus belles de toutes les... qu'on a jamais vu dans FF. Ouais, ouais, vraiment, quand elles arrivent, t'as la mâchoire qui tombe. Enfin, ouais, vraiment, c'est parce que c'est pas juste esthétique, parce que c'est vrai qu'on a eu l'habitude à chaque épisode, les invoques sont de plus en plus belles. C'est que là, elles impactent vraiment le terrain. T'as l'impression que la terre va se détruire à chaque fois qu'elles arrivent, quoi. C'est très ouais, très impressionnant. La mise en scène est folle. Sauf que ça n'arrive que quand t'es dans la merde. En fait, ouais, comme FF8 un peu, c'est des critiques à l'attaque, si j'ai bien compris. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Et c'est très mal fichu parce qu'à un moment donné, la première fois avant d'invoquer la première, donc j'ai Noctis qui est en galère, tout ça. Je vois le petit bouton R2, L2, je crois, enfin, L2 ou R2, qui s'affiche à l'écran, mais en tout petit, parce que ça, pareil, les menus pour moi sont hyper mal fichus. Tout est minuscule. Comme t'as l'impression que c'est un jeu PC qui a été transposé sur console. Apparemment, dans une mise à jour, tu peux régler la taille de la. Oui, c'est ce que j'ai eu. Heureusement, parce que moi, les yeux de taupe, j'ai vraiment galéré. Et en fait, tu vois le bouton qui apparaît comme ça, t'appuies dessus et t'as aucun feedback visuel. Tu sais, t'as l'icône sur l'écran du bouton qui se modifie pas, qui bouge pas. Tu dis, est-ce que je fais bien le truc? Au début, tu sais, moi, au début, je savais même pas comment je l'avais appelé, tu vois, l'invoque. D'accord. En fait, faut juste laisser appuyer sur le bouton qui t'affiche à l'écran, mais t'as aucun feedback visuel ou sonore, donc c'est hyper t'as déstabilisant. T'as pas le perso qui fait genre, vas-y, je fais une invoque. Non, non, non, non. Et ça, de toute façon, tu le ressens dans beaucoup d'autres paramètres du jeu au niveau de l'interface. Il y a des choses que tu vois pas tout de suite. C'est très mal expliqué, quoi. Voilà. Enfin bref, les invoques sont fabuleuses, mais c'est hyper frustrant parce que. Et puis moi, je les avais pas beaucoup parce que, en fait, faut savoir aussi que le jeu est très facile. Depuis FF7, ouais, c'est l'un des okay, plus faciles que j'ai fait. Donc ouais, alors s'il faut être dans la merde pour les invoquer. Voilà, et voilà, exactement. J'ai compris le problème tout de suite. Voilà, il est même plus facile qu'FF7, je trouve. C'est-à-dire que moi, je me suis blindé de potions. Putain, la vache, et pourtant FF7. Je me suis blindé de super potions et de potions. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'étais dans la merde, j'ai dû avoir deux game over dans le jeu. Et encore, c'est parce que j'ai pas réagi assez vite ou parce que des fois, c'était à cause de la caméra ou autre. À chaque fois, je me remets des potions, puis t'as tes compagnons qui te soignent aussi. Donc en fait, les invoques, moi, je les ai quasiment jamais vus, quoi. Je les ai vus que 3-4 fois dans le jeu, parce que j'en avais pas besoin, quoi. Et comme tu peux pas les appeler pour le plaisir, c'est que quand t'es dans la merde, je m'étais dit, je vais pas prendre le risque d'avoir un game over juste pour voir l'invoque, quoi, tu vois. Donc, ouais, okay. Et y en a pas beaucoup, du coup, y en a quoi, 4-5 Moi, j'en ai, je crois que j'en ai 4. J'ai eu Léviathan, j'ai eu Ramu. Ramu, Titan, j'imagine. Titan, j'ai eu aussi Shiva. Ouais, les et, quatre. Et c'est les seuls que j'ai eus. Y a pas Ramu étant mon préféré, vraiment, waouh. Et t'as vu Bahamut ou pas ? Il me semble qu'il y est. Hein. Non, mais en fait, voilà, c'est ça le problème, c'est que moi, j'ai fini le jeu entre 30... j'ai mis une trentaine d'heures, en fait, et j'ai pas eu envie de poursuivre, parce que... Bah pour toutes les raisons qu'on a évoquées, enfin, qu'on évoquera peut-être encore plus tard, mais bref, et donc du coup, juste pour finir sur le système, donc en fait, comme je disais, pour un action RPG, oui, il y a quand même des choses. Par contre, par rapport aux anciens FF, je trouve ça beaucoup plus light, quand même. Je trouve ça beaucoup plus light. Et donc, sur le côté game design. Et donc voilà, et le game design, donc, est-ce que c'est bien ce que j'avais prévu? Alors, c'est ça. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, donc, les trois quarts du jeu. Parce que moi, je ne serais pas aussi clément, même que Pouillot, qui a été très très dur avec le jeu, et je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit sur le jeu. C'est un des rares qui a osé le dire. Je serais même encore plus vache que lui sur le début, parce que tout le monde dit, oui, mais au début, quand c'est en monde ouvert, là, tu te dis, c'est chouette. Non, c'est pas chouette du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que donc tu pars en voiture, t'es en panne, bon, ok, tu pousses ta bagnole, donc t'arrives dans la première zone où il y a la fille de Sid, donc qui est une caricature hyper sexualisée, enfin bref, voilà, super. Non, mais ça, c'est du good design thai, ça. Je vais vraiment schématiser, c'est que, et c'est peut-être pour ça que ça a beaucoup plu aux Américains aussi, c'est que c'est une sorte de, les trois quarts du jeu, donc avant que ça se resserre, on en parlera après, avant que ça devienne en ligne droite, c'est vraiment un road movie, c'est-à-dire que c'est un road trip, t'es en voiture, t'arrives dans une station, tu repars en voiture, et après, en fait, tu t'arrêtes qu'à des points où t'as une station, une boutique, un coin pour dormir, et quelques PNJ à qui parler. Ouais, bah et cool. En fait, les trois quarts des zones, c'est ça, avec entre des grandes plaines que tu peux bien sûr explorer pour aller buter des monstres et tout, mais c'est plein de vide, en fait. Ouais, c'est bah plein voilà. De vide. Alors, putain, mais... Alors je précise c'est... quand même, je précise quand même, tu as deux, de mémoire, quand même, belles villes dans le jeu, dont la plus belle, celle que tout le monde a vue, qui ressemble à Venise, là, ouais, qui est absolument fantastique, mais bon, tu fais qu'un passage éclair. Mais elle est... quand tu arrives là-dedans. Il n'y a rien dedans, j'imagine, c'est juste. Si, t'as quand même beaucoup de choses. C'est des trucs à script, ouais, mais c'est des trucs à script, j'imagine. Ah oui, oui, oui. Tu arrives à un endroit, t'as les persos qui font la fontaine est belle, t'arrives à un autre endroit, il y a un magasin, viens, on va voir. Donc tu rentres dedans, ça doit être ça, quoi. J'imagine. Bah, disons des pirouettes de game design qu'on a déjà vu, revu. Oui, oui, bien sûr. Je parle vraiment au niveau esthétique. Par contre, cette ville-là, c'est peut-être le super artiste jusqu'au air. C'est peut-être le plus bel endroit du jeu. Mais alors, pour revenir j'ai envie de dire quoi. Enfin... Après, t'as la partie donc pour revenir sur le monde ouvert en fait. Ce qui est chiant, c'est que il y a ce qu'ils appellent des donjons. Et tout le monde a dit ah ouais, mais les donjons ils sont cool. Bah, c'est pas qu'ils sont cool les donjons, c'est que c'est un peu mieux fait que le reste quoi. C'est-à-dire que les donjons, c'est entre guillemets, c'est des niveaux, ça peut être des grottes. T'en as un sur le volcan, dans un volcan qui est vachement chouette. T'en as des obligatoires et des optionnels. C'est vraiment des niveaux, c'est-à-dire vraiment à l'AFF à l'ancienne, où tu vas rentrer dans une grotte, dans un truc, machin. Ouais. Et oui, c'est sympa, ça fait partie des moments les plus chouettes à jouer, mais c'est pas non plus, il n'y a pas un level design de malade, quoi. C'est juste que ça te rappelle un peu des grottes que tu pouvais, je sais pas, aller dans le 7, dans le 8, dans le 9, dans le 10. Oui, tu en vois, fait, bah, c'est tout simplement le B.A.B.A. de ce que doit proposer un RPG. Voilà, exactement. Et aussi, ce qui est absolument raté de chez raté, c'est que ce monde ouvert, il est nul. C'est-à-dire que tu as des murs invisibles. J'ai posté plein de vidéos dessus. Où, oui, par exemple, ouais. Devant toi, tu as une mare. Tu es sur de la roche, il y a une rivière. Tu peux marcher. 2 mètres à côté, t'as de la rivière devant toi, t'as pas de roche, c'est un mur, tu cours dans le vide, t'as plein de lieux comme ça dans le jeu où au lieu de mettre un relief pour dire non, tu peux pas passer, genre je te mets un peu de la rocaille, je te mets... Des grilles, mais des t'en grilles... As, t'en as beaucoup des grilles, mais en plus t'en as déjà, mais t'as des endroits où tu dis je peux passer, bah non, c'est un mur invisible c'est devant... C'est arbitraire en fait, c'est complètement... C'est arbitraire, devant toi au niveau du relief, tu peux largement marcher, c'est plat, tu ne peux pas passer. Donc, tu as des murs, comme des murs de verre, tu vois, je peux pas donner de meilleure image, donc tu as ça. Et surtout, les quêtes annexes, les quêtes de chasse, ou les quêtes, ce sont des quêtes FedEx, mais comme moi, j'en ai plus vu depuis 10 ans. Ouais, c'est hallucinant. C'est-à-dire que, pour prendre Witcher 3, qui apparemment a beaucoup plu à Square Enix, The Witcher 3... t'as beaucoup de... Non, mais les quêtes annexes, elles sont folles. Les quêtes annexes, c'est carrément des mini scénarios. C'est simple, les quêtes annexes dans The Witcher 3, eh ben, tu sais même pas si finalement tu es en train de continuer le scénar. Exactement. Je sais pas si t'as fait ça. Si, en fait, il y a des quêtes annexes. Je me dis, mais merde, attends, c'est le... je continue le scénar ou c'est une quête annexe ? Oui, parce qu'elles s'imbriquent très bien dans la trame principale. Et puis surtout, elles sont écrites comme l'histoire principale. Elles sont superbement bien écrites. Là, Final Fantasy XV, c'est t'arrive. Va me chercher des grenouilles. Va m'acheter un moteur. Est-ce que tu peux aller me chercher des bouts de piège à chocobo qui sont disséminés dans cette partie de la forêt ? Va me ramasser ça. Va chasser tel monstre. C'est que ça. Ça n'a aucun rapport avec la trame principale. Ouais, donc aucun... ça t'en apprend même pas plus sur l'histoire. Non, c'est rien. Oh, Prince Noctis, est-ce que vous pouvez aller me chercher des grenouilles ? Mais merde ! J'ai perdu mon père, j'ai un royaume à sauver, je dois récupérer ma nana parce que la pauvre, elle risque de se faire buter. Allons chasser des grenouilles. Mais c'est que des trucs comme ça, c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec l'histoire. C'est à un moment donné, t'as carrément un... ils en ont beaucoup rigolé sur GameCube, mais t'as carrément un camion de flageolets, une cargaison de flageolets. Ouais. Voilà. C'est que des trucs comme ça. Ça n'a pas de prise dans l'histoire, ça n'a aucun rapport avec l'histoire. Et t'as pas envie. Je veux dire, bon, oui. C'est le principe des quêtes annexes, tu me diras, mais si elles sont chiantes à jouer. Non, mais pas à ce point-là. Là, c'est d'un autre. Là, Juju, c'est d'un autre âge. C'est-à-dire que t'aurais des quêtes annexes qui prendraient place dans le scénario et qui étofferaient. Tu vois, le truc. Comme dans Witcher 3 et comme dans plein d'autres l'ont très bien fait. Ça. Comme dans une tonne d'RPG. Ouais. Comme dans Skyrim qui a 11 ans. Voilà, là, non, bah là, t'y vas, c'est des quêtes, FedEx, c'est des quêtes. Est-ce que tu peux aller me chercher ça ? Ah, merci. Est-ce que tu peux livrer ça à mon pote ? Tiens, est-ce que tu peux me dépanner ? J'ai besoin de cette pièce pour réparer ma voiture. Bah, c'est exactement ça. Et alors, la voiture, justement, parlons-en. C'est que c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que la voiture, donc, elle se conduit. Soit de manière automatique, c'est-à-dire soit tu dis sur la carte je vais à tel point et ça roule tout seul. Alors ok, tu peux acheter pas cher dans le jeu, avec l'argent du jeu bien sûr, hein. Tu peux acheter des morceaux des anciens Final Fantasy, tu vois. Tout le monde a halluciné là-dessus, mais bon, c'est juste que en fait, tu retires... T'as vu, les gens se raccrochent à pas grand-chose. Hein. Tu retires les trajets en bagnole, franchement, tu retires 50% du temps de jeu. Oh, sérieux ? Ça prend un temps, mais... Oh, alors 50, je suis peut-être un peu méchant. Mais alors, je vais dire 30%. Voilà. Mais ça prend un temps infini. C'est-à-dire que tu vas d'un point A à un point B en bagnole. Alors, quand c'est en mode automatique, il roule tout seul. Donc, c'est super. Tu fais tourner la caméra, tu vois tes potes. C'est vrai qu'ils ont des réactions, on va dire, naturelles. Soit tu conduis, mais quand tu conduis, c'est-à-dire tu peux juste aller à gauche ou à droite ou tourner à gauche ou à droite quand tu as un croisement. Mais là, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, tu peux pas rouler sur le terrain. Tu peux pas sortir de la route. Chose que tu peux faire après. Quoi. Ça, tu peux le faire quand t'as les chocobos. Ouais, mais bon. Donc ça n'a aucun sens. Depuis GTA 3, on peut rouler. Faut pas abuser quand même. Ça n'a aucun sens. Et depuis la PS2, quoi. Et alors attends, un autre truc de ouf aussi, c'est que en fait, t'as l'essence à gérer sur la bagnole, d'accord ? Ouais. Bon, moi une fois, j'ai pas regardé l'essence. Je roulais en pleine nuit. Je me faisais un trip, tu vois. J'y tiens, je vais aller là-bas. Parce que la map, il y a quand même des endroits qui sont super intéressants à aller arpenter, quoi, tu vois, même si c'est plein de vides et plein de quêtes nulles. Bon, se balader, t'as quand même des beaux panoramas, quoi, tu vois. Puis t'as un cycle jour-nuit, tu vois. Et la nuit, les monstres sont beaucoup plus forts, sont beaucoup plus puissants. Bon, faut faire gaffe. Et donc je me baladais en pleine. Ouais, enfin, ça, c'est du grand classique. Mais... Des beaux panoramas, tu vas sur Google Images, tu tapes Island et c'est bon, quoi. Et donc je me baladais en bagnole et j'ai plus d'essence. Et D'ailleurs, il se passe quoi du coup quand... Alors justement, et ça, personne ne l'a relevé. Alors, à moins que, et je demande à nos auditeurs, à moins que j'ai loupé quelque chose, mais j'ai cherché partout, ma bagnole tombe en panne. Je fais merde, je suis en plein milieu de nulle part. Je fais bon, je regarde la carte, je vois qu'il y a une station essence à X kilomètres, tu vois. Ouais. Bon, je pars à pied, je cours. Je dois mettre 5 minutes à arriver à une station essence. Et j'ai eu de la chance, hein, parce que j'aurais pu marcher 20 minutes, hein, tu vois. Ouais. Elle était pas si loin que ça, en fait. Bon, j'arrive la ville, je dis, bon, je l'ai jamais fait, mais je suppose que je peux acheter un jerrycan. Mais ça me parle... Enfin, je sais pas, un game design en 2016... Où t'as une bagnole et de l'essence, le minimum, c'est de pouvoir acheter un bidon, quoi. J'arrive dans le... Non. Je vais devant la pompe à essence. Non, il faut amener la voiture. Je rentre dans le magasin, je dis, on va peut-être me vendre un bidon. Non. Je fais merde, je retourne à pied à la voiture et quand tu pousses, tu vas à deux à l'heure. Hein. C'est-à-dire que vraiment, j'ai poussé pendant un quart d'heure la voiture pour l'amener devant la pompe, sachant que j'étais pas si loin que ça. J'aurais été perdu en plein milieu de nulle part, j'aurais peut-être poussé pendant une demi-heure, j'en sais même plus, je sais pas. Et j'ai dit non. Et c'était le soir, j'étais fatigué, j'ai perdu 20 minutes, enfin le tout, hein, l'opération d'aller à pied, de revenir prendre la voiture, j'ai dû perdre une demi-heure avec ça. Non, non, c'est abusé. Juste pour ça. Et alors attends, cerise sur le clafoutis, c'est que quand tu veux aller d'un point A à un point B, mais automatiquement faire ce qu'on appelle du fast travel, quoi. Ouais. Quand tu veux pas te taper la route, eh ben tu réfléchis, parce que tu te dis, si j'y vais en roulant, bon ouais, ça va me prendre tant de temps, mais si je demande du fast travel, t'as un temps de chargement qui est tellement long. Quand tu fais une demande de fast travel, t'as au moins 3 minutes de chargement. C'est long. Non, c'est long. Attends, 3 minutes, t'es sûr, ces 3 minutes, c'est long. Hein. Montre en main, c'est énorme. Hein. Non, mais là, c'est à la louche, mais c'est très long. Il faudrait que je chronomètre. C'est très, c'est très long. Si c'est plus long que le chemin en voiture, bah, ça n'a pas de sens. Je ne suis pas le seul, je suis pas seul à dire. Il y en a plein qui disent que le chargement est plus long que si tu y vas en. Voilà, il y en a plein qui le disent, donc je ne suis pas le seul. Et parfois, moi aussi, je me suis dit non, je vais y aller en voiture parce que le chargement, ça va me gonfler. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que donc, pour avancer dans la discussion, c'est que donc, pendant les trois quarts du jeu, t'as ça, parce qu'il y en a qui disent que c'est que la moitié, c'est quand même un peu plus. Je vais dire les trois quarts, grosso merdo. Donc, moi, t'as j'ai envie de dire que c'est vraiment c'est la dernière ligne droite, c'est une ligne droite, entre guillemets. Mais oui, c'est voilà, vraiment, voilà. C'est le dernier quart, quoi. Voilà, voilà, voilà. on va dire que t'as un bon gros tiers, voire peut-être un quart, ouais. Bon, de mémoire, je dirais ouais, entre le tiers et le quart, quoi. Donc, c'est-à-dire où tu es sur ce monde semi-ouvert, tu vas que de station-service en station-service, avec des paumés autour, un petit magasin, machin. Ouais, les décors, c'est à peu près toujours les mêmes. Donc, voilà, c'est à peu près toujours ça. Et qu'est-ce que je t'avais dit pour les décors? Que les environnements, ça allait être toujours des rochers. Oui, c'est ça. T'as trois villes. De mémoire, t'as deux, trois grosses villes qui sont vraiment chouettes, mais c'est vraiment... C'est presque anecdotique vu le temps que t'y passes. Les quêtes annexes, vu que c'est que des quêtes FedEx qui sont nulles, pas écrites, voire mal écrites, bah moi j'en ai fait un peu quand même parce que je voulais augmenter mes XP. Ouais. Donc j'en ai fait parce que puis je voulais pas dire me dire t'as fait que rusher, tu vois. Donc j'ai quand même fait des quêtes annexes, etc. J'ai quand même pris le temps d'en faire parce que la musique est tellement magnifique. Les combats, même s'ils sont bordéliques, avec la musique aidant. C'est quand même assez électrisant quoi, sur le moment. Et puis, j'avais envie de monter mes persos un peu, quoi, tu vois. Et puis, faire de la thune, etc. Donc, l'expérience à la Dark Souls, il faut que tu ailles dormir avoir tes points de compétence, etc. Machin. Bon, ça, c'est pas bien gênant. Non, ça me dérange pas. Les séances de camping, d'ailleurs, sont assez rigolotes, même si elles sont complètement what the fuck, comme d'habitude, vu la situation que tu es en train de vivre. On va tous mourir. Ah, bah attends, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Ah, super, on fait une partie sur nos smartphones. Bon, enfin, voilà, c'est un truc de ouf. Et donc, tu as ça pendant les trois quarts. Et donc, t'as pas envie d'explorer. En fait, et voilà, on est toujours, je crois que c'est le maître mot, c'est frustration, c'est que t'as des étendues qui sont magnifiques. Mais il n'y a rien dedans. Mais c'est vide. Il n'y a rien. Autant jouer à Minecraft, tu te fais ta propre histoire. Hein, je veux dire, voilà. Et donc après, il y a ce fameux moment que tout le monde a critiqué, qui est cette fameuse ligne droite. Et moi, bizarrement, dans cette ligne droite, un de mes passages préférés du jeu, c'est le passage en train. Alors c'est con, mais pourquoi? Parce qu'il est un peu plus maîtrisé, c'est-à-dire que c'est un passage complètement surréaliste, mais finalement, je me faisais tellement chier dans le monde ouvert, que finalement, là, c'était vachement plus resserré, tu vois, et c'était un peu plus rigolo à jouer. Donc c'est qu'une ligne droite, t'as ce fameux chapitre 13 qui a fait tant polémique, qui effectivement est une ignominie, mais alors, je sais même pas comment ça a pu sortir. Même du bêta test. Bah en fait, c'est pas le truc genre où t'es avec Noctis tout seul et tu dois infiltrer je sais pas quoi. Voilà, alors en fait, t'es avec Noctis tout seul. Bon, ça c'est pas un gros spoiler parce que tout le monde en parle. Donc là, j'en ai entendu parler. Ouais. Ils ont voulu se dire, ce qui sur le papier est une très bonne idée, tiens, on va se faire un trip survival horror. Génial. Sauf que t'es avec Noctis, donc t'as plus tes armes, t'es tout seul et t'as une bague. Pour te défendre. Une bague qui a des pouvoirs. Tu sais, celle, la fameuse, où ils nous ont fait tout un caca, tout un truc, tout un cake. Tu sais, la bague qui vole la vie, qui donne la mort. Ils avaient fait même un trailer exprès pour ça. Est-ce que tu te souviens de ça? Non, je ne me souviens pas. Mais on en a parlé, on en a parlé dans un broadcast en plus. Bon, t'avais halluciné là-dessus. Tu sais, ils avaient fait une vidéo avant la sortie du jeu où ils te montraient un pouvoir pour donner la mort avec une bague. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Oui, c'est la magie de mort. Voilà. Ah, la magie de mort, c'est une bague, en fait. Peut-être que je confonds et que c'est pas le même pouvoir. Ça, ceci tu dit, voyais Noctis faire une magie, en fait. C'est entre parenthèses, le système de magie ne sert à rien dans le jeu. Hein. Voilà. Ouais, j'ai cru comprendre. Voilà, le système de magie, tu t'en sers pas, ça sert à rien, tu le comprends très vite. Au début, t'absorbes. Déjà, ça, j'aime pas, parce que j'aimais pas ça dans le 8. Ouais. T'absorbes, tu combines tes... Et ça ne sert à rien. Non, ce qui est très drôle, c'est que comme quoi, vraiment, ils ont une mauvaise connaissance en plus de la série, c'est que cette magie-là, tu vas sur Twitter, tu regardes les forums de jeu, tu remontes un peu dans l'historique, personne n'a aimé le système de magie d'effet fuite. Il était complètement pété, le fait de ramasser les magies, ça a fait chier tout le monde. Il fallait trouver les endroits, les sources sur la carte. Enfin, c'est enfin bref, ce chapitre 13, c'est un trip survival horror où, en fait, enfin survival horror, entre guillemets, c'est-à-dire t'es Noctis, t'es tout seul, t'as ta bague qui fait des pouvoirs. Donc au début, tu retires de la vie pour tuer. Après, t'en as certains qui s'agglutinent dessus. C'est hyper laborieux à jouer parce que t'as des monstres, en fait, c'est des dédales. En fait, imagine, c'est Noctis tout seul dans un niveau de MGS1. Tu sais, un peu une structure, un peu en... Comment je pourrais te dire ça? Avec un level design un peu en croix, c'est-à-dire t'as une pièce principale, t'as un ordinateur à débloquer. Et t'as des couloirs qui partent dans tous les sens avec des portes qui sont verrouillées, des portes à niveau. Tu d'accord, vois, ouais, ça la Doom. Ramasse clés bleues pour ouvrir. En fait, c'est. Bleue, ramasse, ça, machin pour moi, ça m'a surtout fait penser à Metal Gear Solid, tu sais, le passage où tu dois. Tu sais, très souvent, dans plein de passages, tu dois. T'as une carte de niveau 1 et tu dois l'upgrader sur des terminaux pour que ça te donne accès. Pour que tu puisses ouvrir les portes de niveau 2, les portes de niveau 3, les portes de niveau 4. Voilà. En fait. Comme la tour Shinra un peu. Voilà. D'FF7. Donc, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que t'as un passage. Donc de survival horror où tu dois éviter des monstres et tu dois te mettre dans des fentes, tu vois, entre deux murs pour pas qu'ils te voient, et quand ils te chopent, c'est chaud pour toi, c'est super mal fait. Et après, tu dois, dans une structure un peu comme ça, en croix de salle, déverrouiller des accès, en fait, en upgradant ta carte sur différents terminaux. D'accord. Et c'est... un level design de... Je saurais même pas dire de quelle époque. C'est... Enfin, c'est des trucs qui a pu jouer depuis RPS One, quoi. C'est laborieux, c'est chiant pour te défendre, c'est une galère sans nom. C'est tout sauf... C'est pas une question que c'est daté ou pas, c'est que c'est juste nul, quoi. C'est mal fait, et c'est rageant, et t'en as marre, et t'en peux plus, quoi. Voilà, à ce moment-là, là, vraiment, t'es au bout du bout, tu dis, c'est pas possible, et quand t'as déverrouillé tel niveau, tu dis, c'est bon, ça va s'arrêter, ah bah non, t'as encore tel, tu dois encore upgrader, je ne sais pas combien de fois ta carte, pour... Bon, tu te demandes ce que ça fout là, c'est n'importe quoi. Et à point qu'après, tes potes te rejoignent à un moment donné, après, j'ai pas spoilé, puis après, là, t'as vraiment les dernières heures. Ouais. Et à la fin, t'as une ellipse... De... C'est dur de pas spoiler, hein. Voilà, bon, bref. T'as une ellipse de très très longue. Tu retrouves tes héros beaucoup plus tard, avant l'affrontement final, en fait. Voilà. Bah, de toute façon, l'affrontement final, on le voit au début du jeu, non? C'est avec le voilà. Ce qui est plus vieux. Voilà, dès le début. Bon, ça, c'est en pas fait... un spoil, c'est parce que ça se voit que le jeu commence par la voilà, fin. Voilà, oui, mais t'as bien fait de me le rappeler, c'est vrai. On le voit au début, et... Déjà, il y a deux trucs. C'est quand t'as fait tout le jeu et que tu les revois en vieux, ça fait ridicule. Parce que d'accord. T'as vraiment l'impression qu'ils sont skinés. C'est les mêmes avec des poils, quoi. Est-ce que c'est le syndrome Harry Potter? Tu l'as vu, le dernier Harry Potter, le film? On les voit plus vieux et c'est les acteurs maquillés en plus vieux. Non, je l'ai pas vu. J'ai pas vu. Ah, encore. D'accord. C'est genre, mais... vas-y que je te rajoute des poils, vas-y que je rajoute des fausses rides, tu sais, au crayon couleur et tout. Non, mais là, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, physiquement, c'est le même modèle. C'est-à-dire que tu. Et ça, on peut le voir dès le début du jeu, t'as raison, donc c'est pas un gros spoil. C'est que Prompto, par exemple, qui est le petit jeune de la bande, en fait, tu retrouves X années après tes camarades. Déjà, les retrouvailles, comme 100 autres scènes dans le jeu, c'est à mourir de rire tellement c'est mal écrit. D'accord. Voilà. Les retrouvailles, t'y crois pas deux secondes, t'as l'impression qu'ils sont quittés la veille, quoi. Bon. Ouais. Genre Prompto, qui est le petit jeune, tu revois, il est habillé pareil, sauf qu'il a du poil au menton, quoi. Ouais. Bah, tu sais, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ouais. Donc, t'as ça. Après, arrivent les meilleures scènes du jeu. Comme j'ai dit, ce qui se passe entre le dénouement final et avant le combat final, tu comprends pas. T'as l'impression que tu passes sur un autre jeu. Même si c'était complètement what the fuck avant et que ça partait dans tous les sens, que c'était d'une incohérence intergalactique, Là, écoute, t'en viens même à chialer devant ton écran tellement c'est bien écrit, c'est bien joué. Doublage français excellent d'ailleurs, il faut le rappeler. Tu comprends pas. Et c'est là que tu te dis, putain, mais ça aurait dû être ça depuis le début en fait, FF15. Et parce que tu comprends tout ce qui manque, comme je disais tout à l'heure, tu comprends tout ce qui manque. Et en fait, tu finis le jeu, t'as les yeux mouillés, et tu fais, mais merde. Pourquoi ? Merde ! Ça aurait dû être un des meilleurs FF de l'histoire, quoi. Et tout ce background, moi je pense à tous ces artistes, tous ces scénaristes qui ont bossé comme des malades pour vraiment mettre en place, je pense, un univers qui aurait pu être extraordinaire. Ouais. De voir ce qu'il y a à la fin, comment ça a été ratatiné. Tu sais, j'ai l'image d'une belle Ferrari, tu vois, flambant neuf qui sort du garage et tu la retrouves après une émeute, brûlée et massacrée, ouais, quoi. Ouais. C'est vraiment ça, quoi. Ils ont massacré une Ferrari, quoi. Bah alors, du coup, on va passer... je vais te poser donc la dernière question à ton verdict. Ouais. Est-ce que tu as quand même aimé le jeu ? Est-ce que tu regrettes peut-être de ne pas avoir un peu attendu, parce que, comme tu as vu, bah, finalement, ils vont rajouter 1 milliard de trucs. Ouais, c'était pas bientôt. Blague, ouais. Des bouts de scénar, des pans entiers, etc. Gratuitement, fort heureusement. Alors, du coup, ma question, c'est... évidemment, je tourne sous une question, mais pour moi, c'est une évidence. Est-ce qu'ils n'ont pas commercialisé un jeu qui n'était pas fini ? Ah, mais c'est exactement ça. En fait, c'est pire que ça, c'est comme, je suis désolé, je me répète, je radote, mais c'est vraiment un... Ils ont vendu une alpha, quoi. Voilà, c'est un jeu qui n'est pas terminé, c'est un jeu malade, c'est un jeu, et comme tu l'avais prédit dans un des précédents broadcasts, c'est un peu le syndrome de la créature de Frankenstein, c'est-à-dire que c'est des bouts qui ont été collés les uns avec les autres, sans aucune cohérence, avec une maladresse, vraiment, mais qui dépasse... C'est ce qui peut arriver de pire pour une œuvre, hein. Voilà, ça dépasse vraiment, pour ça dépasse film, l'entendement parfois. Il y a des moments, tu as des scènes dans le jeu, tu dis, mais ils se foutent de ma gueule, c'est une parodie. Mais c'est, et là, je peux pas spoiler, mais des fois, tu vas partir sur une mission hyper importante pour faire un truc qui est écrasé d'un revers de main par un rebondissement digne de Benny Hill. Et tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas, j'ai fait tout ça pour ça ? Non, c'est. Bref, et en fait, c'est un jeu, comme je dis, qui est malade. Il est malade et en fait, il est complètement pas fini, ça c'est sûr. C'est un jeu pas fini, c'est ça. En fait, c'est un pour moi, c'est et un... Et qui sera peut-être fini au fil du temps. Non, bah ça j'y crois pas justement. Alors c'est pour ça, je vais... ça, je garde ça pour ma conclusion, mais... donc c'est un jeu qui est pas terminé. C'est un jeu qui te frustre tout le temps. Parce que, comme je disais, c'est un making-of jouable. Tu vois ce qui a été retiré, tu vois... à côté de quoi tu passes, c'est terrible. Tu le sens quand il joue, quoi. C'est vraiment terrible. C'est hyper frustrant. Le background, le scénario, la trame scénaristique, vraiment, il y avait tout pour que ce soit formidable. Et ça devait être comme ça, là-bas. Ça devait être écrit comme ça. Sauf que ça a été tronçonné, coupé, recollé, rafistolé. Et en fait, c'est du what the fuck 90% du temps. Avec quelques scènes, quelques moments sympas dans le jeu. Voilà, on va dire une fois sur 15. Et le dénouement qui est absolument fantastique. Donc et... voilà, c'est ça. Le résumé, c'est des beaux combats et une très belle fin. Pour un énorme gâchis. Et des personnages attachants malgré tout. Ouais. Des personnages attachants malgré tout. Mais justement, ce qui rend les bons côtés du jeu sont d'autant plus rageants parce qu'ils sont entachés par tous les mauvais côtés autour. Ouais. Et justement, qui te font comprendre de... que ça aurait pu être tellement, tellement, tellement, tellement, tellement, tellement autre chose, FF15, c'est rageant. Et puis, il y a des trucs, mais de toute façon, tu le vois que c'est un jeu qui aurait mérité, mais il ne pouvait plus, parce qu'il y a eu peut-être 5-6 ans de pré-prod, voilà, et il y a dû avoir peut-être 3-4 ans, je ne sais même pas si c'est que 3 ans d'ailleurs, de vraie production, de développement. Et tu sens c'était pas suffisant. Bah là, il fallait que ça s'arrête parce qu'en fait, faut savoir que les Final Fantasy, ils sont tout le temps en retard depuis l'époque PS2. Mmh. Voilà, c'est ça. C'est que FF13, il devait être sur PS2. Il a bifurqué sur PS3. Depuis le retard FF12, tous les FF sont en retard. Donc en fait, qui blâmer dans l'histoire, je pense qu'ils sont tous un peu à blâmer, de toute façon. Tout le monde. Ils sont tous un peu à blâmer. Voilà. Maintenant, pour ce qui va arriver, là, sur les... Et surtout Nomura. les fameux DLC, ça, je trouve ça, mais... tellement, tellement à mourir de rire, il faut bien prendre en compte quelque chose. Et je peux vous le dire, parce que j'ai fait le jeu. C'est qu'en fait, très certainement avoir du sens pour mieux comprendre les tenants et aboutissants. Par contre, ça ne va pas réparer le jeu. Il faut bien avoir ça en tête. Parce que ça ne changera pas le jeu, évidemment. Parce que le jeu est comme ça. Si tu veux rendre FF15 cohérent, il faut le refaire. Refaire carrément des trucs. Comme quoi. FF14, il faut le refaire. Donc, ils ne vont pas le refaire. Ils vont mettre un peu plus de cinématique pour que tu comprennes un peu mieux ce qui se passe. Ouais. Voilà, c'est tout. Mais moi, je reconnais que j'étais à deux doigts d'acheter King's Life parce que... Et surtout quand tu fais la fin. T'as envie de savoir ce qui s'est passé. Mais je suis tellement contre cette politique, cette enculerie qu'ils nous ont fait, que non, je ne veux pas cautionner. Je ne veux pas cautionner parce que... Tu peux ne pas cautionner en téléchargeant le film. Mais franchement, qui va acheter King's Life, quoi. Non, c'est pas ça. C'est que je veux même pas le voir parce que ça va me doubler ma rage. Parce que tu vois, Brotherhood, la série, elle est gratos sur Internet, sur YouTube, tu peux la voir. Ouais. Je ne veux pas la regarder. Mais je veux pas parce qu'en fait, si je trouve ça bien, et apparemment c'est bien, bah ça va m'encore plus m'énerver, ça va rajouter de l'huile sur le feu, dans le sens où FF15 aurait pu tellement être mieux, quoi, tu vois. Ouais. Donc, parce que si vraiment j'aurais trouvé aucun bon point, vous voyez, tu dis bon, tout est à chier, mais c'est le pire, c'est que c'est pas ça, c'est que oui, 90% est à chier, mais il y a des personnages sont quand même attachants, t'as quand même des bons trucs, et puis la fin, moi, elle m'a retourné le cerveau, quoi. La fin, tu te dis, mais merde, quoi, j'insiste beaucoup là-dessus parce que là, je peux pas spoiler, mais quand tu le feras, tu verras, il y a une idée à la fin. Mais qui est tellement belle. De toute façon, je le ferai. Qui est tellement belle. Quand il sortira sur PC, quand il coûtera 20 euros. Ils auraient suivi le scénario. On aurait commencé, imagine, avec Noctis enfant, avec le roi. On aurait vu un peu ce qui se passe. On aurait vraiment vu le conflit. Ton père tué sous tes yeux, machin. Tu te serais enfui pour reconquérir ton trône. Ils auraient, durant le jeu, le scénario se serait tenu. Les rebondissements n'auraient pas été complètement, mais débiles. Au niveau des ellipses, si ça aurait été ça aussi mieux mené, mieux écrit, qu'il y aurait eu un saut dans le temps vers la fin où tu retrouves Noctis un peu plus mature, là comme c'est le cas, mais pas fait n'importe comment comme ils l'ont fait, putain, mais ça aurait été un des meilleurs FF, quoi, vraiment. Ouais. Et c'est un immense gâchis, un massacre, et je crois que, tu vois, j'en voulais beaucoup à Square Enix avant par rapport à FF13, par rapport au fait qu'ils prostituaient, et ils le font toujours d'ailleurs, la licence Final Fantasy à toutes les sauces, ouais, pour faire des sous. Mais là, c'est pire. C'est pire parce que c'est un épisode canonique qui avait un putain de potentiel. Et pourtant, le 13 est déjà bien moisi, quoi. Oui, mais alors voilà, le truc, c'est que le 13, il y a quelque chose, on peut pas lui reprocher, c'est que... C'est cohérent, du début jusqu'à la fin. Il est cohérent, c'est-à-dire que tu acceptes ou pas l'offre, tu acceptes ou pas le gameplay, tu acceptes ou pas le scénario, les personnages. C'est un jeu fini. Mais il est fini. Il est fini. C'est-à-dire que, ok, t'es pas d'accord, mais les mecs, ils ont fait le boulot. Voilà. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Voilà. Ils ont fait un jeu, quoi. Voilà. Et c'est ce que je dis, le pire FF15, c'est qu'il redonne presque un peu de pour moi, dans mon cœur, de crédit à 13. Ouais. Parce que il est fini. FF15, c'est l'inverse, c'est que la proposition était beaucoup plus intéressante que 13. Mais le jeu est mal fait. Il a été fait avec deux mains gauches, deux mains de tortue ninja gauche, quoi. Avec des moves. C'est hallucinant. Et en fait, c'est la frustration qui en ressort parce que tu te dis, ça aurait pu tellement être. Tu vois, c'est comme si tu prends FF6, tu coupes dans tous les sens, tu fais des raccords qui n'ont rien à voir, tu retires des personnages, tu réécris des scènes n'importe comment. Tu vois, il y avait vraiment le potentiel. Alors, pas de l'aide comme FF6, faut pas exagérer, mais je pense qu'il aurait été... Très bon. Moi, j'entrevois la promesse, ce que Nomura voulait faire. Ça aurait dû être un bon FF8 ou un bon FF9, quoi. Non. Ah non, non, pour moi, ils auraient explosé. Ah ouais, d'accord. Ah non, mais c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Pour moi, ça aurait pu être, je pense, si vraiment je me l'imagine comme il voulait le faire au début, il aurait pu être dans mon top 5 de mes FF préférés, vraiment. Mais ah oui, non, il aurait explosé FF 8 et 9, hein. ça c'est clair. Je pense que dans mon cœur, tu vois, il aurait flirté avec le 10, tu vois. C'est-à-dire que moi, mes préférés, c'est le 6 et après le 12, mais il aurait, et le 7 aussi, mais il aurait flirté, tu vois, avec... Ouais, avec le 10, le 7, tous ces épisodes que j'adore, qui sont pas mes préférés, mais qui font partie quand même du top. Enfin bref, donc c'est un immense gâchis. La conclusion, c'est un immense gâchis et beaucoup de frustration, quoi. C'est la frustration, c'est-à-dire que... Le prix a été cher pour quelques scènes excellentes, quoi. Bah voilà, sur parce que t'en as qui te disent « Ah oui, mais attends, je suis qu'au chapitre 2, j'ai 40 heures de jeu. » Oui, mais moi, toutes les quêtes FedEx, quand j'ai vu que ça n'apportait rien... J'en avais plein le cul, donc j'ai fait quelques quêtes annexes, mais j'ai fini le jeu une trentaine d'heures. Il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens qu'on appelle l'effet PES ou l'effet GTA, c'est-à-dire qu'ils achètent une console pour jouer qu'à un jeu ou deux jeux, et il y a beaucoup de gens qui ne jouent pas du tout aux jeux vidéo, mais qui suivent les Final Fantasy depuis le 7, et qui jouent qu'au Final Fantasy. Voilà, voilà. Et c'est des gens qui ont loupé 10 ans d'histoire du jeu vidéo. Donc pour eux, les quêtes FedEx, c'est nouveau, quoi. C'est genre, oh là là, dis donc... C'est cool, je me balade, regarde, c'est grand, etc. Mais ils ont loupé même Skyrim, quoi. Limite, ils ont presque loupé même Oblivion, tu vois. Et du coup, pour eux, c'est nouveau, ça. Donc, j'ai presque envie de dire, c'est normal que pour eux, c'est impressionnant. Par contre, après, tu leur mets une manette dans les mains, tu leur fais jouer à The Witcher, ils vont avoir l'impression de jouer à quelque chose de Satan, tu vois. Genre, mais non, ça vient pas de notre monde. C'est des extraterrestres qui ont fait ce truc-là, c'est bien trop évolué, quoi. Oui. Mes yeux saignent. Ouais. Donc voilà, c'est ça, c'est que en fait, ça à prendre en compte aussi. J'ai pas, en fait, j'ai fait ce premier run, et quand ils vont mettre les rajouts, peut-être que je m'y remettrai juste pour voir ce qu'ils ont rajouté, tu vois, parce que voilà, ne serait-ce que par rapport à la fin, voilà. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que en général, mes premiers runs de RPG, je suis dans un entre-deux, c'est-à-dire que je rush pas, et en même temps, je complète pas tout à 100%, c'est-à-dire que je fais beaucoup de quêtes annexes. Ouais. C'est un juste milieu, quoi. Je fais des quêtes annexes et j'avance quand même, tu vois. Oui, moi aussi, ouais. Voilà. Mais j'en fais pas des tonnes non plus. Donc, c'est ce que j'ai fait là. Et en 30 heures, t'es à la fin du jeu. Je vais juste préciser encore que, toujours grâce à la bande-son. Un tiers de Dragon Quest 7. La bande-son, pareil, c'est vers la fin, t'as des affrontements qui font partie des plus dantesques de la saga. Et tu te dis, voilà, c'est pareil. C'est, en fait, sur le moment, tu kiffes à mort. Et après, tac, t'as la frustration. Pas comme d'hab qui reprend le dessus parce que tu dis oh, ça aurait pu tellement, tellement être autre chose, quoi. Tout le jeu, donc voilà. C'est on va conclure là-dessus. On va conclure là-dessus. En fait, il est fascinant pour les bonnes et les mauvaises raisons. FF15, ouais. C'est-à-dire qu'il est témoin de 10 ans d'histoire de Square Enix et du RPG japonais. C'est un objet, et ça, par contre, j'avais vu juste, je t'en parlais beaucoup avant dans Brocast, on en parlait avant que le jeu arrive. C'est que je m'attendais à ce que ce soit un jeu témoin, mais pas à ce point-là, quoi. C'est-à-dire que là, vraiment, tu lis dans la matrice, quoi, quand il joue, c'est vraiment un making-of, voilà. Tu joues un making-of et tu vois tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils n'ont pas fait, tout ce qui... Voilà, donc, je peux pas dire mieux, c'est un jeu malade, mais qui est autant exaspérant qu'attachant par certains côtés, et voilà. Mais j'en veux énormément à Square Enix, parce que je pense qu'ils nous ont privés. Alors après, on va me dire, oui, mais c'est pas un dû. Mais le problème, c'est que quand tu communiques autant d'années sur un univers qui a l'air vachement attirant par certains de ses côtés, et surtout au niveau de l'histoire, le côté... tu vois, de Noctis, enfant, les relations qu'il a avec son père, bon, comme on a dit, puis qui, voilà, il grandit, il y a des sauts dans le temps, qu'il doit reconquérir son royaume, non, etc. Mais c'est simple, ils doivent passer le flambeau, ils sont plus capables. Le seul bon côté, c'est que, j'espère en tout cas, c'est qu'FF16 va partir sur de bonnes bases, même si on n'est pas près de. Et c'est ça qui est terrible, c'est quand tu penses déjà à l'avenir alors que l'épisode vient à peine de sortir. C'est là où tu vois qu'il y a un gros problème. Tu vois, Square fait partie, alors j'insiste, hein, la partie Square, pas la partie Enix, Square fait partie des éditeurs qui répètent les erreurs. Ils répètent, ils comprennent pas, ça c'est un peu comme Nintendo, ils arrivent pas à comprendre. Moi, je suis pas sûr qu'on en reparlera, mais c'est fort probable que Final Fantasy XVI, on ait genre un super beau trailer, et que ça soit repoussé, et que ça change d'équipe quand même, et que ceci et que cela, on est vraiment pas à l'abri, Bruno, hein. C'est Square, ils font toujours les mêmes conneries, toujours. Ils apprennent rien, quoi. Moi, je pense que ce qui serait bien, c'est qu'il y ait vraiment une nouvelle. Mais non, mais il faut qu'il file Final Fantasy à des studios une nouvelle externes. Une nouvelle équipe. Qui file le jeu à quelqu'un d'autre. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ils supervisent, ils donnent l'argent. Mais qu'ils donnent le projet à quelqu'un d'autre, quoi. Qu'ils arrêtent de foutre Nomura dedans, qu'ils arrêtent. Tabata, je pense qu'il faut qu'il prenne sa retraite, parce que comme tu dis, je pense qu'il a pris 10 piges dans la gueule. Oui, et puis stop, au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas. Pour faire ça à la fin, parce que c'est vrai que Tabata, c'est vrai qu'il s'est crevé à la tâche, mais bon, quand tu vois ce qu'il a fait. Et pas que lui, même l'équipe de développement, ils doivent tout. Il y a énormément d'erreurs. Ils doivent être exténués, quoi. Enfin, oui, et surtout pour faire plein d'erreurs. Donc c'est ça. Ils n'ont pas le talent. Nomura, comme on disait, c'est que. Il aurait été canalisé, on lui aurait dit bon, tu veux faire ça. Bon, maintenant, on attaque, ça on n'aura pas le temps, mais on se concentre là-dessus, quoi. Voilà. Regarde, ça, Nomura, il lui file le FF7, ça commence déjà. Ça devait être un gentil, ah bah finalement, il y aura des épisodes. Enfin, ça commence déjà. Le FF7, on a quasiment rien vu. Ils sont déjà en train d'assurer le jeu en épisode. Nomura, déjà, il faudrait le mettre que sur Kingdom Hearts 3. Et laisser un peu. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il a jamais assez de projets, quoi. Il est toujours sur 36 trucs en même temps. Ouais, je pense que là aussi, il y a un problème. Donc, faut changer l'équipe. Hein, je pense qu'il faut vraiment du sang frais chez Square Enix, avec la supervision des anciens, tu vois. Et donc, pour finir, parce qu'on va finir, on va passer à The Last Guardian. Faire pipi, surtout. Ouais. Bah, de toute façon, on va devoir couper pour la première partie. Ouais. La phrase qu'ils te mettent au début, on va conclure là-dessus, est un aveu d'échec. C'est-à-dire que quand tu lances le jeu, il y a marqué un Final Fantasy pour les fans et les nouveaux venus. T'as ça, c'est la première chose qui apparaît à l'écran quand tu lances le jeu. Ouais, et en fait, c'est très perturbant parce que ça... T'as l'impression qu'ils ont déjà d'emblée quelque chose à se faire pardonner, en fait, tu vois. Et tu sens... Alors, ils baissent les oreilles déjà. Un nouveau venu, il va rien comprendre. Il va dire qu'est-ce qui se passe. Et le fan historique, comme nous, il va péter un câble. De voir qu'il s'est fait trahir à ce point-là. Donc voilà, donc c'est un jeu malgré tout à faire pour sa culture de joueur et pour l'histoire. Voilà, puis il y a quand même des grands moments, surtout vers la fin. Mais si vous êtes fan comme nous de Final Fantasy, vous allez en ressortir beaucoup de frustration. Ouais, énormément de frustration. Voilà. Okay, je vais mettre un petit jingle et puis on va passer à la suite. Donc, maintenant, on va passer à The Last Guardian. Donc, je le rappelle, moi, je ne l'ai pas du tout essayé. C'est prévu, c'est pour début janvier, là, donc très bientôt. Donc, ouais. Toi, Juju, tu l'as terminé hier, c'est ça ? Hier soir, ouais, on l'a terminé hier soir. Vas-y, je te laisse. Donc, on va échanger les rôles, hein, du coup, je vais te poser des questions. Donc, déjà, je pose le contexte. Ouais, voilà, est-ce que c'est nécessaire de représenter le jeu, quoi. Non, mais par contre, tu es particulièrement fan de Fumito Ueda. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup Ico et Colossus, mais toi, c'est vrai que c'est des jeux vraiment que tu as encore plus adoré que moi. Ah, et bon, du coup, c'est des jeux emblématiques. Ah bah ça, je le pense aussi. Bon, après, c'est vrai que qu'on adhère pas un petit peu ou énormément à Ueda, on peut pas lui retirer quand même son côté absolument génial. Et du coup, ouais. Tu l'attendais particulièrement, The Last Guardian. On l'attendait tous, mais toi, tu devais peut-être faire partie de ceux qui l'attendaient le plus. Qui l'attendait le plus et qui le craignait aussi le plus. Oui, alors si vous avez écouté les précédentes émissions, on avait beaucoup de craintes envers ce jeu-là, d'autant que les premiers retours de ceux qui avaient pu s'y essayer quelques mois avant sa sortie, c'était un petit peu flippant. Ouais. Voilà. Et donc pourquoi cette émission s'appelle L'Éclopée et le Miraculé, c'est que, comme vous venez de le voir, FF15 donc, vraiment est arrivé très abîmé. Ouais. Autant The Last Guardian, donc je vais te poser des questions, j'ai l'impression que, même si tout n'est peut-être pas parfait, que la promesse, en tout cas, d'avoir un bon Ueda est tenue. Et rien que ça, déjà, c'était pas gagné. C'était vraiment pas gagné. Donc tu l'as terminé en combien d'heures, à peu près? Je sais pas, mais bon, quand on voit les tests, tu sais, sur qui dizaines d'heures. Il parle de 15 heures de jeu, à peu près, ce qui est complètement bidon. Il est plus court que ça, quand même. Alors que on l'a pas, je l'ai pas spécialement rushé, tu vois. Tu l'as pas rushé. Bah ça reste dans la moyenne, non, Ico, je me rappelle plus en combien de temps on le finissait, mais. Ouais, 8 heures, un truc comme ça. Il est assez court, Ico. Colossus est un peu plus long, de tête. Puis tout dépend de la dextérité que t'as avec les colosses après. Voilà, Colossus, tu perds beaucoup plus aussi, donc c'est normal. disons que, ouais, je dirais une petite dizaine d'heures. Voilà, une petite dizaine d'heures. J'ai pas spécialement trouvé que c'était trop long, parce que j'ai aussi vu pas mal de rédac dire que, ouais, il y a un dernier genre tiers où il y a quelques heures de trop. Je suis pas du tout d'accord, bien au contraire, surtout que. Vers la fin du jeu, il se passe quand même beaucoup de choses, donc je vois pas. Oui, il paraît qu'il y a un gros twist. Enfin, il paraît qu'il y a plein de twists d'ailleurs. Oui, non. Enfin, c'est. On se garde peut-être ça pour la fin. Alors, déjà, oui, ce serait bien, ça serait de commencer par le commencement. Ouais, c'est déjà les premières impressions quand tu lances le jeu alors. Est-ce que déjà, tout de suite. Alors, le début, pareil, hein, c'est comme pour FF15, tout le monde l'a vu. Oui, ça tourne sur internet les premières minutes, donc tu te réveilles avec le jeune garçon à côté d'une bête blessée. Alors, moi, je ne les avais pas vus. Je m'étais. Ah, d'accord, ouais. Bah, moi, en fait, j'ai vu. J'ai eu la surprise, entre guillemets. Moi, en fait, là, je l'ai découvert récemment avec Gamecut l'émission, sinon, je ne l'aurais pas vu non plus. D'accord. Est-ce que déjà, dès le départ, tu es happé par. Parce que moi, juste après, je te laisse démarrer, c'est que moi, le peu que j'ai vu dans Gamecut l'émission, justement, c'est que putain, je m'attendais pas à ce que la bête ait des réactions si réalistes en fait. Alors voilà, justement, je pense que je vais dégrossir rapidement ce point-là, c'est que ça soit l'histoire, la technique, donc Tricot qui est la grosse bébête, ou aussi le gamin, hein, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais on joue quand même le rôle d'un gosse, c'est exceptionnel. Franchement, c'est exceptionnel. Enfin, d'avoir ça dans un jeu, c'est. On a l'impression d'avoir vraiment une vraie bête vivante dans l'écran de télé, quoi. Du coup, j'avais même lancé un petit débat sur Facebook avec un pote. C'en a un point où c'est à se poser des questions. C'est-à-dire que, ok, c'est du script, ok, c'est de l'IA, mais réussir à créer dans le joueur de l'empathie pour quelque chose qui n'existe pas, moi, ça me fait même poser des questions sur le futur, tu sais. De la robotique, des animaux de compagnie, parce que pour nous ça paraît effectivement complètement surréaliste ce genre de débat, mais va dire à, c'est ce que je disais sur Facebook, va dire à un mec il y a 25 ans derrière que les gens ont plus d'argent et ils font quand même 8 heures de queue pour avoir un téléphone, va leur dire ça, tu vois, ils vont dire mais t'es fou quoi. Bon bah je pense que on a atteint un degré de perfection déjà en presque 2017, dans une IA, dans un animal complètement fictif. Alors, qu'est-ce que ça va être dans 40-50 ans, les petits robots de Sony, les petits chiens robotiques, les chats robotiques, ça se trouve, ils seront plus vrais que nature. Hein. Ouais. Et on aura peut-être vraiment de l'affection pour eux, alors qu'ils ont été créés par des sociétés, tu vois. Moi, ah là, ça pose autant de questions philosophiques, éthiques. Voilà. C'est exactement ça, parce que moi, j'ai eu un sentiment très bizarre, c'est qu'effectivement, au bout d'un moment, t'as presque, pas honte, mais tu te retrouves à faire des trucs dans le jeu, genre essayer de le rassurer, lui faire des câlins, le soigner, etc., et de vraiment flipper pour sa tronche. Non, mais ça prouve et là, qu'ils ont bien fait leur boulot, quoi. Et là, tu te dis, mais je suis juste en train de flipper pour des lignes de code. Est-ce que c'est pas aussi... moi, ce qui me fascine, c'est comment le cerveau humain peut être dupé, quoi. Et c'est un jeu qui te fait poser ce genre de questions. Un peu comme The Witness te fait poser des questions dans un tout autre registre, je trouve que celui-là, il montre qu'on a passé un cap. C'est un jeu étape, quand même. Malgré tous les défauts, donc je viendrai plus tard. On reviendra dessus après, ouais. Là-dessus, ça reste un jeu étape parce qu'il prouve des choses. Voilà, il met le doigt, je pense, au-delà du jeu vidéo, il met le doigt sur le fait qu'on peut quand même manipuler ou créer de l'empathie quand l'illusion est parfaite. Est-ce qu'il y a une vraie relation qui se noue, apparemment, ouais, entre l'animal et le joueur ? Et l'illusion est parfaite. Je veux dire, à 99%, elle est parfaite. Il y a 1% qui fait que, et je reparlerai, qui fait que des fois, malheureusement, les verrous restent fermés. Mais la majeure partie du temps, tous les verrous sautent. Tous les verrous émotionnels sautent, quoi. Franchement, c'est fou. Et je dirais même à un point, c'est qu'on a dépassé un stade en termes d'animation. Là, c'est plus dans la technique. L'animation du gosse aussi. On a tendance à parler que de la bête. Mais même l'animation du gosse, elle est folle. Même dans Uncharted, t'as pas vu ça. Même dans un à ce point-là. à ce point-là. Je n'ai jamais vu, c'est aussi un défaut, et je reviendrai encore là-dessus, mais j'ai jamais vu, la dernière fois que j'ai vu des animations aussi réalistes et belles, c'est dans des Ghibli, ou du Disney. Mais pas dans un jeu vidéo, hein. Pas dans un jeu. C'est bluffant. Ce qui est beaucoup plus bluffant, c'est que en termes d'animation, on est vraiment dans le dessin animé plus, genre Deluxe Royal, tu vois. Mais tu joues. Donc le personnage s'adapte constamment à ce que tu fais. Ce qui fait que la jouabilité est un peu flottante. Bon, évidemment, il est un peu aimanté partout, etc. Mais il y a des fois, tu te dis, putain, mais c'est quand même dingue. Ça rend le jeu, t'as l'impression que c'est une cinématique de 10 heures, quoi. Tu vois, parce que vraiment, c'est... Ouais, le flow est constant, c'est fluide, t'es pas coupé de l'expérience, quoi. Tout est bien lié, tout est propre, toutes les transitions d'animation sont vraiment bien faites, etc. Et quand j'ai lu des trucs du genre « Ah, ça se voit que c'est un jeu PS3 », je pense que il y a un gros problème avec la presse et aussi les joueurs en général. Ils parlent que de l'esthétique, peut-être. Non, c'est pas ça, c'est que les gens ont la mémoire courte, quoi. Tu sais, il suffit de voir genre les trucs, oui, Game of Thrones en 8 bits, tu sais, les fausses vidéos pourries là, et c'est des sprites 16 bits, tu sais, qui sont utilisés. Je sais pas si t'as déjà eu plein de trucs. Ah, de ça, combien de fois je râle contre ça. Ou alors quand t'as un jeu qui sort un dé, ils disent, oh, c'est l'esthétique 8 bits. Non, c'est 16 bits ou inversement, c'est 16 bits, ils disent que c'est 8 bits. C'est rageant. Les gens ont la mémoire courte sur les capacités des machines. Jamais de la vie, ce jeu il tourne sur PS3. Jamais de la vie. C'est un. Possible. Alors tu parles plus au niveau de l'IA ou vraiment tu parles des animes ou d'esthétique tout, pure tout, technique, texture, végétation. Parce que c'est vrai qu'esthétiquement, esthétiquement, quand tu le vois tourner sur une vidéo, c'est vrai que visuellement, tu pourrais dire, bon, ça pourrait tourner sur PS3, quoi. C'est signe tu n'y joues pas. Parce voilà, il faut vraiment y jouer. Ce que tu as dans les vidéos, c'est pas ce que tu as dans le jeu. Hein. Les panoramas que tu as dans le jeu, l'immensité des décors et la qualité même, c'est de l'architecture et des textures et de la physique, je n'ai jamais vu. Et ça. Attends, faut que tu précises que, d'ailleurs, je le précise aussi, pour moi, FF15, c'était le cas. On joue sur une PS4 classique, hein, pas sur une. Alors, voilà. Ouais. Alors, du coup, il y a un prix à payer. Bon, ça, je pense que c'est parce que le jeu est aussi à moitié codé avec le cul, on en reviendra. Mais. Peut-être des restes de sa genèse difficile après ça. Mais... Ouais, la console, elle n'en peut plus, quoi. Je crois que la dernière fois que j'ai joué à un jeu console qui rame autant, je pense que ça date de la PS1 ou de la PS2. Ah, à ce point-là ? Ah merde ! Ouais. Il y a des fois, on tombe en dessous des 30 FPS. Hein. Alors, c'est rare quand ça arrive. Mais généralement, le jeu oscille entre 60 et on va dire 40. Mais des fois, on est en dessous des 30. Ah, il arrive à monter à 60 quand même ? Oui, il y a des fois, c'est très fluide. Il y a des fois, il n'y a aucun problème. C'est parce que ça peut être fluide à 30 aussi, hein, mais il ne me semblait pas qu'il monte à 60. Non, il tourne à peut-être pas 60, mais on est au-dessus d'Uncharted 4 quand même, à certains moments. Ah ouais, bon, bah ça va. Oui. Mais par contre, à certains moments, on est à. Ah, tu baisses, ouais, ça tombe beaucoup plus bas, quoi. Ouais, du coup, c'est très perturbant quand tu joues, en fait, parce que comme le jeu n'est pas très souple. Enfin, bon, bref, tout ça pour dire que le côté esthétique, histoire, la relation entre les personnages, tout ça. La structure du jeu, le game design, le level design, tout fonctionne à la perfection. Alors voilà, j'aurais des questions là-dessus, ouais. Des questions. Tout est nickel. Du début, dès lors où tu allumes la console, jusqu'à la fin du jeu, il y a une erreur de level design. Il n'y en a qu'une. Et on l'a eu avant-hier et hier, en testant le jeu. Mais franchement, tout le reste, c'est ICO++, entre guillemets. Tu vois, c'est que... C'est le même délire qu'Ico, tu dois fuir d'une forteresse, sauf que là, c'est décuplé, quoi. C'est vraiment décuplé. En plus, t'es pas du tout dirigé. Tu sais, contrairement à... Je prends l'exemple d'Uncharted 2. Ça change pas du fait que c'est un de mes jeux préférés, Uncharted 2. Mais tu vois, genre, les corniches où tu dois t'accrocher, genre, elles sont peintes, tu vois, genre, en jaune fluo ou en gris. T'as des gros coups de peinture, du genre, c'est là que tu dois sauter, etc. Ça, tu oublies. Je pense que, définitivement, Last Guardian... J'entends beaucoup dire qu'il ravira entre guillemets l'hardcore comme le grand public. C'est faux. Le grand public ne terminera jamais le jeu. C'est ce que j'ai entendu dire. C'est que ça manque d'indication pour celui qui est pas à fond, quoi. Ouais. Voilà, c'est à l'ancienne. C'est vrai que en fait, t'es vraiment dans le rôle du personnage. Tu sais pas du tout où aller. C'est tu te démerdes. Voilà. Et faut vraiment observer. Bon, les énigmes sont très très simples, mais c'est plus l'exploration. Comme dans Ico, quoi. Ouais. Voilà, c'est plus exploration qu'ils ont difficile. En fait, les énigmes sont simples parce qu'elles sont d'une logique implacable. Alors attends, je te coupe parce que là, on a brassé plein de thèmes et j'avais plein de questions en fait. D'accord. Là, on a avancé un peu vite. C'est juste, je voulais savoir déjà, avant de... j'ai vraiment des questions de LD à te poser, mais... En tout cas, artistiquement, histoire, tout ça, ça fonctionne. Est-ce que, voilà. Justement, au niveau de cette relation qui se noue, alors sans spoiler, bien sûr, avec l'animal, est-ce que c'est fait vraiment de manière hyper subtile ou tu sens que parfois, tu sais, ils appuient exprès sur le curseur pour faire monter la larmichette ou l'émotion? Est-ce que ça s'amenait de manière très subtile ou vraiment, tu vois, avec Tricot, par exemple, il y a des moments où tu te dis, bon, là, ils font vraiment tout pour nous faire chialer ou... Non, pas du tout. Et pourtant, je suis l'un des trinqueurs de pierre. Hein. Moi, j'ai pleuré dans vice-versa. Hein, donc, voilà. Non, justement, c'est très subtil et je trouve que c'est aussi subtil et terre-à-terre que la nature même. C'est-à-dire que, tu vois, dans la nature, je sais pas, tu vas dans la savane, attention, c'est un exemple de dingue, tu vois une antilope super jolie, puis en un claquement de doigts, elle se fait bouffer par une lionne, quoi. Tu vois, c'est la loi de la nature, quoi. Voilà, bah, c'est vraiment ça, le jeu. Et au contraire, je trouve que ça prend pas du tout de pincettes, ça... Pas une seule fois, tu te dis « Ah oh là, ça a été fait pour que ça soit attendrissant, etc. » Bien au contraire. En fait, je trouve que les moments les plus attendrissants du jeu, c'est peut-être les moments les plus discrets. Tu peux même passer littéralement à côté. C'est très subtil, quoi. Et je trouve au contraire que le jeu, dans un tout autre style, c'est la violence. Ça peut être la violence des mots, la violence du sang, par exemple. Mais il y a aussi une violence naturelle, entre guillemets, la cruauté de la nature, et je trouve que c'est super bien retranscrit. Tu sais, c'est comme quand tu croises deux chiens se croisent, les chiens c'est mignon, les chats c'est mignon, mais quand ils se croisent, la plupart du temps ils se foutent sur la gueule, ouais, et ça, ouais, te fait mal au cœur. Bon bah, imagine ça, mais de la taille d'un immeuble. D'accord, ok. En fait, le jeu, il peut être super violent. Il peut vraiment être choquant. Justement, au contraire, les moments les plus... émotionnellement les plus forts, pour moi, dans le jeu, c'est les moments les plus durs. Et c'est là où tu te poses des questions. C'est pas, oui, c'est attendrissant, oui, tu fais des câlins, effectivement, petit à petit, ce qui est assez incroyable, c'est que t'arrives même dans le regard à savoir ce que pense la bête, ce ouais, qu'elle ressent. À comprendre, tu vois, petit à petit, au début, tu comprends pas trop, puis petit à petit, tu comprends, oui, ok, bon, là, je comprends que, par exemple, il flippe, tu vois, ou un truc comme ça, alors que c'est débile. Tout petit détail, c'est quelques mouvements de muscles, quelques petits sons, tu vois, c'est vraiment au fil des heures. Hein. C'est pas tout de suite genre quand je queen, c'est que je suis triste. Non, tu vois, c'est vraiment il y a une, vous apprenez à vous connaître, quoi. La couleur du jeu, c'est le gris, quoi. Tu vois, c'est il y a rien de blanc, il y a rien de noir, c'est un jeu qui n'est que nuance. Et c'est ça qui est incroyable, et je pense que le plus gros du boulot a été là, bien plus que le gameplay, bien plus que le level design, le boulot, ça a été de réussir à créer de l'empathie, déjà, mais aussi réussir à faire en sorte que le joueur comprenne la bête. C'est incroyable, franchement. C'est pour ça que c'était impossible de le faire comprendre en une démo, quand il y a eu des démonstrations, c'est que c'est un jeu, je pense, qui s'apprécie vraiment dans son entièreté. Et genre, quand tu le présentes dans un salon ou juste une démo, tu peux pas te faire un avis en 10 minutes, manette en main. Comme Journey, ouais, comme The Witness, comme plein de jeux. Hein, c'est une expérience qu'il faut prendre globale, quoi, de manière globale. Ouais, et faut la faire une traite. Faut pas genre, vas-y, j'y joue, puis je rejoue une semaine plus tard. Si tu y joues, faut y jouer tous les soirs, enfin, bon, quand tu peux, quoi, en tout cas, jusqu'à ce que tu le termines. Tu peux pas le laisser de côté. C'est un jeu que tu peux pas laisser de côté. Quand tu joues qu'à ça, jusqu'à la fin. Ça t'obéris. Oui, au risque de casser peut-être le fil émotionnel qui te... Bah, ça te sort du truc, quoi. Ouais. Tu vois, ça te sort du truc, et limite, il y a des choses que tu vas plus comprendre. Vraiment comme dans The Witness. The Witness, tu peux pas... Là, moi, The Witness, c'est un jeu que j'ai terminé. On l'a quand même bien retourné. Je le reprends maintenant. Je suis obligé de le recommencer du début parce que je comprends plus rien, quoi. Ouais, je vais plus rien comprendre. Tu vois, c'est une expérience complète où il faut vraiment avoir le nez dedans. Comme Journey aussi, tu vois. Ouais. C'est des jeux comme ça, tu es obligé de faire d'une traite. Donc non, il tire pas du tout. Il ne se joue pas de ça. Il joue pas. Bon, ça, c'est déjà un super bon point, quoi. Et en manière d'LD, ouais, je vais te demander... Très mature, très très mature. Est-ce que c'est pas un peu en termes de jeu pur, enfin de LD, est-ce que donc tu disais que ça ressemblait beaucoup à Ico, et c'est vrai que les images qu'on voit, ouais, ça ressemble beaucoup à Ico. Est-ce que ça va un peu plus loin, ou c'est vraiment du on retrouve exactement peu ou prou les mêmes mécaniques. Non, que Ico, ça va juste avec un changement d'échelle, mais non, ça va un tout petit peu plus loin, mais voilà, faut. Mais c'est vraiment des mécanismes, c'est de la plateforme et des mécanismes. Voilà, tu portes des trucs, des caisses, machin. Tu pousses des caisses, tu montes des chaînes, mais le jeu joue beaucoup de la physique. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, j'ai plus l'habitude d'avoir ce genre d'expérience sur PC plus que sur console. Il faut savoir que la physique, ça demande énormément de ressources. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de jeux liés à la physique sur la console. Et je pense que c'est aussi pour ça que le jeu, il pète les plombs de temps en temps. Enfin, c'est qu'il rame. C'est qu'ils ont bossé sur PC, clairement, qu'ils ont appuyé sur un bouton pour porter sur console, quoi. Tu vois. Ce qui fait que jamais tu as vu une physique aussi réaliste dans un jeu. C'est même dans Uncharted, mais... la moindre structure en bois, quand elle se casse, tu vois même les échardes, tu vois tout, quoi. T'as l'impression que tu pourrais même t'en planter dans les doigts alors que t'as la manette dans les mains. C'est le détail. C'est intéressant ce que tu dis, parce que quand on voit les images on voit pas tout ça, on n'a pas l'impression que c'est au détail à ce point. Quand les vitres, quand le verre, quand la roche, quand le bois, quand tout se pète, c'est d'un réalisme à un point où même avec Kelly, on se disait ça fait bizarre de voir ça. Ça fait bizarre parce que ça dénote complètement avec l'univers, avec le fait que t'as une grosse bête qui ressemble à pas grand-chose, des édifices qui sont irréalistes en termes d'architecture, mais pourtant, tout le comportement de la nature, de la physique de la bête, de ses plumes, etc., tout est tellement photoréaliste, tout est tellement sublimé qu'il y a des moments, ça va même créer des malaises, quoi. Ça fait très, très, très bizarre, quoi. Tu sens que, en fait, si techniquement, effectivement, c'est pas un jeu qu'on fait des caisses, je pense que c'est aussi pour ça que les gens n'ont pas l'impression qu'il est très évolué, parce que c'est un jeu qu'on fait pas des caisses. C'est un jeu qui joue sur les lumières, qui joue sur la physique et sur les comportements des éléments. Il n'est pas dans la démonstration permanente en te disant « Tiens, regarde comment je fais bien ça, comment je fais bien ça. » Pas du tout, pas du tout. Au contraire, ça demande même de l'observation. C'est à toi de voir ça. C'est à toi de le voir, c'est à toi de le remarquer. Moi, ça m'a souvent déconcentré. Moi qui suis de l'autre côté, un peu comme toi, du miroir, entre guillemets, en tant que développeur, il y a plein de moments où ça m'a déconcentré parce qu'il y a plein de moments où je me suis dit « Ah ouais, ça c'est puissant, quoi, ce qu'ils ont fait. » Sachant que je suis quand même mort à certains moments... Et il y a des détails que j'aime bien regarder dans les jeux, c'est pour voir si la physique a le même comportement. Tu comprends ce que je veux dire ou pas ? Ouais. Dans Uncharted, par exemple, tu vas être dans une scène de dingue, tu vas te casser la gueule, il y a tout qui s'écroule. Si je crève, je re-regarde un peu le comportement de la physique, et très souvent, tout est scripté. Tu comprends ? Le caillou tombera de la même manière, etc. Pas dans The Last Guardian. C'est de la vraie physique. D'accord. Les objets n'ont jamais le même comportement, ce qui crée des gros problèmes de temps en temps. Dans le gameplay, parce qu'il y a des trucs, je pense que les développeurs n'ont pas trop prévu. Mais par contre, c'est assez impressionnant à voir. C'est vrai que techniquement, c'est impressionnant. Je n'ai pas vu même, ne serait-ce que la végétation, le peu d'endroits où il y a beaucoup de végétation. J'ai jamais vu de la végétation comme ça, quoi. Dans un jeu, c'est même par rapport à Uncharted 4, qui est vraiment hyper bluffant à ce niveau-là. Même par rapport à U4, il y a certains moments, t'es dans des sortes de jardins. Écoute, je n'ai jamais vu des feuilles. Comme ça. Alors je sais pas, on sent que c'est du code. On sent que c'est pas que des textures et des modèles. Ils ont fait quelque chose pour que ça soit comme ça. Je sais pas quoi. D'accord. Mais t'arrives même pas à trouver deux feuilles identiques, quoi. Toujours pour rester sur l'idée avant que j'oublie, est-ce que c'est un peu plus vertical, non, que Ico ? Ah oui, je dirais presque, il y a presque pas d'horizontalité. D'accord, ah carrément, ok. Bah en fait c'est une ascension le jeu. T'es tout en bas. Que la bête tu t'en sers pour gravir. Faut que tu sortes après ce que j'ai compris tout en haut de. C'est une sorte de cratère, on dirait un volcan, un volcan qui ferait la taille d'à peu près 100 fois tous les volcans de la Terre. Ouais. Sauf que à l'intérieur du coup il y a toute une civilisation, quoi, toute une cité semi abandonnée. C'est une sorte de tanière, ils appellent ça la tanière. Il y a plein de tricots. Dedans, les espèces de gros chats, chats chiens. Oui, parce qu'apparemment, c'est pas la seule bête, ça je l'avais lu aussi. Non. Ils vont tous là, c'est leur nid, quoi. Et lui, il a plus d'ailes, en fait, celui qui est avec toi. D'accord. Et l'idée, c'est d'essayer de sortir, quoi. Mais pour sortir, il faut trouver la tour la plus haute, et à partir de la tour la plus haute, essayer de soit voler quand même, soit de faire un bond pour sortir de ce truc, quoi. Voilà, donc l'idée c'est ça, mais voilà, t'imagines bien que constamment t'arrives assez haut, ah oh, zut, il se passe un truc, on retombe, et puis c'est... Oui, bah bien sûr, oui. Voilà, bon, c'est l'ascenseur émotionnel, jusqu'à la fin, qui est quand même assez jolie aussi. Ça, alors bon, je pense pas que c'est un spoil, mais je l'ai. Bah, pareil, bah, pour vraiment terminer, pour être clair sur ce qui se passe. En fait, c'est le héros qui raconte son histoire, en fait. C'est ce que j'ai entendu. Voilà. Le LD est très classique. C'est très très classique. C'est très vertical. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est un LD classique, mais vu. Pas vu, mais. Tu te balades dans un level design classique, mais pas du tout de la même manière, en fait, que dans les autres jeux, à cause de l'échelle de la bête. Oui, c'est l'approche qui est différente, quoi. Voilà, le LD est classique, mais tu l'apprends pas du tout de la même manière. T'es un jeu traditionnel, et il s'en joue beaucoup, d'ailleurs. Et je pense qu'il y a des petites vannes de level designer dedans, entre guillemets. Ah, d'accord. Ça va être marrant, ça. Tu te fais un peu carotter des fois, et c'est assez marrant. Est-ce que la caméra parfois dans des endroits un peu exigus, du fait de la taille de tricot, plus le gamin, plus tous les éléments à prendre en compte, est-ce que parfois il y a des soucis de visibilité ou globalement ça passe quand même? Bon, je pense qu'on va passer parce que je pense que j'avais sur l'aspect avant le verdict. Sur l'aspect technique. L'aspect esthétique, bah attends, avant que tu parles des soucis, musicalement, est-ce que c'est beaucoup d'ambiance comme Ico et Shadow ou ouais. T'as ouais, plus ouais, de morceaux non, joués Shadow, c'est pas trop des musiques d'ambiance. En fait, dans Shadow, il y a même pas du tout de musique quand tu explores et c'est des musiques de. Oui, c'est quand il y a des colosses que t'as un peu. Oui, voilà, c'est ça. Mais, C'est que de la musique guerrière et épique et dramatique dans Colossus, c'est pas du Quand je dis musique d'ambiance, je parle musique et aussi ambiance sonore, c'est-à-dire dans Ico et Shadow, t'as Ico, pas mal de c'est de la musique d'ambiance. C'est vraiment de la musique d'ambiance dans Ico. T'entends de la nature ou t'entends que le vent. C'est marrant parce que c'est un mix des deux. D'accord. C'est moitié en fait, t'as quasiment jamais de musique dans Colossus Guardian. Ouais. Mais les moments où t'en as, c'est pour appuyer peut-être des petits moments d'émotion. Importants, d'émotion ou des ellipses. D'accord. Et elles sont super belles. La BO est super. C'est pas ma préférée, ça reste celle de Colossus, mais. Enfin, dans la trilogie, parce qu'on peut dire que c'est une trilogie. Ah, bah c'est une trilogie, oui. Vu tous les rapports qu'il y a entre Ico et Colossus. D'ailleurs, il y a même un lieu d'Ico, je sais pas si ça a été. Je savais pas dit, ça. Mais il y a un lieu d'Ico pas fini. Dans Ico, tu traverses un grand pont à un moment donné. Et là, tu le vois, en fait, au loin, sauf qu'il est en train d'être construit. Donc, techniquement, on peut estimer que ça se passe avant, du coup. Donc, les 1, parce que, bon, c'est une trilogie, moi, je l'appelle carrément la trilogie Ueda, parce que c'est la même patte artistique, la démarche est à chaque fois... Ah non, mais c'est le même univers, hein, c'est les mêmes symboles, c'est les mêmes glyphes. Dans Colossus, d'accord, au niveau de l'univers, ça se déroule dans le même... Oui, mais dans Colossus, t'as même la cour... De la cité de... Oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Dico, oui, c'est vrai. Les trois jeux sont liés, t'as des cornes à chaque fois, t'as les mêmes glyphes avec les tatouages. D'ailleurs, du coup, on apprend d'où viennent les tatouages du héros de Colossus dans Guardian. Alors, c'est marrant parce que personne n'en parle, ça, je savais pas du tout. Bon, ok, en tout cas, je l'avais pas lu. Je pense que c'est... je vais pas dire que les journalistes font pas leur taf, mais pour moi, c'était essentiel de se remettre dans Ico et Colossus, même par le biais de vidéos. Pour jouer à Guardian, pour vraiment comprendre aussi un peu tout, quoi. C'est important parce que finalement Tricot c'est qu'un colosse aussi, hein. C'est une sorte de colosse quelque part, plus petit, mais t'as beaucoup de similitudes avec les colosses, donc c'est tout ça, on connaît Ueda et tout ça, c'est pas des hasards, quoi. De toute façon là c'est vraiment je pense que son prochain jeu on sait pas. Mais je pense pas qu'il se déroule vraiment dans le même univers. On sent vraiment qu'il a pensé ça comme une trilogie. Alors peut-être qu'il y aura un quatrième qui se passe dans ce univers, mais je pense pas. Franchement, je veux pas spoiler, mais quand tu termines le jeu, ça pourrait très bien continuer. Hein. Encore. D'accord. Hein. Okay. Il pourrait même avoir une suite directe de Last Guardian. Hein. C'est. D'accord. Scénaristiquement, ça pourrait se tenir. Donc. Et donc du coup, alors après ce tableau idyllique, donc il y a quand même des choses qui t'ont un peu déçu. Alors, je suis pas schizophrène, hein, attention, parce que là, je vais être par contre très méchant. maintenant. Ou bipolaire. C'est que, alors là, la presse, c'est pareil, je comprends pas. Je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de laxisme aussi sur The Last Guardian, parce que, tout comme Final Fantasy XV, c'est un jeu malade, quand même. Ah, quand même, à ce point-là ? Ah, mais il est cancéreux, quoi. C'est... Franchement, pendant plusieurs heures, on s'est dit, bon, allez, parce que le jeu en vaut la chandelle, parce qu'il est quand même exceptionnel, quoi. Enfin, des jeux comme ça, t'en as pas, voilà, t'en as... Ah non, c'est sûr. Tous les 10 ans, quoi. Mais la caméra, et à la fin, il y a une petite surprise, parce qu'il y a autre chose aussi que la caméra. La caméra, c'est inexcusable. C'est injustifiable. En 2016, d'avoir une caméra comme ça. C'est franchement, c'est mes... j'écoute, je cherche en arrière, je crois que c'est la pire caméra de tous les temps. Ah, à ce point-là, mais même par rapport à Ico ? Ah non, mais Ico Lucius, c'est Mario 64, hein, à côté Bruno. Hein. Oh putain. Et je pense, c'est pour ça que je te dis, que, et tout à l'heure j'ai insisté là-dessus, les gens, la mémoire courte, hein, ils ont ultra la mémoire courte. Les caméras de Colossus, elles sont bien plus précises que celles de Guardian. Et Ico, n'en parlons même pas, quoi. Ico, je me souviens même pas avoir eu des problèmes de caméra à côté, quoi. C'est... Franchement, même les caméras... Bon, je vais peut-être me faire des ennemis, mais... Même les caméras de Mario Sunshine, c'est du grand art à côté, quoi. C'est une catastrophe. C'est catastrophique. À tel point que moi, j'ai carrément... Ah, je t'entends plus. Alors, là, je t'ai pas entendu pendant 5 secondes. D'accord. Il y a une coupure, t'as dit, t'étais à un tel point qu'à un moment donné, j'ai... Et là, ça a coupé. Il y a des scènes que j'ai même pas vues à cause de la caméra. Ah bon ? Parce que j'arrivais même pas à les voir. Tu sais, t'as des scènes genre où ils combattent, c'est des armures et toi, t'es sur son dos. Parce que t'es poursuivi par des sortes d'armures. Ça remplace les ombres, en fait, Nico. Ouais, je les ai vus en vidéo. J'arrivais même pas à voir, quoi, des fois, ce qui se passait. Parce que, en gros, pour te donner une idée, ils ont eu l'intelligence de faire une caméra. Alors là, on va parler d'Eve. Bon, je vais peut-être perdre des gens, mais... on n'est plus à ça près, maintenant. Non, mais il y a... Dans les débuts de la 3D, d'ailleurs, elles sont comme ça dans Mario 64, les caméras étaient considérées comme des modèles physiques. C'est-à-dire que la caméra qui suit le joueur... Oui, c'est un objet. Enfin, c'est un objet à part entière et tient compte de l'environnement, ce qui fait que ça se cogne. Ok. Mario 64, comme c'est un jeu de génie, tu n'es quasiment à 99% jamais gêné parce que ils ont prévu de recadrer la caméra constamment et ils ont intégré une petite IA aussi dans la caméra, ce qui fait que avec les boutons jaunes, si la caméra rencontre un mur, elle va chercher en pathfinding un endroit où il y a plus d'espace, donc plus d'espace en X, Y et Z autour d'elle, et toujours viser le joueur. Okay, et donc, on parle de 1996, il faut le rappeler. Hein. Voilà, de recadrer... Il y a 20 ans. De recadrer le point zéro du stick analogique en conséquence. Ouais. Bon, ça date de Mario 64. C'est Mario 64. Ça fait 20 ans. 20 ans. Ouais. Ça fait 20 ans. Beaucoup de jeux ont du mal à avoir cette perfection, même encore maintenant, Mario 64 est encore un cas d'école en caméra, mais maintenant, tu vois, tu prends, je sais pas, Wind Waker ou même des jeux qui ont 10 piges, maintenant la caméra généralement est libre, mais ils ont surtout l'intelligence de faire une caméra non physique qui, quand elle collisionne avec un élément physique, met en semi-transparence le dit élément physique pour ne jamais perdre le joueur de vue. Alors après, soit on le fait proprement, soit on le fait de manière dégueulasse, etc., mais au moins, tu perds jamais le personnage de vue. Et ça fait déjà un bon paquet d'années que c'est devenu un code classique, quoi, la transparence. Voilà, c'est 20 ans de recherche en caméra 3D, t'appuies sur le petit bouton de la poubelle, tu jettes. Putain. Pour Guardian, juste la caméra est un électron libre. Elle fait ce qu'elle veut, et quand elle veut faire des trucs, elle n'y arrive même pas. Ce qui fait que tu te doutes bien que... Attention, tiens-toi bien. En plus du fait que tu as beaucoup d'environnements confinés, et là, c'est une catastrophe sans nom. Le point zéro du stick n'est jamais réinitialisé quand la caméra bouge. La caméra, elle se cogne partout. je sais pas si un pass finding, enfin j'en sais rien, mais en fait, et rentre dans les éléments et ressort d'un coup. C'est-à-dire que tu vois, dans le code, en fait, ce qui se passe, c'est que quand la caméra est dans un décor, dans le code, ils disent « Ah, attention, je collisionne, faut que je me remette à l'extérieur. » Donc, en fait, elle arrête pas de tousser, je sais pas si tu comprends. Elle rentre, paf, elle réapparaît, elle rentre, elle réapparaît, elle réapparaît. Ce qui fait que si t'es épileptique, au secours, quoi. Elle n'arrive jamais à passer le haut des portes. C'est quand t'es sur le dos, par exemple, de tricot, que tu passes en dessous une porte, forcément, toi, ça a ras la tête, tu vois. T'as ras la tête de la porte, toi, tu passes, la caméra ne passe pas. Ce qui fait que quand ils n'y arrivent pas, ce qu'ils font, ils font une sorte de fondu noir. Ils la font réapparaître derrière, mais dans un axe qui n'était pas du tout le même. C'est un peu un axe genre aléatoire dans lequel t'étais. Elle ne suit rarement l'action. Et pire, attention, pire, quand tu bouges le stick, heureusement, on peut augmenter la sensibilité. Quand tu bouges le stick, en fait, des fois, elle veut pas. C'est-à-dire que je veux tourner la caméra vers la droite et commence y aller et tac, elle s'arrête et veut plus y aller. Donc tu bouges un peu le personnage et hop, tout d'un coup, pff, elle va avancer très rapidement. Enfin, putain, mais c'est ouf quand même. C'est tellement catastrophique que le jeu, donc je l'ai fait avec Kelly de A à Z, que même Kelly m'a dit, même moi je joue pas. Enfin, moi je joue pas et même moi ça me gonfle. Alors que je ne joue même pas. Ouais, même en tant que spectatrice, c'était. Même elle sans la manette en main, ça crée un malaise juste quand tu regardes. Et ça, je suis d'accord que le jeu est attendu, je suis d'accord que le jeu est extraordinaire sur plein de points, etc. Et que je suis très content, voilà, je suis pas spécialement déçu par le contenu même du jeu. Mais c'est impardonnable, ça. C'est impardonnable, on va être en 2017, de sortir ça. Et clairement, cette caméra, pour moi, c'est une caméra de pré-production. On n'est même pas dans une caméra de pré-alpha, pour moi. Ce n'est même pas de la pré-alpha. Oui, parce que même dans un proto, ce serait refusé. Ce serait non, faut régler c'est, ça. C'est hein. Une caméra, écoute, elle a été mise... Parce de proto fallait... 1.0, quoi. C'est parce que fallait une caméra, quoi. C'est... Mais c'est sans déconner, c'est hallucinant. Il y a certains moments, je me suis dit, mais pourquoi, à la limite, il ne fallait même pas se faire chier, ils auraient mis une vue de dessus dans certaines salles. À la limite, ça aurait arrangé, quoi. C'est un truc à la con, une vue de dessus, tu vois, à la con pour certaines salles, et au moins... Mais tu passes des minutes et des minutes à te recadrer, à re-re-recadrer, à essayer de corriger la caméra qui fait n'importe quoi. Tu n'arrives jamais à regarder ce que tu as envie de regarder, ou très rarement. Et alors, accroche-toi bien. C'était... Faut pas sortir l'excuse des endroits exigus. Hein. Parce que même dans les endroits en plein air où t'as de la place, elle fait n'importe quoi. Oh merde. Ah bon, moi même... je croyais que c'était que dans les endroits un peu confinés. Non. Même les endroits où c'est un peu plus facile. Je vais pas... Faut pas abuser. Évidemment, c'est plus facile. Oui, bah oui, parce que t'as moins d'éléments à prendre en compte, donc fatalement. Mais même comme ça, juste quand tu veux regarder vers le haut, la caméra, elle va filmer le dos et le cul du héros, et tu essaies de te mettre vers le haut, et tu vas voir son cou et ses cheveux, quoi. Et un tout petit peu de ciel, quoi. Tu vois, juste, même regarder vers le haut, t'es obligé de regarder un peu, c'est sur les côtés, tu vois. De faire des petits coups vers la gauche et des petits coups vers la droite, pour voir un peu, juste pour regarder une tour, quoi, tu vois, qui est en face de toi. Oh, ça doit être rageant. Franchement, c'est chiant, quoi. Franchement, c'est chiant. Mais surtout que l'univers est magnifique, et un peu plus si tout le reste de l'expérience est aussi marquante comme tu le dis, ça doit, c'est comme FF15, ça doit être d'autant plus frustrant, quoi. Tu dois dire, mais merde. C'est très, franchement, c'est super frustrant. C'est super frustrant, vraiment. Il y a des trucs, je comprends pas. Pourquoi il n'y a pas une vue Alors, peut-être qu'il y en a peut-être une, mais je ne l'ai pas trouvée, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle n'est pas indiquée dans le jeu. Pourquoi ils n'ont pas fait une vue à la première personne? C'est comme dans Mario 64, tu sais, genre, t'appuies, ou Zelda, t'appuies sur un bouton et puis tu regardes. Eh, au moins, tu peux te poser deux secondes, tu regardes un peu ce qui t'entoure. Mais sans déconner, mais ça fait 20 ans qu'il y a ça dans les jeux en 3D. Ça fait 20 ans. C'est un jeu d'exploration, c'est pas un jeu d'action, quoi. Puis donc, surtout, je veux pouvoir regarder à gauche, à droite, comme je veux. Et il y a plein de moments où on n'aurait pas tourné comme des cons, tu vois. Juste avec un bouton pour ajouter cette vue à la première personne pour regarder à gauche ou à droite ou en haut, etc. Tu rajoutes cette vue, franchement, tu retires une heure, hein. De jeu, dans tout le jeu, hein, au moins. Ah ouais, quand même. Parce qu'il y a plein de trucs. Sérieux, mais avec Kelly, on se dit, mais c'est pas possible. Il y a plein de trucs. Déjà qu'en plus, c'est pas évident, parce que je te dis, t'as pas d'indication. Mais moi, j'adore quand il y a pas d'indication, personnellement. Mais au moins, laisse-moi regarder comme je veux, quoi. Les décors. Mais non, tu veux regarder un endroit, mais la caméra, elle veut pas. Donc, tu pars en courant. Tu te mets sous un autre angle. Là, tu vois un petit peu. Tu peux un peu plus voir et tout. Mais tu dois faire des efforts. En fait, moi, ce que je ne suis pas. Ce que je trouve inadmissible, c'est que c'est aux joueurs de jouer, entre guillemets, avec la physique, avec la géographie des lieux, avec le nivelé, et je dirais presque même de filouter avec des trucs pas trop prévus. Oui, pour aller au-delà de ces difficultés, quoi. Pour voilà, corriger. Enfin, de soucis techniques, quoi. Ouais. C'est toi qui corriges la caméra. Or, là, tu fais du debug mode, quoi, presque. c'est au jeu de le faire. J'en parlerai un peu plus à la fin dans mon ressenti général sur ce que je pense qui s'est passé, en fait. Moi, j'en ai déjà parlé, mais là, pour moi, ça se confirme. C'est voilà, la caméra, c'est une vraie tannée, et vraiment, j'affirme, il y a sûrement des jeux avec des caméras plus pourries, mais moi, j'y ai pas joué à ces jeux avec des caméras plus pourries. Moi, c'est le jeu avec les caméras les plus nazes auxquelles j'ai joué. Voilà, c'est ce qui est même les caméras de Shenmue sont mieux, quoi. Non, mais pourtant, ce qui est aberrant, parce que dans Ico et Shadow, bon, c'était pas parfait, mais bon, ça, on arrivait à suivre, quoi. C'était pas parfait, mais c'était mieux. C'était mieux quand même. Et ce qui est étonnant, c'est que ça va aussi à l'encontre de la philosophie du game design par soustraction qu'aime bien faire. La méthode même de Ueda, limite il l'a breveté, où il se focalise sur un ou deux éléments pour épurer le plus possible le jeu et renforcer le propos principal. Et donc, en général, quand tu fais ça, parce que le jeu il fait pas non plus 50 000 trucs. C'est pas un couteau suisse, tu vois, comme Dishonored ou même un RPG, enfin, tu vois, ou plein d'autres jeux comme ça. Et du coup, même ça, bah, la caméra, elle est... Enfin, ceci étant dit, je pense qu'en termes de ligne de code, ça doit être quand même assez monstrueux, parce que c'est le meilleur, le pathfinding le plus cohérent que j'ai vu, quoi. Ouais, mais c'est d'autant plus frustrant parce que je pense que c'est très très lourd quand même. Mais si la caméra suivait un minimum sans qu'elle soit parfaite, mais une bonne caméra c'est un petit 1000-1500 lignes de code, je dis ça au pif, mais c'est pas cher, une bonne caméra c'est pas très cher. Bah, surtout quand tu vois combien pesait Mario 64 par rapport au jeu de maintenant, bon, ça doit être ridicule. Non, c'est pas, y a pas d'excuse. Vraiment, y a pas. C'est un zéro pointé. C'est soit je peux pas dire un manque de temps parce que ça m'arrache la langue de dire ça vu que le jeu était annoncé genre je sais plus en 2007. Non, je pense que c'est soit un manque d'expérience, soit pas envie de le faire. Mais on en reviendra plus tard. D'accord. Dans tous les cas, c'est de la mauvaise volonté. Dans tous les cas. Et c'est le premier point négatif du jeu. Ah il est déjà pas mal quand même. Et il y en a un, j'en ai pas vu. Bah, là, il y en a pas mal. Ça concerne la caméra. Tout ce que je disais tout à l'heure, ça concerne la caméra. Et il y a le second point négatif du jeu. C'était quelque part un peu le prix à payer de vouloir lier les animations de manière aussi jolie. Mais pas que, ce n'est quand même pas excusable, c'est la jouabilité qui est catastrophique. Ah la vache, ça fait beaucoup quand même. Hein. La jouabilité, c'est un cauchemar. Franchement, à jouer, c'est triste hein, ce que je vais dire, hein. Mais le jeu, il est chiant à jouer. Il est chiant. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais. Ah ouais. De manière ludique, en fait, dès que... Quand c'est pour faire des choses simples, il n'y a pas de souci, mais dès lors où on te demande de faire des trucs de jeux vidéo, c'est-à-dire sauter, t'agripper à une plateforme, là, le château de cartes s'écroule, quoi. Tout s'écroule. Et j'irais même plus loin, ça te sort complètement de l'expérience. Complètement. Parce que quand t'es sur... Déjà à pied, sauter, tout ça, déjà, bon, bref, c'est compliqué, mais ça, en fait, c'est simple, c'est la jouabilité d'Ico, c'est-à-dire que ça n'a pas évolué. Depuis Ico, c'est la même. Ah merde. Et pourtant dans Ico c'était pas terrible, mais bon les environnements étaient plus simples. Donc je fais juste une petite parenthèse. J'ai relancé, je me suis pris en démat sur PS3 ce que je voulais voir là en HD. Je me suis repris Ico, tu sais, mais en édition HD. Bon voilà, je le trouvais plus en physique, il était plus dispo, donc j'ai pris en démat. Ouais. Et c'est vrai que les sauts de l'époque, bon, ils sont déjà un peu tendax, mais à la limite, c'était l'époque, puis ça va, ouais, t'arrives ouais, à. Ça va. Attends, parce que le reste suit, parce que le reste suit bien aussi. Le voilà, la caméra elle suit. Voilà, puis le jeu était en avance hein, sur son. Oui, oui. Non, bien sûr, il est en avance sur plein de choses. Donc tu lui pardonnes, tu le remets dans le contexte de l'époque et il n'est pas injouable non plus. Ouais, ça se fait tout à fait. Ça se fait et à l'époque, je ne me suis pas dit une seconde, la jouabilité elle est chiante parce que il n'y avait pas beaucoup de jeux où tu pouvais faire autant de trucs. C'est un des premiers jeux où tu pouvais t'accrocher partout, sur des corniches, etc. Il n'y en avait quasiment pas hein, avant Ikuro. Oui, oui, oui. L'animation était vraiment. Les animations étaient bluffantes. Même encore maintenant, c'est encore super bien. Donc, oui, oui, oui, oui. Mais là, mais en fait, c'est simple. Le problème, c'est que l'axe zéro, le point neutre du stick, n'est jamais remis à zéro par rapport à la caméra. En fait, le problème, c'est marrant parce que tout est lié. C'est lié, le problème de jouabilité est aussi lié à la caméra. C'est-à-dire que comme le point zéro n'est jamais réinitialisé selon la position de la caméra, et ben dans tous les jeux maintenant en 3D, mais depuis mes 10 piges, quand tu vas aller vers le point de fuite de la perspective, t'appuies vers le haut. On est d'accord. Normalement. Normalement. Quand tu vas aller vers l'horizon, t'appuies vers le haut. Sauf que comme la caméra ne réinitialise pas le point de fuite du stick, et que la caméra est complètement folle, à plein de moments quand t'es sur le dos de Tricose, tu pars dans le mauvais sens, quoi. C'est-à-dire que la moitié de temps du jeu, déjà, tu te vois pas. Parce que tu te vois jamais, parce que la caméra n'arrive jamais à te suivre. Mais en plus de ça, tu vois pas ce que tu fais. Mais en plus de ça, tu fais pas ce que tu devrais être en train de faire. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où je dois descendre de tricot, je suis en train de monter. Je fais bon, j'appuie vers le bas. Mais le moment où je décide d'appuyer vers le bas, la caméra fait un autre truc. Donc, eh ben, je remonte quand même, tu vois. En fait, c'est simple. La caméra, elle te fait perdre, péter les plombs, elle te fait perdre complètement le nord, quoi. C'est qu'il y a des moments où, franchement, manette en main, j'étais avec Kelly, je sais pas ce que je dois faire, je sais plus. J'appuie vers le haut, je vais vers le haut, mais après, maintenant que je vais aller vers le bas, que j'appuie vers le bas, il va vers le haut, mais deux secondes après, je rappuie vers le haut, il va vers le bas. Non, mais merde, je sens que ça va m'énerver, ça. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, il y a certains moments, j'étais comme ça, tu vois, je montrais à Kelly, j'avais la manette, et je fais voilà, et j'appuie sur X parce que je veux lâcher tricot. Je martèle X, X, X, X, X, je laisse appuyer X, je remartèle, le personnage, il lâche jamais tricot, je fais ok, voilà, et puis tout d'un coup, tu meurs, parce que le perso a pas du tout fait ce que tu devais faire, oh là ce que tu lui as demandé de faire, et moi, allez, sans déconner, 90% de mes morts, c'est à cause de la caméra de la jouabilité, c'est jamais à cause de moi, 90% de mes morts, ou de la physique, c'était comme ça, alors, en plus, ils ont eu l'intelligence de mettre trois actions sur un même bouton, ce qui fait que quand t'es sur tricot, t'as un bouclier dans le jeu. Tu veux montrer un truc avec ton bouclier, tu veux faire un câlin à Ico, tu veux retirer un pieu, parce que des fois il a des pieux plantés sur lui, c'est quand il se fait attaquer, ouais. c'est la même touche. Mais pourquoi ? Donc, alors qu'il y a plein de boutons hein, sur la manette. Hein. Donc, oui, on est plus sur Amiga et Atari ST là. Voilà, à un moment donné, je suis sur lui. Il se fait attaquer, ok ? Mais ouais. Il y a des personnages qui sont impossibles à atteindre. Je dois lui indiquer avec le bouclier que je dois lui retirer, qu'il doit tirer sur ces personnages-là, parce qu'il peut tirer avec sa queue, sur ces personnages-là qui sont inatteignables. Donc je suis sur lui. J'essaye de montrer. Déjà, il faut y arriver parce qu'il bouge beaucoup. J'essaye de montrer qu'il faut tirer sur un personnage. Je peux pas, parce qu'en plein combat, le gamin, il va lui faire un câlin. Super réaliste, tu vois. Fait que je suis en plein combat, je suis en train de lui faire un câlin. Merde. Parce que le jeu a décidé que là, t'as appuyé sur rond, bon bah là c'est un câlin. Ok. D'accord. Bon, j'essaye de. Je me repositionne. Je descends, je suis à côté de tricot, je veux montrer avec le bouclier, mais comme je suis encore un peu trop à côté, que toutes les animations sont liées, j'essaie de lui faire un câlin sur la patte, alors qu'il y a des ennemis partout qui me tombent sur la gueule. Bon, j'essaie de monter sur lui. Je me coince entre les faces du modèle 3D de la cuisse. Et de, je sais pas, et de son ventre. Donc je peux plus rien faire. J'appuie vers le haut parce que j'essaie de me dégager. Je peux pas parce que le personnage il monte et il descend, il monte et il descend. Il sait plus ce qu'il doit faire. Je laisse appuyer sur X pour me lâcher, pour essayer de reprendre un autre angle. J'arrive pas à monter sur lui. Enfin, en fait c'est que ça. Voilà, c'est que ça. C'est-à-dire que quand tu montes sur les colosses dans Shadow of the Colossus, c'est mieux fait. Alors qu'ils sont plus grands. Et parce surtout, là, les jeux sont beaucoup plus vieux, c'est ça qui est hallucinant. Quoi. Le perso, il se coince partout. Il se coince sur le bord de la patte. Il se coince entre. Bah, en fait, sur son trou de balle, on peut le dire, entre la queue. Entre sa queue et son cul. Des fois, tu tombes, tu comprends pas pourquoi t'es tombé. Quand t'es sur lui, tu veux lui faire un câlin, tu veux donner un ordre, tu veux. C'est horrible. Et là, on arrive au truc aussi, un des trucs les plus énervants, c'est que pour lui donner un ordre, tu sais, tu peux lui donner des ordres avec le bouton R, genre vas-y, saute, fais des trucs, blablabla. Tu dois lui donner des directions aussi. Donc devant toi, sur les côtés, puis si c'est derrière, bah tu te retournes, quoi. Sauf que, comme j'ai dit tout à l'heure, avec la caméra, ouais. Comme la caméra ne recentre pas le point zéro du stick. Donc parfois, tu l'envoies là où tu voulais pas l'envoyer. Et là, c'est laborieux parce qu'il faut le ramener. Très souvent, tu lui dis d'aller en face et tu dis à gauche, tu dis à droite et des fois, tu dis carrément derrière. Ce qui fait que lui, le temps qu'il comprenne ce qu'il te dit, parce que des fois, il met 2 minutes à comprendre ce que tu es en train de lui dire. Il va faire demi-tour, il va reprendre tout un chemin, parce que tu as certains chemins qui sont scriptés, où il saute de poteau en poteau, il va tous les reprendre, un par un, et toi t'es comme ça, tu fais putain. T'attends. Oh là là là là. T'attends qu'il refasse son chemin. Ah, ça doit être relou. Tu te retournes, tu lui dis allez, vas-y, retourne-y. Alors après, comme l'IA est encore dans son délire, bah non, tu m'as dit de retourner en arrière, et le temps qui. Parce qu'en plus, la bête, du coup, elle a la direction super réaliste parce que t'envoies chier, quoi. Du genre, non, mais attends, c'est bon. Tu m'as fait revenir, donc tu lui dis de revenir et c'est. Et mais c'est dessus, ça qui est horrible. C'est que comme la. T'as l'impression que même la bête, même Tricot, elle est victime. Ouais, mais c'est ça qui est triste parce que. Comme l'IA est tellement poussée, tous ces problèmes-là. Mais non, mais l'IA est incroyable. Ça doit te sortir du truc, mais. L'IA est incroyable. Et du coup, tu te dis, mais t'as l'impression que tu. En plus de combattre. L'environnement et de t'enfuir, t'as l'impression que le gamin et Tricot combat le gamin il combat son propre corps pour la jouabilité et puis la bête donc Tricot et le gamin combattent la caméra quoi et c'est ça jusqu'à la fin tu galères. T'imagines quel jeu ça aurait été si ça avait été juste normal. et ben c'est simple, je pense que sans déconner il corrige les caméras, il corrige la jouabilité, c'est un des plus grands jeux de l'histoire. Il va au-delà du propos, un peu comme Ico à l'époque, il va au-delà du propos de jeu vidéo, il a réussi à faire quelque chose que personne n'a réussi à faire, même au cinéma. Je crois que la dernière fois que les gens se sont prêtés autant d'affection pour une bête, c'est E.T. quoi. C'est le E.T. du jeu vidéo, The Last Guardian. Faut bien se mettre ça en tête. C'est le sauver Willy, ou E.T. du jeu vidéo. Il est emblématique. Il a endossé un costume dans le média du jeu vidéo. C'est le jeu avec la bête. Voilà. C'est le jeu avec la bête. Putain, mais c'est horrible qu'il y ait tous ces problèmes à côté. C'est vraiment dommage, quoi. Et t'as ça, tu te dis, Vous vous foutez de notre gueule. Le jeu, il serait sorti, enfin, il aurait été annoncé il y a 3 ans, tu vois. Même comme ça, j'aurais dit, mais il se fout de ma gueule. Mais le jeu, il était annoncé, je sais pas, en 2007 ou un truc comme ça. Et tu oses commercialiser un jeu comme ça? Alors, je vais venir. Tu me poseras d'autres questions s'il y a des trucs qui t'intéressent, parce que j'ai survolé quand même beaucoup de choses, mais je vais quand même dire, moi, ce que j'en pense, mon verdict et pourquoi. C'est que le verdict, c'est que c'est un jeu exceptionnel, mais malheureusement, il n'est pas culte. Ce sera pour moi actuellement, ça peut pas être un jeu culte. C'est pas possible. Parce que le jeu te sort constamment de l'aventure, te sort constamment de la magie. Il y a des scènes, mais t'imagines même pas, Renaud, t'as jamais vu ça dans un jeu. Il y a des moments de grâce où tu te dis. Tu parles même plus, t'es sans voix, quoi. Tu te dis, il est différent. C'est quelque chose de différent, quoi. Tu sens que, voilà, ça prend du temps. Voilà, je pense que, tu vois, en 3 ans, c'est pas possible de faire un jeu comme ça. Il y a trop de trucs, il y a trop de détails. Et pourtant, t'as vu, il est pas très loin. Mais je pense que c'est comme FF15, en fait, ça fait 10 piges qu'on l'attend. Mais le vrai développement, ça doit se jouer à 2-3 ans, quoi. Ouais, je te l'avais dit, de toute façon, il y a même pas 4 ans, il y a Ueda qui a dit, oui, c'est bon, on attaque le moteur. Ouais. Il y a 4 ans, quoi, s'il te plaît. Faut arrêter les conneries. Et le jeu, il est tellement, mais tellement, tellement gros. Il est hors norme, ce jeu. Je te jure, des fois, tu te balades dans des décors, tu te dis, putain, c'est incroyable d'avoir fait ça, quoi. C'est incroyable. Je pense que tout le monde devrait voir ça. Tout le monde devrait voir certains panoramas, devrait visiter certains lieux de Last Guardian. Ça peut pas. Enfin, les gens doivent voir quoi, ce qui a été créé. C'est quand même des gens qui ont créé ça et c'est quand même incroyable d'avoir créé un univers comme ça. Enfin, à cause des problèmes que tu dis, il y en a peut-être plein qui vont se décourager. Ouais, c'est d'une beauté, d'une beauté et en même temps d'une froideur. Enfin, ça a donné des frissons quoi. Mais tout est balayé d'un revers de la main, c'est le pouce dans le cul, quoi. C'est, tiens, tu veux un pouce, allez, bim, quoi. Et puis c'est un pouce des Chebest, quoi. C'est pas un pouce de... Hein, c'est pas Mercos, quoi. C'est un pouce, avec des un pouce avec des abdos. Voilà, c'est... Et tu vois, ça, tu vois, tout ça, c'est beau, etc. Eh ben, tu vas presque pas en profiter. Tu vas galérer pour visiter ça. Vas-y, galère. J'ai l'impression... C'est comme si t'étais à Disneyland... Et que tu ne savais pas marcher sur tes deux pieds. Tu étais encore un bébé et tu étais laissé tout seul. Et vas-y, marche à quatre pattes, quoi. Et tu n'as quasiment rien. Tout est compliqué, quoi. Pour toi, c'est terrible. J'ai presque dire, c'est pas dur, tu vois, de dire ça. Mais quelque part, tu as l'impression d'être handicapé, en fait. C'est... Ouais, c'est comme si t'étais un... J'imagine même pas, tu sais, les gens dans la vie de tous les jours, les gens qui sont en fauteuil roulant, comment ça... Comment ah, le calvaire qu'ils vivent au quotidien. Et ouais, comment ça doit être dur. Mais franchement, j'ai eu l'impression d'avoir visité un univers incroyable en fauteuil roulant. C'est-à-dire pas du tout fait pour moi et pas à mon échelle. Parce que rien n'était prévu pour moi. Et c'est ça, c'est un univers incroyable, une histoire incroyable, des personnages, un duo... J'ai jamais vu un duo comme ça, enfin c'est... Bah en fait si de il y a que Ueda qui arrive à faire des duos aussi poignants. C'est la Moi je pense qu'en fait il devrait vraiment s'entourer d'une équipe technique beaucoup plus forte, quoi. Enfin, en fait bah voilà, je vais venir Ueda, juste donnez-lui des développeurs et un chef de projet. Faut pas qu'il soit chef de projet et faut qu'il ait des vrais devs. Parce que là, c'est pas possible. Il a bossé avec des stagiaires. C'est pas possible. Parce que c'est du talent gâché, quoi. C'est niveau stagiaire. C'est niveau stage, vraiment, ce qui est livré. Parce que t'as des jeux 3D, c'est... 1D. Toi, comme ah, on surveille beaucoup la scène 1D, t'as des jeux en 3D qui ont des caméras qui tiennent la route. Ah, tu vois. C'est une catastrophe. Et le jeu manque la marche du Panthéon. Il rentrera dans l'histoire pour ce qu'il est. En dehors de la technique, même si bon, la narration, etc., on peut dire que c'est de la technique, technique hors IA, etc., tout ce qui est vraiment jouabilité et caméra, c'est un niveau si exécrable. On est au-delà du mauvais, hein. On est vraiment dans le. Ah la vache! C'est, mais pour moi, c'est du jamais vu, quoi. Donc enfin, ça veut dire que si. J'ai pas joué à tous les jeux, tu vois, donc je peux pas, il y a sûrement pire, mais moi, j'ai. C'est la première fois quoi, que je joue à un jeu aussi mauvais. C'est mauvais à un point où pourtant, putain, merde, je suis bon public, je suis quand même tolérant. Quoi. Là, si l'IA, si cette relation... Parce que, en fait, en clair, on attendait que ce soit... Enfin, moi, j'avais l'impression que ça allait être le contraire. C'est-à-dire que la relation entre Tricot et le jeune garçon allait être sympa, mais sans plus. Et que tout le reste allait être comme du Ico, c'est-à-dire à peu près solide. En fait, c'est tout l'inverse. Tout le reste se casse la gueule. Et c'est vraiment la grosse surprise. C'est cette relation hallucinante que tu noues avec la bête. Mais il n'y aurait pas eu ça. Et certaines idées de gameplay et de game design qui sont excellentes. Il y a certains trucs que tu n'as jamais vus dans notre jeu. J'ai hâte de voir ça. Tout comme Miyamoto, il y a des choses que tu fais dans le jeu où tu vois que Ueda est extérieur au jeu vidéo. Parce que c'est quelqu'un d'extérieur à la base au jeu vidéo. Il vient pas vraiment du jeu, tu sais, quoi. Il a fait ICO. Il a pas été formaté. Il sort d'une école d'art, tu sais, tout comme Miyamoto est arrivé. Il sortait d'une école de dessin industriel. Bon, voilà quoi. Et finalement, regarde ce que ça a donné. Justement, il invente des choses. Ueda, c'est pareil, c'est le fait d'arriver d'un autre milieu et cette certaine forme de fraîcheur et de génie qu'il a, de lucidité glaçante, qui fait que dans les mains, tu peux pas être indifférent parce qu'il y a des choses que tu n'as jamais fait. Tu as les mêmes outils et tu fais pas la même chose, tu vois. Tu dis, mais merde, mais oui, enfin, effectivement, c'est possible de faire ça. Oui, effectivement, c'est étonnant de voir ça dans un jeu. Et dans Last Guardian, t'as plein de moments comme ça où tu te dis, ah, putain, c'est quelque chose que j'aurais fait dans la vraie vie, mais que j'aurais jamais eu le réflexe de faire dans un jeu. Parce que jamais je vais me dire, non, bon, dans un jeu, jamais on ferait ça. Parce que c'est trop un détail, c'est trop... Ah, mais j'ai hâte de voir ça. Il y a des choses folles où tu te dis... je te dis, je trouve que des fois, c'est pas évident. Je pense que tu peux rester coincé à cause de ça, alors qu'en fait, mais tu te dis, mais... En fait, c'est tellement logique. Mais toi, tu vas avoir un réflexe de joueur. il y a un truc, tu vas dire, non, c'est forcément un mécanisme à pousser. Non, je dois forcément prendre une caisse pour aller là. Non, je dois forcément déclencher une cutscene pour, je sais pas, pour faire un truc. Non, alors que pas du tout. En fait, c'est la solution la plus logique. Sauf que tu y penses pas parce que t'es dans un jeu. Tu vois, il y a plein de... Et tu te dis, c'est pas possible. T'as des moments comme ça. Et dans Colossus, t'avais des moments comme ça. Et dans Ico, t'avais des moments comme ça. Et dans The Witness, t'as beaucoup de moments. D'ailleurs, The Witness, c'est quasiment que ça. Il se joue de ça, The Witness. Mais le problème, c'est que j'ai adoré le jeu. Il te laisse dans un état très désagréable. C'est-à-dire que c'est un jeu que j'ai trouvé incroyable. Ouais. Et que, voilà, à jamais, il restera gravé dans ma mémoire de joueur, mais pas que de joueur. Pour ce qu'il est aussi, pour ce qu'il te raconte aussi. Mais il restera aussi une de mes pires expériences en tant que joueur, parce que le jeu n'est pas fini. C'est dingue. Il n'est pas fini. Il rame de partout, il est bourré de bugs, il y a plein de problèmes de collision et de physique. La caméra, c'est même pas une caméra. Pour moi, c'est pas une caméra. Ça, c'est un truc qui te filme, mais elle fait ce qu'elle veut et elle veut pas faire ce que tu as envie de faire. La jouabilité, c'est une véritable catastrophe aussi. Dès que tu es sur le dos de Trico, c'est bon, tu es maître de plus rien, tu peux plus rien faire. Mais en fait, ce qui est terrible, c'est que Ueda, c'est un game designer de génie, mais qui devrait être entouré de techos solides. Là, il est entouré de baltringues, en fait. T'as l'impression que c'est un créateur de génie entouré de développeurs de chez, je sais pas, Orange, quoi. Orange Mobile. C'est des gens qui font pas des jeux, quoi. C'est en tout cas, dans ces développeurs, je sais pas d'où ils viennent, mais c'est pas possible. Il y en a qui ont jamais fait de jeu avant. Enfin, il y a des trucs, c'est d'une évidence. C'est comme le fait de toujours laisser l'interface. Je veux dire, t'es à une heure de la fin du jeu quand on te dit devant une corniche, appuie sur X pour te suspendre. Alors que oui, ça fait 12 heures que tu joues. Et déjà ça fait pas sens avec sa philosophie qui est la sienne, voilà. Mettre le moins d'indications à l'écran, de mettre donc c'est parce c'est que pour lui, ça c'est dit que le jeu n'est pas fini. Oui, mais c'est plus, ça. Ça apparaît de manière arbitraire. C'est sans aucune logique que ça apparaît ça en plus. Ouais, c'est comme FF15, ça a été fini dans un TGV parce qu'il fallait vraiment. Parce que je pense définitivement, et je maintiens ce que j'avais dit puisqu'on avait déjà parlé, je pense définitivement qu'il faut séparer l'œuvre de la personne, comme Fez, avec Phil Fish, avec Jonathan Blow. C'est que Ueda, je le dis haut et fort, c'est un gros con. Et d'ailleurs, ça s'est souvent vu, ça s'est souvent dit d'ailleurs dans les interviews, c'est que. Il a tellement, tellement été porté vers le haut. Il est tellement prestigieux. Il a fait Ico et Colossus. Tu te rends compte quand même? Enfin, je sais pas. Oui, bah oui, c'est clair. J'ai fait Ico et Colossus. Enfin, tu te dis le mec, t'as gravé l'histoire du jeu vidéo, mais pas que. Je veux dire, moi, mes jeux, ils sont testés dans le New York Times, quoi. Tu vois, il est au-dessus de tout le monde. Comme Kojima, comme Miyamoto, il fait partie des piliers qui, dans 100 ans, si le jeu vidéo ça existe, on parlera encore du Ueda. On parlera toujours du Ueda dans ce média. Et je pense qu'il s'est dit, on me file du pognon pour faire un autre jeu, et ben je vais déjà prendre mon temps, mais je vais pas travailler, et je pense qu'il n'a pas travaillé pendant au moins 3 ans. Au moins. Je pense qu'il a pris un carnet, il a fait des croquis, il a voyagé, parce qu'il est blindé, il a voyagé, il a fait effectivement beaucoup d'études sur les animaux, etc., sur les comportements, blablabla, blablabla, mais je pense que sans déconner, il devait bosser 2-3 jours par mois, quoi, pas plus. Parce que ce n'est pas possible. Quand tu es derrière un ordinateur, quand tu travailles vraiment, et qu'au bout de 9 ans, tu sors ça, c'est que tu n'as pas travaillé, Renaud. C'est pas une question d'être mauvais ou je sais pas quoi, parce que tu as Sony derrière, en tampon, quand même. Tu as Sony qui est là, qui teste le jeu, qui dit non, mais là, c'est pas possible. C'est juste que la candidate, donc la version qui a été livrée par le studio, la candidate, il faut savoir que c'est la version candidate, donc, à la release du jeu. Ouais. Et que quand ils ont livré une candidate, la candidate, ils l'ont livrée il y a 6 mois. C'est sûr et certain, et pas avant. Le problème, c'est que le jeu n'a pas été testé. Il n'y a pas eu de focus group sur le jeu. C'est sûr et certain. Parce que quand tu as un jeu à gros budget comme ça, que tu le mets dans les mains des gens, et que tu les regardes jouer, et que tu prends des notes, ce que tu fais pour tous les AAA et même les jeux moyens, et que tu vois que 99% des joueurs n'arrivent pas à recentrer la caméra et se cassent la gueule et crèvent à cause des bugs, ils n'arrivent même pas à faire quoi que ce soit sur le dos de Trico, là, tu te dis, bah les mecs, on va peut-être faire en sorte que ça fonctionne quand même, parce que là, le jeu, il y... bah, les gens n'arrivent pas à y jouer. Et bah, ils l'ont sorti comme ça. Ce que je comprends pas, c'est qu'on l'attendait depuis tellement longtemps, qu'est-ce qui empêchait de lui donner 6 mois de polish supplémentaire, puisque on était plus à ça près. Ou alors peut-être parce mais qu'ils si, avaient, Bruno, ils avaient arrêté une date, et puis ils ont dit, bon, maintenant, vous faites pas chier, c'est cette date-là. Mais t'imagines financièrement le ah oui, non, mais ça a dû être un gouffre. Non, mais bien sûr. Le ça a dû gouffre être un... que le jeu, alors que c'est que un jeu du EDA. Enfin, c'est quelqu'un d'important, mais c'est pas ces jeux qui font gagner du pognon à Sony. Non, bah d'ailleurs, je sais pas si t'as vu les premiers chiffres de vente. Non, j'ai pas vu. Mais oui, mais tous ces jeux, c'est comme ça. ICO, ça s'est à peine vendu. Colossus, bon, ça. Ces jeux, c'est des succès Sony a besoin de ces jeux-là pour faire avancer le média et dire que chez nous, ces jeux-là existent. Parce oui, c'est la vitrine. Ce sont des jeux dont tout le monde parle et que personne a. Enfin, c'est méchant ce que je dis. Mais que personne n'a joué, c'est-à-dire que ICO et Shadow, tout le monde en parle, mais je suis sûr que les trois quarts des personnes qui en parlent n'ont même pas essayé le jeu. Mais c'est des jeux importants dans le média. Ah, bien sûr, c'est des jeux étapes. Qu'on aime ou on n'aime pas, comme bien sûr. Cette grosse merde, là, putain, de Heavy Rain. Comme Heavy Rain est un jeu important, alors que moi je trouve que c'est de la merde. Comme il y a des jeux comme ça qui sont importants, il faut qu'il y ait des jeux comme ça. Et sans Sony, c'est les seuls qui financent ces projets-là. C'est les seuls qui financent ça. C'est personne ne finance ça. On peut quand même rendre grâce à Sony là-dessus. C'est quand même d'avoir sorti quand même le jeu. Mais attends, il n'y aurait pas eu Sony, mais Last Guardian, je ne sais même pas si on y jouerait. On ne pourrait même pas en parler. Enfin, on pourrait même pas parler du jeu. On parlerait trailer, hein, encore. Mais là, moi, j'ai hâte parce qu'en fait, moi, comment on va me l'offrir, voilà. Et donc, j'y jouerai au mois de janvier là. Moi, c'est terrible ce que tu dis parce que j'ai vraiment l'impression d'un immense gâchis et quelque chose qui commence vraiment à me saouler là, c'est que on a vraiment l'impression qu'entre Guardian et FF15. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand même? Alors, les gens vont peut-être penser que j'ai détesté le jeu. J'appuie sur le fait que je l'ai trouvé incroyable, hein, le jeu. Non, mais si je résume ta pensée, c'est qu'il n'y aurait cette relation magique qui s'instaure entre ton avatar et Tricot. Et il n'y aurait pas l'univers, il n'y aurait pas la direction artistique, il n'y aurait pas l'histoire, il n'y aurait pas. Bon, c'est-à-dire quand même plus de 50% hein, du jeu, quand même. Avoue, par rapport à ce que j'entends, il n'y aurait pas la relation entre le gamin et l'animal, avec tous les bugs, les problèmes de caméra, juste l'univers, et juste t'aurais grimpé comme Ico, quoi. Je pense pas que ça t'aurait laissé un aussi gros souvenir. Non. Voilà. De toute façon, le sujet du jeu, c'est la relation. Donc, bon, au moins là-dessus, c'est réussi. Au moins, heureusement. Je vais même au-delà, c'est réussi. Mais même moi, ça a dépassé mes attentes. Maintenant, voilà, faut quand même rester lucide. Et malgré le fait que je sois bon public. En général, moi j'avais très peur pour ce jeu, je suis quand même très rassuré sur beaucoup de choses, parce que moi j'avais peur que ça ne fonctionne pas, cette relation. Maintenant j'ai été agréablement surpris par la technique quand même du jeu, par les animations, etc. Je ne m'attendais pas à ça non plus, enfin, je ne m'attendais pas à recevoir une claque sur ce plan-là aussi. Mais ça reste c'est un semi-sauvetage. Pour moi, il n'est pas si miraculeux que ça. Pour ça, miraculé, j'aimerais qu'on mette un point d'interrogation. Non, mais justement, j'allais t'en parler. C'est un semi-miraculé. On va en reparler dans 5 minutes. Je crois que finalement, le titre de l'émission, on va le modifier. je pense que c'est normal que Eda ait été mis de côté pendant le développement, parce que je ne sais pas si, voilà, peut-être que certains... Oui, soi-disant, il a travaillé en externe. Après, il a terminé le projet en tant que freelance. Je pense qu'il s'est vraiment foutu de la gueule de Sony. Je pense qu'il les a bien, bernés quand même. Il s'est fait payer, en gros, voilà. Il a choisi la facilité. Je pense que merde, putain, je veux dire ça se voit, je veux dire. C'est-à-dire que il avait une idée du projet. Il s'est dit, on va réussir à le faire en, 3-4 ans. Il a constamment repoussé le projet. Il s'est fait payer à rien faire. Je pense qu'il faut le dire. Il s'est fait payer. Il a joué le mauvais fonctionnaire. Voilà. Je fous rien. Voilà, je fais des croquis, je sais à peu près où je vais, Au bout d'un moment, Sony, il a dit, bon, par contre, tu te sors les doigts du cul parce que ça fait 4 ans qu'on te paye. Je pense qu'au bout d'un moment, ça a commencé à chauffer et ça a chauffé à peu près à la même période, tu sais, pour le mec de Gran Turismo, etc. Tout ça, exactement. C'est la même période. Exactement. Je pensais si à ça. Oui, oui, oui. Je pense que Sony, on avait un peu marre de ces divas. Je pense qu'il faut. Les divas maison qui agissaient de la sorte. Ouais. Voilà, il y a des signes qui ne trompent pas. Au bout d'un moment, en interne, ceux qui étaient payés par Sony, que ça soit Monsieur Gran Turismo ou Ueda, ça arrivait au même moment. C'est à quelques semaines, quelques mois d'écart. Le mec de Gran Turismo, il a dit tu fermes ta gueule et tu sors ton jeu. Et le mec, il a sorti un jeu pas fini. Gran Turismo, on n'en parle même plus maintenant. Ah ben maintenant, là, c'est devenu. C'est un running gag, GT. Et pour The Last Guardian, c'est pareil. Sony dit bon, tu sais quoi, ça fait 4 ans, t'as même pas une pré-alpha à nous montrer. Et ben, tu dégages. Et c'est ce qui s'est passé. Sauf que le jeu, il y avait une énorme attente autour. Tu dégages et tu deviens freelance. Voilà. Et tu surveilles. Oui, de temps ils l'ont en temps. Poussé à être. Il y a des résultats à donner. Moi, je pense c'est que en le mettant freelance, ils ont divisé par deux son salaire, à mon avis, au moins. C'est qu'au Japon, c'est très mal perçu, ça. Je pense qu'il s'est senti, lui. Il a pris ça comme un affront. Sauf que Sony, c'est une société. Ils sont bien gentils, mais ça reste une société. Je ne suis pas en train de les défendre parce que Sony font beaucoup de conneries et je ne les porte pas spécialement dans mon cœur pour plein de trucs. Non, mais à un moment donné, il faut qu'ils fassent rentrer de l'argent, c'est normal. Mais à un moment donné, tu ne peux pas continuer à payer des gens. Oui, parce que ça fait fatalement au détriment d'autres projets, c'est surtout voilà. Ça. Le projet était énorme, ils ont accepté beaucoup de choses. Ok, il ne sortira pas sur PS3, d'accord, finalement, on fait sur PS4. Et bien, même sur PS4, il a constamment été en retard, il ne sort pas fini. Donc je pense que ils doivent quand même l'avoir un peu à l'envers, Sony. Le jeu, il a beau être exceptionnel, la presse a beau être dithyrambique. Je pense que c'est là que je voulais en venir aussi pour le prochain jeu du EDA, tu sais que à mon avis ce sera du multiplateforme. Oui, mais justement, de toute façon, alors la version officielle, c'est qu'ils voulaient s'extirper de, si tu veux, de fait d'être 100% chez Sony. Donc, son prochain jeu, ça va être un gros point d'interrogation, quoi. Je sais pas, s'il y aura un prochain jeu. Parce que maintenant, mets-toi à la place de Microsoft, mets-toi à la place de Nintendo ou d'un autre éditeur. Ueda, c'est quelqu'un qui fait peur. Hein. Il fait très peur, Ueda. J'ai dit, putain, je vais mettre du pognon dans un mec qui est pas foutu de sortir un jeu. Mais c'est ce qu'il va faire, il va nous faire un Kickstarter. Voilà. Et tu sais quoi, et je suis et le sûr... jeu sortira dans 20 ans. Ouais, et je suis sûr qu'il explosera les compteurs aussi parce que c'est Ueda. Bah, c'est normal. Bon, ça c'est un petit peu normal. Le jeu est incroyable. Il y a voilà, je peux pas lier, mais professionnellement Ueda c'est une merde. C'est quelqu'un qui n'est pas en toute nuance comme d'habitude. Non mais c'est quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Je te parle professionnellement. Après on sait pas vraiment ce qui s'est passé en interne. Après c'est toujours compliqué. Non mais c'est pas possible Bruno. Il y a des fois, faut être manichéen, et là, clairement, il y a un manichéen. Sony donne de l'argent à monsieur. Tiens, je te donne des sous. Toi, tu gagnes que dalle. T'as rien, t'as pas de boulot. Je te donne de l'argent pour que tu fasses ton jeu. Tu mets 9 ans, tu me sors un truc pas fini en 9 ans. Point. Quel que soit ce qui s'est passé, c'est pas Sony qui est venu dans les studios et ils ont volé les PC pendant 4 ans. C'est pour ça que ça m'énerve. On avait déjà évoqué ça lors d'une précédente émission, mais ça m'énerve ceux qui font du bashing anti-Kojima parce que, ok, Kojima, il a peut-être un côté diva aussi, mais en même temps, ces jeux, il les sort. Et puis en plus, ils sont super bien polichés. Et puis ils sont finis, mais parce que Kojima, ça fait combien de temps qu'il bosse dans le jeu ? Il sait mener un projet, il sait faire des plannings. Il sait faire des bilans, il sait faire des plannings financiers. Et puis, je crois qu'il sait bien s'entourer aussi. Ouais. Comme tout le monde, il sait choisir les développeurs. Voilà. Faut pas oublier que Kojima, il a aussi un profil de développeur, donc il sait ce que c'est le dev. Il a une vision lucide d'un projet. Moi, j'ai pas joué Metal Gear 5, mais j'ai très bien compris que Metal Gear 5, le développement était très long. Mais après, quand tu regardes les joueurs, putain, mais il y a 200 heures de jeu. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'approche, non seulement tu as 200 heures de jeu, et monstrueux. C'est le meilleur gameplay dans cette catégorie d'action infiltration au niveau de à la troisième personne. C'est un gameplay qui est inattaquable. C'est-à-dire que c'est vraiment. Lui et. C'est propre. MGS5 et les Dishonored. Au niveau de l'infiltration, c'est ce qui se fait vraiment de mieux. Et il a su toujours se mettre à la page Kojima. Et son gameplay est inattaquable. Donc, et puis surtout, c'est des jeux propres. Donc il peut se permettre, je suis désolé. Voilà. Tu ne perds pas parce que la caméra foire, parce qu'il y a un bug, parce que t'as rien compris. Non, voilà. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. T'as perdu, quoi. Point. Enfin, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le bonhomme, il peut se permettre de balancer des trailers qui soulèvent les foules, parce que tu sais que quand son jeu va sortir, il sera carré. Qu'on aime ou pas, voilà, la proposition. Exactement. Tu sais que ce Death sera carré. Quoi. Death Stranding ne me fait pas peur. Je sais que ce sera un jeu. Et puis on sait qu'il sortira. Surtout pas avant 10 ans, je pense. Donc, et qu'il sera cohérent du début jusqu'à la fin, parce que Kojima sort ses projets. Miyamoto sort ses projets. Le mec de Majora. Bah, Onuma. Onuma sort ses projets. Enfin bref, c'est des développeurs qui sortent leurs projets. Le mec de GT, c'est un mec qui sort pas ses projets. Nomura, c'est un mec qui sort pas ses projets. C'est game designer star qui le sont devenus à juste titre, hein, parce qu'ils ils ont fait des grands jeux. Je pense que c'est un problème de personne et un problème d'encadrement, de hiérarchie. Parce que c'est un problème de personne, parce que eux, à un moment donné, font n'importe quoi et s'enlisent dans leur créativité, et à un moment donné ils savent plus s'arrêter, ils savent plus faire le focus, ils savent pas tenir des délais, et à un moment donné t'as des game designers qui sont autodisciplinés et t'en as d'autres, ils ont besoin de l'être, il faut un peu les arrêter au bout d'un moment pour à un moment donné quand même que le jeu commence à être produit, à être développé. Le problème c'est que je pense qu'ils avaient, voilà, comme tu dis, je pense qu'on aurait pu très bien arriver au même résultat il y a 2 ans là pour The Last Guardian. C'est juste que je pense que c'est des créateurs qui se canalisent pas sur les bons éléments. Enfin, oui, ou peut-être qu'on a voulu les canaliser et puis ça a été très mal pris, ça a créé je pense qu'il y a ça aussi. Des conflits en interne. Ouais. Peut-être qu'il s'est dit comment moi. Bah, bon, après, c'est une grosse supposition parce que on saura jamais ce qui s'est passé, ou alors pas avant quelques temps, mais peut-être il s'est dit moi, Ueda, tu vas m'envoyer un mec pour me diriger moi. Non, mais t'es fou. Pour qui tu te prends ? Il y a un manque de talent des développeurs aussi. Au niveau technicien autour de lui, c'est une catastrophe. Ce que tu m'as raconté, c'est une catastrophe. Son équipe de dev, il y en a. Enfin voilà, je pense. Mais c'est donné du caviar au cochon. Enfin, impressionnant ce qu'ils ont fait. Mais je pense qu'il était mal entouré quand même. Un game designer de ce niveau-là, entouré par des mecs qui arrivent même pas à faire une caméra correcte. Enfin, c'est quand même fou. Mais même lui, il devait le voir à la fin. Mais... Ou alors, peut-être qu'il en a plein cul dans la Zwardian. Il s'est dit, bon, allez, on va le sortir. De toute façon, j'ai pas le choix. Non, mais il sortira comme ça. Et puis voilà, quoi. Il avait pas le choix, c'est tout. Oui, voilà. Je suis pas sûr qu'il y en ait, parce que c'est quand même quelqu'un de très perfectionniste et tu le vois dans le jeu. Mais je veux dire, c'est comme Square. Je veux dire, t'as un mec comme Nomura. Moi, pour faire un petit lien avec la première partie de l'émission, tu vois FF15, ce à quoi on est passé à côté d'un FF énormissime. À un moment donné, putain, pourquoi il n'y a pas quelqu'un en haut qui a dit, bon, tout Nomura que tu es, tu fermes ta gueule, maintenant tu me déblais tout ça, tu me refais un GD, tu me refais un plan vachement plus affiné, épuré, on va sur ça, ça, ça, ça, et t'arrêtes pendant 5 ans de me faire une dite tétralogie de ton histoire, parce que je crois que j'ai lu qu'à un moment donné, il voulait carrément que ce soit en 3 actes aussi, versus 13. C'est ce qu'il est en train de faire avec FF7, hein. Il est en train de reporter cette de ses actes avec FF7. Il me semble avoir lu ça. À un moment donné, oui, il a des idées superbes, oui, il a des supers idées, oui, dans le passé de Square, il a beaucoup participé, ça, il faut quand même le rappeler, Nomura, parce qu'on lui... C'est vrai que nous, on a tendance à le casser, mais c'est vrai que même sur FF6, il n'a pas été juste chara-designer, il a carrément inventé des pans de scénario par rapport à certains personnages, et parmi nos préférés en plus, sur FF5, bon, il a fait que du design, mais à partir du 6, vraiment, il a... Et voilà, sur FF7, la mort d'Aeris, c'est son idée, enfin, il a plein de bonnes idées, c'est un mec qui est pas canalisé, quoi. En fait, ça peut se résumer à quelque chose, c'est que dans les jeux vidéo comme partout ailleurs, avoir des bonnes idées, et j'ai presque envie de te dire, je veux pas minimiser le travail de ces gens-là, mais des bonnes idées, tout le monde peut en avoir. Les concrétiser, c'est autre chose. Savoir les mettre en œuvre, c'est autre chose. Faut savoir que pour Final Fantasy XV, tu te dis, c'est marrant parce que t'as simulé un dialogue en disant pour moi un GD, blablabla. Mais tu crois vraiment qu'il y a un GD pour FF15? Mais il n'y a pas eu de GD, Bruno. Ou alors dans quel état? Pour à 2 mois de la sortie, changer carrément le système de... À 3 mois de la sortie, changer des gros pans du système de combat, rajouter des sphères à l'arrache, tout ça. Tu crois qu'il y a un game design? Quand tu as un game design, tu fais pas ça. Parce qu'un game design, ça se valide et ça fonctionne par itération, par livraison, par milestone, encore une fois, parce que ça demande de l'organisation. Et ces gens-là n'en ont pas eu. Il n'y a pas eu de dossier game design pour The Last Guardian. Il n'y a pas eu de dossier de game design pour FF15. Bon, après, ceci étant dit, dans The Last Guardian, je te dis, tout est cohérent. Hein. C'est assez dingue, même en termes de level design, tout est nickel. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Non, là, c'est plus sur le côté technique que ça a pêché, quoi. Voilà, c'est pas le désastre qu'est Final Fantasy XV. The Last Guardian, malgré ses défauts qui sont impardonnables, est un jeu exceptionnel, je tiens à le dire. Mais contrairement à Colossus et Ico, ce n'est pas un jeu culte. Parce que dans Ico et dans Colossus, il y avait des soucis aussi, mais c'était pas à ce point-là. Ouais, c'était... mais quand tu dis qu'il est exceptionnel, il y a la partie émotion, la partie émotive qui rentre vachement en jeu, parce que froidement, si les soucis techniques dont tu m'as parlé... Et non, mais c'est simple. Est-ce qu'on peut utiliser le qualificatif exceptionnel avec autant d'errance, quoi ? Enfin, c'est ouf. Oui, parce que vraiment, c'est... Parce que c'est l'expérience. Voilà, c'est l'expérience voilà. Que tu en sors qui est énorme. Bon, ce qui a été fait après, c'est l'expérience, c'est très, très important aussi. Ce que tu ressens, ça fait partie vraiment du ressenti, mais... Le reste, franchement, c'est de la folie, quoi. Donc, Tu prends les mêmes caméras, tu prends cette jouabilité, tu te greffes à, je sais pas, je vais dire Uncharted, je joue une demi-heure et j'arrête de jouer. Ouais, mais sauf que chez Naughty Dog, ils savent faire une caméra. Non, donc, mais c'est un exemple. Ouais, ouais, ouais. Un exemple. Tu mets la caméra, la jouabilité de Colossus dans un jeu d'action. Je justement, tu fais bien de parler de ça me fait penser à quelque chose, et de toute façon, là, il va dans un petit quart d'heure, on va devoir arrêter. Ce qui me fait penser que. J'en vois plein, que ce soit... Alors là, tous à la même enseigne, hein, que ce soit GameCult, Gameblog, JV.com, tout ce que tu veux, pas mal d'internautes sur les réseaux sociaux, qui, sur un The Last of Us, qui, sur un Uncharted 4, tu vois, ils vont pointer le petit défaut en disant « Ouais, mais attends, l'infiltration dans Uncharted 4, elle est pourrie. L'infiltration dans The Last of Us, c'était quand même un peu craqué, tout ça. » Alors que moi, je trouvais que c'était quand même bon, globalement... C'était pas. Voilà. Non, moi j'ai trouvé ça très bien. Voilà, voilà, moi j'ai trouvé ça très bien aussi. Ça fait le job. L'important dans The Last of Us, c'est l'histoire, une fois de plus. Si tu veux jouer que l'illustration, tu joues à du Tom Clancy. Non, mais même, moi j'ai trouvé que les côtés infiltration, les côtés survival et les côtés action de The Last of Us étaient très très bien. Enfin, moi ça, oui, moi ça aussi, m'a énormément plu. Très bien. Oui. Alors à côté de ça, bon, t'as certains jeux, peut-être pas aussi renommés, qui parfois se font massacrer. Parce que techniquement ils sont un peu à la ramasse et alors qu'il y a quand même du bon à retirer. Bon, là on a quand même coup sur coup Final Fantasy XV, The Last Guardian avec les ce que tu viens de dire. Alors ce ne sont pas des jeux horribles, c'est pas le problème parce que FF15 comme t'as compris, j'ai quand même eu du plaisir à y jouer aussi, tu vois, à certains moments. Mais quand tu vois quand même la catastrophe technique. Et FF15 ça va au-delà au niveau catastrophe narrative et puis voilà plein d'autres choses dont on a évoqué tout à l'heure. Quand tu vois tout ça et quand tu vois ce plébiscite quasi unanime, hein, c'est-à-dire que pour une mauvaise note t'en as 15 en face qui sont quasiment maximales, c'est quand même dingue. Est-ce qu'on excuse trop à ces créateurs-là, ou alors ils vont se faire sabrer lors de leur prochain jeu pour que la presse se rachète une conscience à ce moment-là? Mais le problème, c'est hallucinant quand même j'ai vu les notes tomber de Final Fantasy XV, j'étais en train d'y jouer, je me suis dit nous n'habitons pas sur la même planète. Et moi comme toi je suis bon public, c'est un jeu que j'avais envie d'aimer, j'avais pas envie de le sabrer, mais il y a c'est factuel, il y a des choses tu ne Bien peux sûr. Pas le pardonner. Alors oui, après comme dans Guardian aussi, mais vraiment, j'insiste sur le fait, parce que je veux pas qu'il y ait confusion là-dessus. Je peux comprendre les notes dithyrambiques, pas d'FF15, hein, mais de Guardian. Parce que tu verras, Bruno, quand il jouera, mais c'est quand même, malgré ces défauts-là, c'est quand même incroyable, quoi, ce qu'ils ont réussi à faire. Oui, c'est... mais est-ce que ce serait pas Ueda? Est-ce qu'il non, ce serait pas Ueda, ça reste incroyable, Bruno. Ce qui a été fait. Non, j'ai pas dit que ça reste incroyable. J'ai pas dit que ça resterait pas incroyable. Je te parle au niveau des notes. Au niveau de l'accueil de la presse. Peut-être, mais bon, chez d'autres... Parce que moi, Final Fantasy, je suis persuadé que ça aurait pas été Final Fantasy XV. Oui. Et ça aurait été, tu sais, un jeu Square Enix sorti de... Non, mais tu vois, qui n'est pas filé une série. Cul, je sais pas quoi. Genre un... Oh non, même pas une grande série, mais tu sais, genre des... tu vois, un peu comme ils ont fait parfois des The Last Remnant ou des jeux comme ça. Ouais, ça aurait été, tu vois, ouais, je sais pas... J'aurais dit que ça aurait été très beau, que ça aurait été impressionnant pour un jeu venu de nulle part, mais il a... The Battle of Fantasy Kingdoms, ou tu vois, je sais pas, ils auraient sorti un truc comme ça. Ah, c'est sûr que c'est sûr. Il serait fait un peu défoncer, je pense. Mais je pense que Colossus, la majorité de la presse et des gens sont passés au-dessus. au-dessus de ses défauts qui sont hallucinants. Parce que c'est quand même incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Vraiment, c'était pas... c'est un jeu qui touche quelque chose du doigt, quoi. C'est... Après, moi, il y a des trucs que j'ai pas compris. C'est vrai que j'ai pas arrêté d'entendre genre « Ah, attention, si vous avez un cœur de pierre » ou « À la fin, vous allez pleurer, blablabla. » Bon, là, ouais, oui, après, c'est personnel. Après, c'est chacun ressent... À ce moment-là, non, mais pourtant, je l'ai dit juste avant, pourtant, moi, j'ai chialé dans Vice Versa. Moi, j'ai chialé à Toy Story 3, quoi. Au cinéma, j'ai pas arrêté oui, de pleurer. Oui, moi aussi, mais ça, après, ça veut rien dire. Parce que regarde, la fin d'FF15, elle fait vachement débat. C'est-à-dire que moi, elle m'a fait chialer tellement j'ai trouvé vraiment d'une beauté émotionnelle incroyable. T'en as qui l'ont adoré, t'en as d'autres qui ont dit qu'elle était toute pourrie, qu'on détestait. C'est toujours pareil, c'est comme la fin de The Last of Us. Rappelle-toi, elle divisait. Nous, on fait partie de ceux qui l'ont trouvé génial. Il n'y a même pas lieu de diviser pour la fin de The Last Guardian, sans spoiler. Voilà, c'est une fin c'est une très bonne fin. Je suis très content quand il y a le fin qui apparaît, tu te dis waouh, enfin c'était vraiment c'était super, mais c'est pas émotionnellement, j'ai trouvé par exemple Colossus beaucoup plus impactant émotionnellement que The Last Guardian, enfin il est beaucoup plus fort à la fin Last Guardian. Ah, le propos de fin Colossus. De ouais, le propos voilà. Scénaristique est hallucinant Le final de Guardian, c'est un des plus grands finales de l'histoire du jeu vidéo. Donc c'est vrai que je m'attendais à un final plus... Mais même pas que le final, même pendant le jeu, quand tu tues les colosses, il y a un malaise, quoi. T'étais pas bien. Émotionnellement, je trouve qu'il est plus, dramatique. Voilà. Colossus. Hein. Ouais, d'accord. The Last Guardian, il touche à autre chose. C'est vraiment l'affect avec les animaux. C'est le jeu des animaux, quoi. C'est le jeu des défenseurs des animaux. C'est le jeu du choix, de l'arbitrage, de la sélection naturelle, quoi. J'ai envie de te dire. Mais au niveau, c'est une lettre d'amour à la nature. Là, je suis obligé d'accélérer parce que dans 10 minutes on coupe. Est-ce qu'au niveau du gameplay, par contre, là, avec tout ce que tu as dit, tu confirmes, c'est le plus mauvais Ueda au niveau vraiment du gameplay, quoi. C'est le plus mauvais Ueda et un des plus mauvais jeux auxquels j'ai joué. C'est quand même hallucinant, quoi. Donc du coup, comment on va renommer l'émission? Parce que moi, c'est vrai qu'à la base, moi, j'ai pas encore fait donc The Last Guardian, et effectivement, je le voyais comme une sorte de miraculé, ce qu'il est quand même quelque part, parce qu'il revient quand même de très loin. Bah, tu peux mettre le cul de jatte et le manchot, quoi. le cul de jatte et le boiteux. Le cul de jatte et le boiteux. Non, parce que j'aime bien le mot éclopé pour Final Fantasy XV, tu vois. Je trouve que ça lui va tellement bien. Il faudrait trouver un terme un peu plus l'éclopé. Ouais, enfin. Éclopé, parce que c'est un jeu qui boite, c'est Last Guardian, c'est vraiment ça, quoi. Faut un terme plus générique. C'est un jeu qui a mal, il a mal d'être un jeu, quoi. Tu vois, tu sens que c'est dur pour lui. Cogiter un bon adjectif et puis je t'en parlerai. Mais par contre, voilà, faut le faire quand même. Enfin, il dit quand même, voilà. Ah bah moi, de toute façon. Que j'ai pas aimé, il est incroyable, c'est un jeu qui fera histoire, c'est clair. Je regrette pas du tout. De toute façon, c'est juste que je suis quand même déçu que pour des caprices, parce que c'est ça, pour des caprices de développeurs, pour des caprices de riches, pour des gamineries, le jeu soit sorti comme ça, parce que c'est des gamineries, c'est sûr. C'est un manque d'expérience, c'est de l'orgueil, et c'est à cause de ça. C'est à cause de ça que le jeu est sorti comme ça, et c'est très dommage. Voilà. Ça aurait pu être un jeu parfait. Mais quasiment. C'est ça, mais ce qui est horrible, c'est que si tu te dis, il y aurait une technique, enfin bon voilà, on va pas se répéter encore, mais il y aurait une technique à peu près correcte sans forcément faire un système de caméra de malade mental et tout ça, ce serait juste, ça aurait été juste carré, ça suffisait, quoi. Exactement. Ça, c'est une c'est bonne ça, caméra, c'est ça qui est terrible, une jouabilité de 2000, j'ai envie de dire de 2010, hein, même. Ouais. C'est dingue. Et c'était carton plein. Là, je t'aurais dit, j'ai pas grand-chose à dire à part c'est parfait, quoi. Enfin, vraiment, j'ai. Mais voilà, on en avait parlé avant que ça arrive, comme pour FF15. Je te l'avais dit. Moi, j'avais très peur. Je regagnais espoir, mais j'avais très peur vu au dernier dire. De la presse, c'était que des signes de développement qui a commencé très tardivement. Problème de caméra, jouabilité, etc. Bug de physique, c'est que des trucs que tu as très tardivement, normalement, très tôt dans un développement, pardon. Et qu'on a su très tardivement. Et c'était des signes de jeux pas finis, de jeux qui allaient sortir pas finis, de jeux malades, comme tu dis. Et c'est le cas. Bah, pas façon... comme Final Fantasy XV, mais c'est le cas quand même. Ça, le jeu est sorti pas fini. C'est... Puis moi, ça égratignait un petit peu. Bah, pourtant, à la base, je viens de ce milieu, mais ma confiance envers pas mal de... Non, on y reviendra peut-être un jour dans un futur épisode, mais sur pas mal de sites internet et de magazines, enfin là surtout sites en l'occurrence, que j'ai pas vu les tests de la presse papier encore, mais j'ai lu des critiques vraiment qui pour moi sont beaucoup beaucoup beaucoup trop gentilles, que ce soit sur FF15, alors The Last Guardian je verrai en l'état en y jouant. Tu as pété les plans. Mais je trouve que quand même il y a des jeux qui se font massacrer pour beaucoup moins que ça. Et alors, ils ont peut-être pas ce génie, ce grain de folie qu'a The Last Guardian, mais quand même, je trouve que bon, mettre des 9, mettre des quasiment des. Bon, après, je parle de la note, c'est, ça vaut rien en soi, mais en tout cas, au niveau de la critique, après. Qu'on ressorte complètement bouleversé d'expérience, ça je peux tout à fait comprendre, parce que moi aussi je suis un joueur qui prête autant d'attention au gameplay qu'à l'émotion, qu'à ce qu'on ressent. Là tu vas en avoir pour ton argent, c'est sûr. Aux émotions qu'on ressent en jouant. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a certains noms, certains titres qui font que on passe quand même. On est un peu plus clément, quoi. Mais enfin, bon. C'est un bon gros épisode qui vient de s'achever. Il faudra faire un épisode sur Square, hein, parce que pour moi, moi, à mes yeux, avec FF15, ils sont morts sur le marché des consoles de salon. La partie Squaresoft, hein, c'est vraiment l'équipe, tu sais, FF, qui fait des RPG, etc. Pour moi, n'existe plus, ils viennent de se suicider. Enfin, t'en as plein qui sont barrés entre-temps, mais... Oui, mais voilà. Toutes ces années. Le Squaresoft, côté FF, etc., sont définitivement morts. Et je pense qu'on peut déjà faire un post-mortem sur Square Enix, parce que là, FF15 va vraiment changer leur histoire. Mais c'est sûr que pour ceux qui, comme nous, ont connu l'âge d'or de Squaresoft... Que ce soit sur 8, 16 ou 32 bits, c'est un peu la... C'est fini, c'est fini. De décennie en décennie, on creuse le trou, quoi. Il y a beaucoup de choses à dire, je pense. Donc, on va se quitter tout de suite. Alors, c'est toi, la musique. Ouais, voilà. Donc, on termine toujours avec une rubrique... avec notre rubrique spéciale Game Music. Donc, c'est-à-dire que chaque numéro, Julien et moi, à tour de rôle, on propose... un morceau de jeu vidéo pour constituer à terme la liste ultime de game music. La dernière fois, c'était Julien qui a un thème de PC Kid 2, si je dis pas de bêtises, c'était le thème du premier niveau. Oui, c'est ça. Voilà, donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que, pour qu'on finisse sur une touche positive, c'est que je vais vous balancer un son de FF15, donc composé par Yoko Shimomura. Heureusement qu'elle est là, merci à elle, à cette talentueuse compositrice. Donc là, je me suis pas encore décidé sur quel morceau. Ce sera un morceau patateux, parce que si vous écoutez ce podcast dans les transports ou dans la voiture ou ailleurs, ça va vous donner un bon coup de boue. Donc je vais pas vous mettre un numéro, un morceau triste et mélancolique, mais parce qu'il y en a des très très beaux aussi dans le jeu, mais plus un thème assez nerveux. Et Dieu sait qu'il y en a qui sont très très galvanisants dans le jeu. Donc je vais vous mettre un bon petit morceau, un des thèmes de combat, je pense. Il y en a vraiment beaucoup, mais je vais vous mettre un des thèmes de combat et voilà. Ah ouais, vraiment, y en a là... beaucoup. Oui, comme je disais tout à l'heure, t'as énormément selon les situations, hormis le côté boss et combat classique. Dans les combats classiques et même dans les boss, t'as énormément de déclinaisons en fait et de morceaux différents. Et non, mais là, ouais, je te dis, la BO, c'est vraiment ce qui sauve énormément FF15, en fait. C'est vraiment une des plus belles BO de la série. Elle, au moins, elle a rempli son contrat. et c'est clair que c'est absolument fabuleux. Donc, je vous balance ce morceau-là. Et donc, on vous dit très vite pour le numéro 12. Partagez. Parlez de nous, envoyez-nous des petits messages sympas, faites comme vous voulez, voilà. Donc je vous dis au prochain numéro, Juju, salut. Ouais, pareil, bye. Et puis à très bientôt. Bye bye. Bye.